Attention, cet épisode a été réalisé en direct lors d'une transmission exceptionnelle de l'équipage du Faucon Millénial. Ils y disent beaucoup de bêtises comme d'habitude, mais ils spoilent aussi la série Le Mandalorien à la fin de l'épisode. Gare à vous, bonne soirée ou journée. Bonsoir. 1, 2, 2. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous nous entendez? Je veux que vous écriviez prout dans le chat si vous entendez quelque chose. Les morts parlent. Les morts parlent et les millennials aussi. Ah yes, je vois beaucoup de prout dans le chat. Merci. Xemnu, t'as pas besoin de dire prout, tu fais partie du truc. Tu me laisses dire prout si j'ai envie de dire prout. Ok, alors. Pourquoi on est là les enfants? Eh bien, c'est parce que on est très bête. Et du coup, Adrien, il a eu une petite idée. C'est pas de moi à la base, hein, mais... Oui, mais c'est toi qui as eu l'idée de le faire. Et puis ça nous fait un épisode un peu de détente. Est-ce que vous allez bien? Ah, vous entendez que à gauche? Ah merde, mais oui, évidemment, vous entendez ça, c'était que moi, à ça. Gauche. Non, je crois que c'est moi. Non, mais c'est normal, on est plus ou moins tous à gauche, hein, pour le coup. Ah, punaise, attends... comment je fais et comme bon. Ça c'est mieux normalement je suis plus à gauche non bah, bravo ouais, espèce de social traître là c'est bon merci ok j'avais oublié de mettre en mono j'étais en truc alors que j'ai que le micro de gauche qui est c'est ça j'avais écouté un qu'est-ce qu'il y a. Normalement, c'est bon, c'est ouais, bon ouais, ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Quelqu'un a dit c'est bon. super. Donc, aujourd'hui, on est là pour ceci. Il ne faut pas que j'enlève le mauvais truc. Ah bah voilà, on est là pour ceci, je n'ai pas mis le truc. On est bien. Voilà. Oh, regardez-moi ça comme c'est magnifique. C'est un peu avant-gardiste, finalement. On est là pour faire la tier list. Salut, le monde ici, c'est cool. Dédicace à Petit Cheminot. On va faire une tier list. Alors, comment ça se passe? On a mis plein de catégories politiques, allant des anarchistes de l'espace jusqu'à Hux. Une grande catégorie politique, Hux. Donc de gauche à droite et on va classer une centaine de personnages comme vous pouvez voir voilà sur l'écran ça fait un petit peu beaucoup parce qu'on va tous les faire voilà on va essayer de se dépêcher et de pas faire ça trop longtemps. Alors comme vous pouvez le voir voilà il y a plusieurs catégories, donc il y a les anarchistes de l'espace, donc c'est-à-dire Rose, je pense que là on est un peu tous d'accord, les communistes. La gauche caviar. Alors, qu'est-ce que c'est la gauche caviar, Adrien? C'est Léa. Mais dans le monde réel. C'est des connards. D'ailleurs, pour changer, les centristes. Ah oui, c'est plus des connards encore. Bah, les centristes, ce serait. Comment ils s'appellent Ah, c'est les ni de gauche ni de droite, hein, simplement. Oui, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais. C'est ça. Non, mais il y en a qui sont filous, qui ne se disent ni de gauche ni de droite, mais on les voit. Mais voilà, des vrais centristes. Non, c'est chaud, hein, en fait. Le PS, c'est gauche caviar, c'est Léa carrément. Ouais. Hein, mais... c'est la pour gauche ça qu'on caviar, a mis, c'est genre les bobos gauchistes, genre les gens de gauche, mais qui sont riches, du coup, ils n'ont pas vécu les problématiques sociales. Du coup, ils sont genre, ouais, on veut bien faire des trucs de gauche, mais quand même. Je ne veux pas être extrême. Mais nous, on veut bien rester riches. Ouais, alors oui, Detox, on sait que 90% des persos sont de droite dans Star Wars, mais on va faire avec. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de catégories de droite, vous pouvez voir, que de gauche. Ah, il y a trois catégories de gauche et tout le reste, c'est de droite. Hein. Un petit souci, voilà, il y a le niveau de micro, Gruche, apparemment. Comment ? Nos micros ne sont pas tous au même niveau. Qui est plus haut ou plus bas ? Il faudrait peut-être qu'on donne nos noms, du coup, pour que... Ouais. Si les gens ne nous connaissent pas. Alors. Mmh. Moi, c'est tu qui ? Ah, mais attendez, mais je suis pas sur le bon truc. Comment ça ? Alors, moi, j'étais pas sur le bon micro, donc normalement, je suis repassé à gauche. Et... Hop, là, mono, là, je en suis fait, plus ça à gauche, normalement. Est-ce que c'est bon ? On te classe dans quelle catégorie, du coup, centriste de droite ? Vous m'entendez mal. Est-ce que c'est parce que je suis loin ou pas ? Est-ce que là, on m'entend mieux ? En tout cas, de notre côté, là, franchement, il n'y a pas de souci. T'entends bien. Voilà, dans le OBS, ouais. Voilà, ouais. Ouais, je crois que c'est par rapport à OBS qu'il y a un souci. Est-ce que c'est mieux ? Libéraux et libertariens, bah, c'est un peu la même chose, mais on plus vénère les libertariens. Je ne sais pas si c'est utile d'avoir deux catégories. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Bah... Les libertariens, mais pour moi, les libéraux, c'est fou. Moi, j'aurais mis juste libéraux pour les deux, en fait. Mais ça... Ok, moi, d'accord. Vous savez quoi ? Moi, j'en ai marre de vous. Hop. Mais non, mais on ne s'est pas compris tout à l'heure. Moi, je savais rien à foutre au milieu du bleu. Moi, je propose que... On continue de discuter des différentes catégories. Les gens nous décriront les problèmes techniques pendant qu'on discute. Au fur et à mesure. Bah ouais, mais ouais. Si moi je suis plus bas, faut quand même que je change des petits trucs. Je suis pas une demoiselle. Et oui, on m'entend pas beaucoup parce que je suis loin du micro, donc je vais essayer de parler plus fort et plus près. Et puis on t'entend en bas tout le temps de toute façon. Oui. Voilà. Est-ce que c'est mieux là ? Est-ce qu'on débuterait pas par hasard ? En fait, c'est vous qui étiez trop fort. Et voilà. Attends, mais on n'avait pas tout fait. J'essayais de bosser là, mais il y a 10 000 problèmes. Donc, ensuite, il y a la droite, donc c'est-à-dire Fillon, tout ça. La droite traditionnelle. La droite, c'est facile à définir. La droite catho-conservatrice, quoi. Ouais, c'est ça. La droite. Le Front galactique, c'est tous les... Comment dire ? Les fascistes. Voilà, les fascistes de merde. Bah après, il y a Hux, en fait. Là, je suis curieux de savoir la différence entre Hux et les Front Galactiques, en fait. Hux, c'est les nazis qui s'assument, Hux. Ah. La différence, c'est que le Front Galactique, c'est que le Front Galactique qui font genre « Non, non, on est du côté des gens. Voilà. Mais les gens blancs. Mm-hmm. » Voilà, okay. T'as rien connu, Eckhart. Bah, c'est... Bah, on en parlait il n'y a pas si longtemps. C'est Quatremer, quoi. C'est... Qui ? C'est pas un journaliste. Quatremer, c'est un journaliste taré. Ah oui, c'est vrai. Le Covid, c'était pas important. Il y a à peine 100 000 morts. On fait chier tout le monde. On est en train de niquer l'économie pour rien. Ah ouais, c'est, d'accord. C'est un gros taré, quoi. Bah, c'est... super. Bah, c'est cool. J'ai juste une petite suggestion. Est-ce qu'on pourrait pas mettre la musique de Chicken de Pot en fond ? Comme ça, les gens, ça va être moins pénible pour eux de suivre. Est-ce que j'y avais pensé et je ne l'ai pas fait parce que je suis un imbécile ? Non, mais tu as tout à fait le droit d'oublier des choses. Tu es humain. Tu penses ? Tu as le droit d'oublier des choses, c'est pas grave. Et je t'aime pour ça. Oui, mais moi, je t'aime aussi, mais ça ne m'empêche pas de te critiquer tout le temps. Je veux dire, oui, mais ça, c'est normal. Moi aussi, je me critique. Attends, il faut que je la retrouve déjà. C'est national de me critiquer tout le temps. Est-ce que je l'ai ? Je ne l'ai pas. Il faut que j'aille la chercher. Je suis désolé pour ces problèmes. J'ai pensé prendre une bonne décision et finalement ça nous fait perdre du temps. Est-ce que du coup libéraux on garde m'applaudir. Pour moi, je pense pas que libéraux on ait besoin de garder parce que libéraux centristes droite c'est un peu libéraux merde, c'est la fédération du commerce quoi. C'est les mecs full full c'est droite argent. du coup tu vois. Oui ouais. Les droites je pense que bien l'argent aussi. Ouais, mais je pense qu'au fur et à mesure, on a tellement de personnages qu'il y a un moment, on va se dire, hey, mais ce mec, il est de ce côté-là, mais c'est pas exactement la même. Donc c'est à ce moment-là que les petites variations, ça va être intéressant. Alors, est-ce que la musique est pas trop forte ? Là, je l'entends pas perso. C'est normal, on a coupé le son du stream. Ouais, non, faut que j'aille voir le chat. La musique est trop forte. Nous dit Detoxoid. Et maintenant ? Ah oui, effectivement, oui. N'hésitez pas à follow aussi, on n'a pas les alertes, mais n'hésitez pas à nous dire quand vous nous followez. Est-ce que c'est mieux là ? Comment ça, on m'entend plus ? Parce que la musique est trop forte. Non, c'est parce que la musique est trop forte en fait. Là, effectivement, c'est encore trop fort. On stream souvent, pas trop, mais on a prévu. C'est la deuxième fois. On a prévu de le faire en fait, surtout pour des jeux vidéo. Et j'ai prévu de faire, je vous dis en avant-première, un stream, une sorte de let's play de oui, Jedi Fallen Order, difficulté maximale. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre tout ce qu'on fait. Ok. Est-ce qu'on commence? Et vous avez vu, j'ai choisi le meilleur pour commencer. Allez, allons-y, c'est parti. J'ai choisi Jar Jar Binks pour commencer. Alors, Jar Jar, où es-tu, Jar Jar? Ouais, je dirais anarchiste. Hein, ouais, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il fait la merde. Anarchiste involontaire, quand même. C'est stylé, oui. Tu vois. Bah en fait, même, oui. Déjà, c'est un peu le problème de anarchiste, parce qu'anarchiste, en fait, c'est juste que le mec s'en fout des règles, mais... Est-ce qu'il est, il est vraiment chaotique, il s'en fout, voilà, c'est, à mon avis, parce que, et puis, on parle de quel Jar Jar? On parle de Jar Jar de l'épisode 1, parce qu'après, il devient sénateur, quand même. Ah, c'est vrai. Oui, mais bon, En fait, Jar Jar, c'est un enfant, donc techniquement, il n'a pas de conscience politique, il devient sénateur comme s'il faisait du cosplay, tu vois. Ouais, non, c'est... donc peut-être qu'anarchiste, en fait, c'est le plus logique, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, mais attendez, j'ai oublié Roland Fleury. Alors pour Poncrel, je sais pas, mais pour Jar Jar. Écoutez, on est marre de moi-même. J'en ai tellement marre. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait... Ça a changé de musique. Ça a changé de musique. Ah, et en plus ça bug. Ah, il on est bien. Sénateur, mais dans un truc où personne décide sauf l'empereur. Ouais, c'est vrai. Comme Poutou. Mais c'est vrai, lui. Lui en fait, il est un peu hors catégorie en fait. Il fait ce qu'il lui chante. T'as foutu la merde en mettant Jar Jar dès le début en fait. Ouais. Bon, bien joué. Non, anarchiste. Sans que, enfin voilà, il a pas de couleur, mais voilà. Il fout juste le sbeul quoi. Sans s'en rendre compte, mais il fout le sbeul. Il est tellement anarchiste qu'il est viré de son propre. Ah, vous nous entendez pas très fort nous, mais nous on est au max, c'est chiant. Bah baisse-nous. Mais c'est parce que le petit, il a touché au... C'est un black bloc. Il a touché au réglage de mon micro. Les gamins. Blablabla, est-ce qu'on m'entend? Allô? Attendez, vous savez quoi? Je vais baisser les autres. Alors, oui, en fait, c'est ça. Ouais. Ouais, non, t'es un peu faible aussi au niveau son, Tuki. Mais non, mais toujours, j'ai pas une grosse voix. Vous êtes tous les deux à un niveau assez faible en fait. Bah attends, réaugmente là. Bah on est mais je suis au max là en fait sur mon truc. C'est juste le petit il a touché au réglage et du coup voilà, je sais pas. Parce que voilà, on a que ça. Jar Jar, il est aussi politisé que Miss France. Au pire, il trouve que la guerre c'est pas ouf et que la souffrance c'est bof. C'est ça. OK, donc on le met à nar. Moi je vais être à nar quand même. Hein. Bah ouais. Mais Anar par. Comment ça s'appelle? Que dit le public? Ouais, je pense. Ils ont dit qu'il était Anar. Si on se prend la tête déjà comme ça sur Jar Jar, on va jamais y finir. Le petit Anakin. Voilà. Donc on a distingué le petit du grand. Oui, le petit, c'est un enfant, il peut pas avoir de conscience politique. Ouais, ouais, mais déjà, le petit, il aime les grosses bagnoles et le tuning. Ok, c'est un libéral. Ouais, c'est un peu de droite. C'est prolo. Le tuning et les bagnoles, c'est. Ah, c'est prolo. Vrai. C'est ça. Oui, mais bon. Je vous rappelle que. C'est pas parce qu'on est prolo qu'on n'est pas de droite, hein, je suis désolé. Il voulait libérer les esclaves quand il était gamin. C'est ce que j'allais dire. Faut pas oublier que c'est un des seuls qui a justement un argument politique. Il a intériorisé sa condition d'esclave. Oui, il y a Anar aussi, alors, non? Du coup, Anar ou communiste de base. Arrêtez, non, aussi il aime bien les armes. C'est un pilote comme Fillon. Alors si on commence ces raccourcis pareil, on est mal barré. Bon bah on le met centriste alors. Non mais non, pas centriste. Moi je le mettrais bien centriste, voilà, le mec qui s'assume pas trop en fait. En même temps son truc de libérer les esclaves, non seulement il le fait pas, mais en plus, c'est un peu la théorie du ruissellement, en mode, moi, quand j'aurai réussi, je vous rendrai votre vie mieux, et en fait, il le fait même pas à la fin. Du coup, Xenu, t'as raison, c'est plus centriste. Parce que le mec, dès qu'on peut lui donner la possibilité d'être dans un groupe super élitiste et super fermé, il saute sur l'opportunité et il lâche sa mère, quoi. Donc ouais, centriste. Il héberge des migrants sur Tatooine, c'est pas faux. C'est vrai. Centriste, ça me semble bien. C'est soit gauche carrière, soit centriste. Il va falloir voter là dans le chat. Est-ce qu'il est anarchiste ou est-ce qu'il est centriste? Allez, moi, je gauche carrière. Hein. Vous me dites. Alors, je vous en dis centre. Front Galactique, ok. Non. Front Galactique. Non. Non, c'est des gens disent centre. Oh, ouais. Les gens disent sans. Allez, bah oui. Il peut pas être gauche caviar, il est trop pauvre à ce moment-là. Oui, okay. Mais tu sais, il y a des gens pauvres qui ont la mentalité de gauche caviar. Tu vois, c'est pas des sujets qui fâchent maintenant. Ah oui, ça va chier. Obi-Wan de la prélogie. Alors là. Obi-Wan de la prélogie. Ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que les... il est grave gauche caviar. Obi-Wan de la Kenobi. Obi-Wan prélogie dans la je l'aurais mis gauche caviar aussi. C'est vrai qu'il vient d'une grosse famille en plus, même s'il les a pas trop connus, quand même, non? Il me semble. Gauche lézard, Roland Fleur, oui. Gauche lézard. Ok, bon bah finalement, il était facile. Putain, ça me fait mal, mais je crois que c'est le plus logique. Hein. Ah non, mais c'est ça, il a de bonnes intentions, mais. Mais alors dans ce cas-là, ça veut dire que Jedi, on a envie de mettre Coco ou anarchiste. Ah, ben, tu vois, en fait, pour lui, je trouve que Qui-Gon, c'est là où libertarien aurait été intéressant, parce que je pense pas qu'il est de gauche, mais en fait, il aime pas les règles. Ah, ouais, mais bon, anarchiste, c'est pas mal, parce qu'il aime pas les règles aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'il est, il est un petit peu xénophobe. Hein. Bon, bah, Hux, alors. Mais non, ça, c'est... Il aime pas les teubés, c'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, est-ce qu'il aime pas les aliens? Il emmerde Jar Jar, ouais. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il aime pas les aliens ou est-ce qu'il aime pas juste les cons? Pas oublier aussi qu'il parie la vie d'un gosse. Ok, d'accord, de droite. Ouais, mais après, c'est parce qu'il sait qu'il est fait confiance libéral. À la force, il sait que ça va bien se passer. Donc, Ouais, c'est libéral, hein. Pour moi, soit il est... C'est vrai qu'en plus, il parie la vie d'un gosse sur un pari qu'il sait qu'il peut truquer, donc il est complètement dans le chat. Ouais, mais justement, c'est parce qu'il s'en fout des règles. Lui, il a juste sa vision à lui. Mais alors, ouais libéraux. Il est chaotique good ou chaotique. Ouais. Donc chaotique. Bah non, neutre. Ouais. En fait. Alors comment? Mais c'est où chaotique neutre? C'est le chat qui décide encore. Bah, le chat, là, il lui met cher. Libéral, mais il aime pas des flics. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, du coup, il est... Bah, il y en a. Alors, peut-être qu'il serait centriste. Et c'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Anakin. Lui, il s'assume. Lui, il s'en fout. Bah, ouais. Il s'en fout que ça emmerde les gens. En fait, il est anar et il prend des différents partis en fonction de ce qu'il arrange, lui, dans ses plans, quoi. Il est anar de droite. Plus de droite. Hein. Ouais, il est anar de droite. Bon, bah, libéraux, alors, limite. Hein. Non, mais c'est... Bon, libéral. Libéral. Parce qu'on va perdre des gens sinon. Hein, Gone by Roo. Ok. Padmé. Oui, c'est vrai qu'il arrache un enfant ça, à sa mère. C'est pas dur. Hein. Padmé, moi je dirais aussi gauche caviar. Oui, gauche caviar direct. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop. Bon. On est tous d'accord? Par contre, plus je réfléchis à Qui-Gon, plus je me dis qu'il serait plus droit de Fillon, quoi. Droit de Fillon. Arrête de réfléchir sur Qui-Gon. Que c'était Dooku son maître, donc ça. Mais oui. R2D2. Anarchiste. Je pense qu'on est tous d'accord. Anarchiste direct, ça c'est fait. Je l'ai mis anarchiste de l'espace, je vous ai pas vu. Par contre, c'est compliqué. Alors, attention, on fait R2D2, ok, anar, peut-être, mais il reste toujours quand même fidèle à chaque fois à son maître, plus ou moins. Enfin, donc. Ouais, mais il n'hésite pas à l'insulter aussi. Ouais, tu mais vois. Il fait pas scission. C'est... Je suis désolé, mais Luke et tout, il l'achète et il est pas fidèle à eux. Il se barre pour retrouver Obi-Wan. Genre... Ouais, bon. Oui, mais pour moi, le truc qui m'empêche de me déplacer, je resterai chez toi et tout. Et il se casse. Puis après, c'est pas parce qu'on est anarchiste qu'on n'est pas fidèle à ses potes. C'est juste qu'on n'aime pas l'ordre et tout. Mais qu'en pense le chat pour R2? Parce que moi, je suis un peu. Il est loyal, pas soumis, oui, c'est pas fou. Ouais. Alors que moi, c'est l'inverse. Si Padmé Obi-Wan avait un gosse, ça pourrait donner Julien Drey. Oh, il y a les grosses références là, c'est quoi ces auditeurs de Sciences Po là? Du coup R2 Anar. On est bon sur R2? Ouais. Alors C3PO, il me semble qu'il y a les deux C3PO, mais je... Je vois pas trop la différence, hein. Ça reste, ça reste un droite mec de droite. Hein. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le mec, il veut pas être sale, il veut pas. Il se plaint tout le temps, dès qu'il doit faire un truc. Droite Fillon, droite conservatrice. Il est pas, carrément, en fait. Il a rien dit contre les aliens. C'est pour ça que petit Anakin est centriste, en fait. Il a créé un robot de droite, donc il... forcément. Est-ce que je mettrais pas directement les deux versions de C3PO dans le... Ouais, je pense, je vois pas trop de différence. L'autre C3PO, dans le dernier film, malgré tout ce qui s'y passe, il sacrifie pour la cause, entre guillemets. Donc, pour moi, il est centriste, hein, le dernier film. C'est vrai que j'avais oublié les... Ouais, mais celui qu'ils ont mis, c'est celui de la trilogie originale. Ouais, oui, bon, mais d'accord, pour moi, je suppose que c'est C3PO. Oui, c'est le même. Bon, pour l'instant, on reste sur le premier, sur la prélo. Déjà, on va classer celui-là, la prélo, on verra... Celui de la prélo, celui de la prélogie. On a le temps d'affiner un petit peu nos outils. il se moque de Jar Jar. Non, il est de droite carrément. Même il dit oh, des machines qui construisent d'autres machines, c'est de la perversion, machin. Non, il est complètement de droite carrément. Il fait c'est pas très naturel. C'est contre nature. Un papa, une maman. C'est pas... un robot, c'est un papa, une maman. Voilà. Il engueule R2 quand il respecte pas la hiérarchie. C'est un droïde de la manif pour tous, on en a après. Encore un sujet qui fâche maintenant. Ah, Yoda. Yoda. Ça, c'est chaud. Silence. Je regarde un petit peu le chat, voir ce qu'ils s'y disaient. Qu'est-ce qu'ils pensent, les gens de Yoda? Je sais pas. Centriste. Oui, c'est vrai. Parce qu'il est en position un petit peu de... Moi, je suis chef de l'ordre. Moi, je prends pas parti. Ouais, mais genre, quand on l'appelle à l'aide, il est là. Je veux dire, il n'est pas en train de dire « Démerde-toi ». Il essaye d'aider, mais en même temps, il ne cherche pas à bousculer l'ordre établi, quoi. Tu dis, quand on l'appelle à l'aide, il ne dit pas « Démerde-toi », mais c'est littéralement ce qu'il dit à Anakin quand Anakin vient lui faire part de ses peurs et tout. Il fait « Oh !» fait du yoga. Je pense que Moriad dans le chat, il est bon. Yoda prélogie centriste, Yoda prélogie anar. Yoda, il devient zadiste à la fin de la prélogie. C'est pour ça qu'il se barre sur Dagobah. Détox, il met Yoda. C'est Barbier qui rappe, même énergie. Parce qu'on a plusieurs Yoda aussi. Yoda prélogie. Attends, je dirais centriste, plus de droite, ouais. Ouais. Centriste. Pour moi, centriste. Ouais, centriste. Centriste. Ouais. Il a le cul entre deux chaises, donc ouais. Et pourtant, il a un tout petit cul. Hein. Et une grosse chaise. Yoda, t'as l'impression qu'il aimerait être plus gauche radical que l'ordre, mais il est coincé par les règles, alors qu'il s'en affranchit pas, il cherche pas à faire scission non plus. Donc. Puis ça fait depuis et trop après, longtemps tu vois, qu'il il devient communiste sur Dagobah, parce que t'as un mec qui arrive, il lui prend sa bouffe, allez, on partage, tu lui donnes ton truc dégueu. Sénateur Palpatine, pour moi c'est libéral direct, c'est Macron. Sénateur Palpatine. Ouais. Sénateur Palpatine, il essaye de jouer encore. Ah oui, c'est vrai, il fait genre. Il fait semblant. Ouais, il fait semblant. Comme les libéraux. Hein, c'est Palpatine. C'est le sénateur Palpatine. C'est pas encore l'empereur. Oui, il joue un rôle. Oui, c'est pour ça que je mettrais libéral, moi. Oui, c'est libéral, tu vois. Non, mais je vois le chat qui s'enflamme extrême droite. Non, parce qu'il y a l'empereur Palpatine après. Hein. Il y a l'empereur, l'empereur après. Et il y a même l'empereur Palpapine. Non, je plaisante. punaise, j'aurais dû faire un truc cornichon exprès pour. Cornichon. Il est con. Chaud, Palpatine quand même. Palpatine, libéral, je le mettrais vraiment libéral, c'est vraiment le mec ambitieux. C'est dit Fillon ou extrême droite. Ah ouais. Moi je trouve que dans son discours, on dirait vraiment un mec qui fait semblant d'être de gauche mais qui est 200% droite comme Macron et tout. Roland Fleur, pareil, encore pertinent. Palpatine, c'est Hollande, son ennemi, c'est la Fédération du Commerce, mais il nous a tous baisés. Ouais, c'est ça, c'est les Hollande, les Macron, les trucs comme ça. Pour moi, c'est les libéraux, quoi. Ouais, après, voilà, si le chat n'est pas d'accord, je les emmerde. Il n'est pas libéral, il veut le pouvoir. C'est vrai que les libéraux, eux, ils veulent garder une certaine liberté d'entreprendre, tout ça. C'est un délire. Justement, lui, il veut la liberté d'entreprendre parce que c'est lui qui choisit qui entreprend et comment. Je vois. Mais tu vois, il aurait été mieux en... Non, je sais pas. Ouais. Puis on sait combien il aime entreprendre depuis... Ouais. Par contre, ça, oui, c'est un populiste à la Trump. En fait, en droite, il serait bien, quoi. Ouais, du coup. Donc, c'est la droite populiste. Parce que... non, parce que dans la droite, pour l'instant, C3PO et Palpatine. Parce que, attendez, j'ai un doute, là. On parle de Palpatine. On le parle sénateur, que quand il est sénateur, mais et chancelier, est-ce qu'on l'a... Est-ce que on c'est l'a séparé dans... plus tard. On l'a plus tard. Okay. Chancelier, je crois qu'on l'a pas chancelier. Ah bah ouais, parce que à ce moment-là, c'est... Ah oui, non, l'empereur. Parce que quand même, ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est bah, droite, ça me va, dans ce cas-là, si on prend chancelier en compte. Ouais, j'aurais dit extrême droite, moi. Il est xénophobe, nous dit Moriette. Il est xénophobe, mais pas quand pas, il est pas en tant que pas empereur. Bah si, non, mais à la fin, il devient... Même avant le combat contre Yoda, ben, contre Mace Windu, il est pas gentil. Hein, oui, mais c'est parce qu'il s'est déjà révélé. Il est déjà empereur, en tant que... techniquement. Chancelier, ouais. En tant que sénateur et chancelier, on va dire jusqu'à l'épisode 2 au moins, voire début épisode 3, il reste... Il joue encore un peu son rôle. Hein, donc, ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'il est bien en écoutez, droite. On va le mettre de droite pour l'instant. Et s'il faut recalibrer plus tard... Oui, il faut qu'on avance parce qu'on a de gros morceaux là qui viennent. Mace Windu, quand même. De droite. Moi, je l'ai mis de droite, mais... Ouais. Moi, je le mettrais front galactique. Ouais, ça me fait chier un peu de le mettre dans le même truc que Palpatine, vu que lui, il est super contre lui. Ouais, mais en fait, les deux se ressemblent beaucoup. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'ils s'aiment mais... pas. Mais... Ouais, c'est ça. Galactique plus qu'il est... lovers, tu sais. Pour Galactique, il est trop extrême, il est extrémiste, hein, Windu. Ouais, tu penses Attends, je le ressors de alors, là. Bon, c'est pas un film, mais il pousse un Jedi à assassiner quelqu'un dans un des bouquins, je veux dire. Alors que c'est pas du tout leur délire de base. dans l'épisode 3, c'est un connard complet. Oui, dans Sombre Apprenti. Avec Quinlan Vos et Asajj Ventress, il pousse Quinlan à aller assassiner Ventress. En mode, faut le buter. Ah, en fait, ce qu'il dit, gauche autoritaire. C'est vrai qu'on n'a pas mis. C'est vrai qu'on n'a pas mis Mélenchon. Ah oui, c'est vrai qu'il nous manque une case. Communiste. C'est à peu près l'idée. Oh, attention. Attends, non, je m'en vais. Ouais, mais alors. C'est l'idée, quoi, je veux dire. C'est plutôt staliniste, alors. Windu, il n'est pas de gauche, à quel moment il est. Non, il n'est pas de gauche, mais. Il est autoritaire, mais pas de gauche. Ouais, bon, bah, l'autoritarisme, je suis désolé, c'est les deux-là. Hein. Ouais, mais droite, mais droite plutôt, parce que front galactique, c'est un peu vénère, je pense. Ouais. Allez, hop, de droite. Et pour l'instant, on a une majorité de personnages à droite. Grievous, alors lui, est-ce qu'il a des idées politiques? À la base, c'était un révolutionnaire, il me semble. Ah oui, mais c'est ça, justement, le mec... C'est un social traître, il était révolutionnaire et tout. Social traître. Et après, il s'est fait détruire son visage. Et du coup, depuis, il dit, ouais, quand même. Pas que son visage, hein, il reste plus grand chose du mec. Hein. Ouais, la liberté, c'est pas ouf, finalement, quand même. En plus, voilà que je tue les gens et que je leur pique. Juste pour Windu, il veut buter les sites, c'est un peu comme s'inquiéter du bien-être des nazis de l'espace. Oui, certes, mais il se comporte pas mieux au final, donc je sais pas. Je suis d'accord qu'il faut buter les nazis, c'est pas un problème, mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange beaucoup avec Windu dans son approche. Et puis ça reste un Jedi, donc il est de droite. Et surtout, au-delà de ça, avant même le problème des Sith, Windu, il a quand même dit « Ouais, partons faire la guerre contre la Fédération du Commerce et tout ça », alors que clairement, la majorité du Conseil Jedi il était contre, en fait. Mais... Moi j'irais Grievous s'il est centriste parce que ça va être un militaire, il va se dire c'est pas voilà, il fait la guerre, il fait pas de politique, mais du coup bah comme il prend pas de est-ce que centriste ça va au chat? Ça me pas mal. Ça va? Ouais. Et bien... Vous le faites là autour du chat, hein, parce que nous on l'a pas forcément sous les yeux. Ah oui bah à chaque fois. Hein. Ah ouais, Grievous c'est le social traître, c'est le front galactique. Bon non, enfin. Bah, c'est un social traite, mais il peut être social traite, c'est pas forcément front galactique. Oui, ça fait un sacré retournement de veste. Hein. La veste, elle est énorme. Dark Maul. Alors, il a la peau rouge. En vrai, quand tu regardes, lis un peu les trucs sur lui et tout, je dirais que c'est quand même un peu un gauchiste. Alors, qu'est-ce que tu as lu ? Parce que là, je suis curieux. Il y avait un, il y a des comics et tout, et il y en a où t'apprends qu'en fait, il est jaloux parce que lui, il est né dans une planète morte et tout. Alors, et du coup, il a pas eu les mêmes, opportunités que les Jedi et tout. Quand on parle de Maul, est-ce qu'on parle de Maul avec tout le canon Clone Wars et Rebels, ou on parle de Maul, le film ? Il y en a qu'un, donc tout Maul. Tout Maul. Quand même de droite. Je suis désolé. Quand même de droite. Ah bon, bah je sais pas. Mais le mec, comme dit Romu Vatadar, il va créer une monarchie sur Mandalore. Il prend le contrôle de la planète. C'est quand même. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié ça. C'est un rouge brun un petit peu, ouais. Puis ça reste un site, je veux dire, même si c'est manipulé. Et puis quelque part, est-ce que cette histoire de voilà, il se fait déglinguer dans l'épisode 1 et après il remonte la pente, si on peut dire, c'est pas un petit côté self-made man aussi? Genre le mec après remonte. Bah libéral alors. Ouais, il devient parrain d'une mafia, oui, exactement. Bah oui, carrément dans Solo, il est parrain d'une mafia, hein, ouais, même avant ça dans Clone Wars. Oui, c'est vrai. Bon, bah, de droite, c'est un libéral. Alors. C'est un libéral. Oui, c'est un libéral. Libéral ou droite, droite. Libéral, moi, je dirais. Libéral, parce que... Non, c'était... Ouais, c'est l'incarnation du quand on veut, on peut, j'aime bien. Et en fait, en même temps, c'est un libéral, parce qu'il va aller sauter sur la moindre occasion pour atteindre des objectifs. À chaque fois, c'est il arrive à s'adapter à la situation. Et puis, il essaye de la mettre à l'envers à tout le monde. Au passage, ouais. Carrément libéral. Dexter. Communiste. Prolo, Dexter. Comment ça ? Working class, prolo, communiste. Dexter, moi je dirais que c'est un communiste. Hein. C'est, en plus, ah, c'est oui, un oui. pote. C'est le pote de gauche d'Obi-Wan. Donc oui. C'est le pote syndiqué d'Obi-Wan. Vous avez lu des trucs que j'ai pas lu là, parce que basé sur le peu qu'on voit. Je sais pas, il a la moustache à plein aile déjà. On extrapole complètement, mais putain. Il a la moustache à Edoui. j'imagine bien, voilà, ouais, effectivement, j'imagine bien discuter avec Obi-Wan en lui disant, mais putain, mais arrête tes conneries. Regarde, il emploie des droïdes au lieu d'employer des gens, comme ça, déjà. Les gens, ils peuvent faire autre chose que. Après, c'est peut-être pour faire des économies. Oui, voilà. Ouais. Ouais, pour libérer les gens de l'emploi aussi, oui. Non, mais justement, c'est, à mon avis, s'il emploie des droïdes, c'est parce que, ben. Il a envie que les droïdes aient une place dans la société, comme on voit. Ouais, j'avoue, contrairement à la cantina où son Interdit. Oui. Ouais, mais c'est aussi des armées exotiques. Donc c'est un proprio du resto, donc c'est 20 prolo. Quelque part, oui, effectivement. Mais ouais, mais il bosse même, dedans. Il est à la cuisine, il est crasseux. Il se gratte le cul entre deux fournées de pancakes. C'est beau. Et là, je suis désolé. C'est lui qui cuit les merguez en manif, j'en suis sûr. Moi, je suis d'accord. Le pire, c'est que c'était genre, il se gratte le cul, il est de gauche. Je sais pas pourquoi. Mais comment il connaît les armes exotiques de... Il a un passé, ok. Oui, mais voilà, justement, c'était un pote de peau. C'est un résistant, apparemment. Un résistant dans l'ancien univers étendu. Il y a ça aussi. Parce qu'il s'intéresse à tout le monde, toutes les populations. Voilà. Ah, ouais. Alors, c'est un fan de flingue. Il utilisait des Liverous. Non, mais il y a des potes de partout, c'est tout. Est-ce qu'il utiliserait des Liverous ? Je sais pas, Dexter. S'il a une petite cuisine, alors il ne peut pas servir tout le monde, il en profite. Comme dans le vrai monde, si c'est fait par des droïdes. Après, c'est l'archétype du ricain avec son dîner très ricain aussi, du chrome partout et tout. Il y a de ça, ouais. Hein. De toute façon, il y a tellement peu d'infos sur lui qu'on est obligé d'extrapoler, après, comme tu dis. Il y a des cocos fans de flingues aussi, hein, c'est vrai. Que les cocos, ah ouais, genre toi. Full militaria... Non, bah, je ne suis pas fan de flingues. Moi. Fan de c'est pas toi qui es en treillis ? Je suis pas toujours en treillis, mais c'est ma veste Stargate, il n'y a aucun rapport. Tu ne mélanges pas tout, s'il te plaît. Moi, je suis désolé, je le sens bien dans les cocos. Ouais, surtout qu'il est assez... comment c'est mal ? Il est assez... il a la tête sur les épaules. Bah, quand il parle des Kaminoïens, il dit clairement c'est des mecs qui sont intéressés par le fric. Non, moi, il est coco. Il est coco. De toute façon, si on ne met pas coco, il y a le chat qui se révolte. Donc, c'est ton tonton gauchiste qui file un bout de sauciflard en cachette. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Mais c'est peut-être le fait d'être au Canada, mais c'est vrai que quand l'archétype voilà, du diner, le moustachu comme ça, là, j'en ai vu ici, c'est vrai que ça me fait plutôt penser à un mec de droite. Oui, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est pas complètement idiot. Ça. Mais alors, c'est pas possible pour l'enfuir parce qu'il a justement des droïdes comme serveur. Il peut pas les virer s'ils étaient atteints du Covid. C'est justement le mec qui essaye, tu vois, de faire genre d'avoir une bonne figure et tout pour être accepté dans la société ultra-capitaliste, mais derrière, je suis sûr qu'il file de la bouffe gratuite au SDF et ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Il n'est pas assez propre sur lui pour être de droite. Et en plus, voilà. Il accepte tout le monde, donc il n'a pas le côté raciste des... Ouais, mais attendez, là... Alors qu'il a une moustache et un mulet. Le redneck du dinner, c'était le mec de la cantina de l'épisode 4 qui refuse les droïdes. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça 68 heures déçu dans J'ai mis Doku dans Front Galactique. Oui. pour l'instant. Ouais. C'est complètement le rouge brun. Moi, lui, il est complètement là. Pour moi, il était droitard filloniste. Pour moi, en vrai. Alors, pour moi, en vrai, Doku, il me fait beaucoup penser au parcours politique de Chirac, c'est-à-dire qu'il a commencé Coco, et après, il est parti de plus en plus à droite au fur et à mesure de sa carrière. Je suis d'accord. Parce que, il aime bien l'argent, et puis c'est plus facile de faire des trucs. Je l'ai mis dans le Front Galactique parce que c'est un fils d'eux, et il n'y a que ça dans le Front Galactique, en vrai. Dans le Front National. Et surtout, genre, je sais pas vous, mais moi, il me fait un peu penser à Alain Soral, quoi. Le mec, pareil, il commence en se disant communiste, et derrière, il émet l'envers à tout le monde. En plus, c'est un complotiste. Mais oui, c'est ça. Livre, hein. Vraiment Front Galactique, je pense. C'est vrai qu'il est beaucoup plus extrémiste dans Clone Wars, notamment aussi. Oui, les Fronts Galactiques. Ah oui, non, c'est un gros. Ouais. Ah oui, dans Clone Wars, il est encore pire que dans les films. Alors que justement, dans tout ce qui est préquel, il est beaucoup plus de gauche et il a son autre pote de gauche qui meurt, et puis là, c'est le drame. Quoi. Assez populiste pour le front de gauche, c'est ça c'est un populisme de façade. Non, c'est carrément populisme d'extrême droite, en fait. Oui. Bah ouais, pour le coup, ouais. J'aurais du mal à le mettre ailleurs qu'à droite, en tout cas. Non, parce qu'en plus, il bute beaucoup de monde dans Clone Wars, c'est une catastrophe. Puis même, le mec, il a quand même torturé. C'est ça. B-1, tu vois, genre, il capture B-1, il me fout dans une arène, c'est chaud, quoi. Ouais, non, Doku, c'est Valéran de Saint-Just. C'est bien un front galactique, mais le front galactique, un peu noble, vieille France. Ouais, c'est ça. Bourgeois de merde. Ok, alors ça va aller très vite. Kit Fisto, c'est un Jedi. C'est un Jedi, centriste. Centriste ou gauche caviar. Enfin, je dirais centriste parce qu'il n'est pas au conseil. Ouais, parce qu'il n'est pas actif politiquement. Alors que Plo Koon. Derrière, il est quand même. Mace Windu, c'est lui qui l'appelle pour aller faire la guerre contre l'empereur. Ouais, parce que justement, le mec, il est centriste, donc tu vois, tu peux lui faire faire n'importe quoi si t'es un peu forte tête au-dessus, quoi. Ça va. Alors, par contre, il y a Plo Koon, et c'est un peu plus dur pour lui, parce que lui, il est en mode clone Lives Matter, mais il reste... Il aide bien, comment elle s'appelle Ahsoka. Ahsoka, oui, voilà, ouais. C'est vrai. Moriad nous dit Plo Koon Anar. Je sais pas si j'irai jusque-là, quand même. Non, parce qu'il fait partie d'un ordre religieux. Ouais, moi, je le mettrais gauche caviar aussi, comme Obi-Wan. Ça fait partie d'un des plus sympas, mais ça reste un Jedi. C'est la gauche caviar, mais un peu plus borderline à la rigueur, quoi. Soit centriste, du coup. Hein, il est un peu c'est le filoche de... C'est Gérard Filoche. Petit Gérard avec son masque là. Et lui, en plus, il est pas con, il avait déjà son masque respiratoire, donc le mec, il était vraiment dans le turfu. Avant que ce soit cool, quoi. Dans le chat, on nous dit c'est Hamon. Bah donc gauche caviar. Ouais. Je l'ai jamais vu manger de kebab, mais pourquoi pas. Ouais. Est-ce qu'il a un masque C'est lui le kebab. Est-ce qu'il y a des moments où on voit les Keldor sur leur planète et sans masque? Est-ce qu'on voit ça un moment? Je me suis curieux. Pas souvenir, pas encore. Ah, Parce qu'il y a bien un moment où ils ne doivent pas avoir de masque. C'est uniquement quand ils ne peuvent pas respirer sur les planètes bizarres. Pour manger les kebabs, ça serait plus pratique, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment où ils leur bouche. Hein. Bah, effectivement. Ouais, ça se trouve, ils respirent par là, mais ils mangent par le cul. Comme ça, ça ressort tout de suite. C'est plus alors, on ne la connaît pas du tout, mais clairement victime du patriarcat, il a ses couras. Oui. Je veux dire, vous avez vu sa tenue, alors que tous les mecs, ils sont en tenue en officielle et tout. C'est le même problème qu'Ahsoka, c'est-à-dire que t'as les Jedi, ils sont tous en robe de chambre, et puis elle est en bikini, quoi. Oui, mais après, le problème, c'est toujours, pour moi, elle est sensiste, enfin. Le problème, c'est qu'on la connaît tellement peu, on sait pas si c'est le genre à un peu avoir intégré en fait le patriarcat. Ouais, ce serait pas une patriarcale princesse. On la connaît pas assez, c'est ça qui est dommage. On la connaît pas assez, donc soit centriste, soit gauche. On va la mettre de base centriste. Ouais. Ça va être le truc de base pour les Jedi. Là, on commence à par défaut, c'est centriste. On commence à avoir une belle cloche là. Ça commence à avoir de la forme là. Qui a dit Mundi? Alors. Lui, il est en mode Wookie Life ce matin. Gauche caviar. Gauche caviar. Ouais, mais en même temps, pareil. Il a un gros cerveau. Est-ce que ce serait pas un peu le Starsdosh des Jedi? Donc, libéral. Non, parce qu'il a l'air humble. Est-ce que c'est la grande tête qui. Ouais, mais qui c'est spot de Windu, quoi. Gros boomer, ouais, on nous dit quand même. Hein. Gros boomer, gros cerveau. Ouais, gros boomer. C'est vrai que c'est un vieux boomer un petit peu, mais en même temps. En fait, c'est il est mec... moins extrémiste que Windu quand même. Enfin, il a l'air. Non, on peut pas le mettre de droite, je pense. Je sais pas. Ouais, ouais. Bah, peut-être centriste alors, parce qu'il est peut-être un peu aussi, vieux alors. Jeu. Ouais, à mon avis, c'est le même problème que le centriste. C'est peut-être le mec du conseil qui est un peu plus chill que les autres, qui se prend moins le. Il se prend moins la tête. Oh bah, en même temps, c'est beaucoup plus dur pour lui, quoi. Je pense qu'on peut pas trop Newt Gunray, on peut pas trop hésiter, c'est libéral. Ah oui, on ira à fond. C'est ultra libéral, quoi. Mais justement, à quel point de droite, en fait, voilà. Lui, il s'intéresse qu'au fric, il y a aucun moment, il fait un peu plus. Non, moi je pense qu'il s'en fout. Hein. Lui, il est là pour l'argent et puis c'est tout. Hein. Ok, ok. En plus, il est crétin, il se fait manier. Droite, donc ouais, ça ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est littéralement, vous voyez comme on les a bien classés, parce qu'il se fait manipuler par Doku qui est front galactique, et lui qui est libéral, ça marche super bien, c'est comme dans la vraie vie. Oh là là. C'est tellement beau. Jango Fett, un peu libéral. Attendez, Jango Fett, c'est quand même de l'appropriation culturelle. Ouais, de droite. Oui, non, mais oui, il est libéral, au moins libéral. Hein, c'est... Ouais, moi je l'ai mis libéral. Ouais, oui, parce qu'il pense qu'à lui, son fric, son business, donc ouais, plutôt libéral. Mais surtout, c'est même pas un vrai, on a rien, le gars, donc. Ouais. Ouais, ouais. C'est moche. Ouais, c'est libéral. Ouais. C'est vraiment. C'est Trudeau, quoi. Il fait la blackface et tout. Ah, quelle horreur. Mais non, donc, mais c'est. Non. Droite, hein. Droite, pas libéral, je pense, droite. Tu penses droite, alors que dit le chat? Qu'en pense le chat, ouais. Parce que moi, j'aurais dit libéral. Franchement, moi, j'aurais dit libéral. Ah, c'est vrai. C'est l'auto-entrepreneur. Mercenaire, le mec, il fait ça c'est que pour start-up. La suite. Il s'en fout du reste. Startup Nation. Alors là, on a Trudeau, libéral, libéral. Un chef de prime, c'est un peu un flic aussi, quelque part, nous dit Detox. Je ne sais pas. Je n'irai pas dans ce sens-là. Il y a un petit côté anarch, quelque part, parce qu'il y a quand même un... C'est pas les primes qui sont mises par les flics, ce sont des primes qui sont mises par d'autres gens. Et puis même, le truc, c'est que dans l'épisode 2, il engage quelqu'un d'autre pour faire le boulot pour lui. Oui, non mais donc, il s'en fout des gens, en fait. Il la bute, ouais. Donc moi, je mettrais de droite. Ouais, de droite. Il fait de la procréation in vitro, il peut pas être droite tradi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'y pensais aussi. Excellent argument. Ah, c'est bon, ça. Tu as cassé le game. Ok. Boba Fett. Alors, attends, c'est le jeune Boba. Il est un peu cinglé. Lui, il est de droite. Il est un peu cinglé. Il fait, vas-y, papa, tire. Moi, je le mettrais de droite. Non, il est anar. Pour moi, il est anar. Ah, possible. Ouais. Il est pas un art de gauche, il est un art tout court. Tout ce qu'il veut, c'est Boba, c'est un peu le gamin qui. Il a pas de conscience politique. Non, pas ça, mais lui, le gamin un peu bizarre qui a un fantasme un peu bizarre sur les armes aussi. voilà, un art capitaliste, il y a un peu de ça, ouais. C'est Louis Sarkozy. Mais est-ce que justement les anarcho-capitalistes, ce ne seraient pas les libertariens qu'on n'a pas mis? Ben bah oui, c'est pour ça que j'avais mis. Ouais. Vous allez. Mais le problème, c'est que eux, c'est chaud de les mettre sur un je trouve pas le mot, mais dans le spectre gauche-droite, exactement. Merci. C'est chaud de les mettre les libertariens. Ouais, c'est pour ça qu'ils les avaient mis. Ils ont quand même fini à la piste. Hein. Je pense qu'à droite, ils ont une case toute tracée, quoi. Oui, c'est pareil qu'à droite, hein, franchement. Ouais. Libertarien, c'est les libéraux poussés, c'est les fanatiques. C'est... En fait, pour moi, Boba, c'est le gamin un peu edgy, voilà, qui sait pas trop ce qu'il veut. Il croit ce qu'il pense être cool, en fait. Ah, en fait, c'est le mec de 4chan. Oui, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est une PP manga, ouais, il est sur 15-18. Pour moi, les PP manga, c'est des libéraux. Les deux droites, au moins, quoi. C'est Front Galactique, ouais, ou Libéral. Bah, souvent, c'est justement les mecs qui reprennent les arguments d'extrême droite en faisant passer ça pour des idées nouvelles, alors que c'est des trucs vieux comme après, le monde. Ça... Moi, je pense qu'il a viré de droite plus que libéral. Hein, parce qu'il a... Pour moi, il est de droite. Peut-être qu'il serait même Front Galactique, ouais, parce qu'il est, il a ce côté un peu militariste et ouais, tout. En vieillissant, peut-être. Mais après, je dirais qu'en vieillissant, il s'est assagi. Ouais. Ouais. En vieillissant, il devient plus libéral parce qu'il s'en fout un peu du reste de la politique. Mais quand il est gamin, il est clairement Front Galactique ou de droite. Moi, j'ai Front Galactique, vous m'avez convaincu, oui. Ouais, Le chat, Front Galactique ou rien? Mais après, pour moi, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu le gamin qui croit n'importe quoi qui le rendra cool et en fait, c'est pour ça il a un peu sa période, edgy. Oui, mais c'est ce qu'on dit, quand il grandit, après il devient plus libéral parce que du coup, mais, il est même plus. Même Front Galactique, s'il avait eu une autre influence, ça aurait été autre chose en fait. Voilà, je vous rappelle qu'on a la catégorie Hux et ça irait très bien un incel. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai que s'il avait grandi avec Dexter, il serait Coco, mais... Voilà, mais le problème, c'est que c'est pas le cas. Il a grandi avec Django. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que, voilà, lui... Ah non, justement, mais c'est le petit. Ouais. On le juge tant qu'il est petit. Tant qu'il est petit, c'est un petit perso. Le chat, est-ce qu'on dit Hux ou Front Galactique? Ouais, alors, Front Galactique, c'est Hux qui s'assume pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, c'est Hux. Oui, le frustré. Voilà. Okay, frustré, c'est Hux. Allez. Ok. Très bien. Commandant Cody. Alors toi, tu dois le connaître mieux que nous, Matt. Bah, pour moi, je ne peux pas coucher avec, je ne sais pas. Bah, t'aurais dû. Pour l'émission. Bah, c'est un soldat. Cody, donc, du communiste, quelque part, parce qu'il pense quand même au bien de... Bah, il pense plus au bien de ses... Rex, là, non? Oui, bah, c'est pas Rex non plus, mais... Ouais, mais c'est un truc qu'on entend aussi chez les gros militaires qui disent voilà, la fraternité des soldats. Rappelle-moi, tout, qu'est-ce qu'il a fait, Cody, si t'as peut-être vu plus récemment que moi. Il a fait plein de trucs chiants, il est chiant, Cody. Bah, il tire sur Obi-Wan. Oui, ils l'ont mis dedans. Oui, il tire sur Obi-Wan, mais ça, c'est pas de sa faute. Ouais, mais attends, mais il a tiré sur Obi-Wan, donc... Pour moi, Cody, c'est la droite traditionnelle qui croit à l'ordre, qui obéit à la hiérarchie. Oui, bon, t'as... Oui, d'accord. Ouais. C'est le flic. Le mec, on lui dit, tu fais ça, il fait ça. Oui, c'est ça. Dans Clone Wars, il était plus chill que ça, mais je dois... Oui, il est, mais parce que c'est un show pour enfants, tu vois. Ouais, c'est vite dit, hein, parce que... Je suis communiste, direct. Communiste, Coco, ouais. Elle accueille des migrants, elle part... Vous savez, elle me manque, Shmi. Ouais, grave. Elle fraternise avec les hommes des sables. Non, elle est carrément coco. Oui. Ouais. Elle fraternise avec les hommes des sables. Mais eux, ils voulaient pas fraterniser, par contre. Ça, c'est la tristesse. Non. Oh, vous voulez des champignons? Oh. Fogel le bref. Le pognon aussi. Du beurre, ouais. Ultra libéral, c'est comme lutte, ouais. Surtout que lui, il a servi son peuple, hein, pour faire tous les trucs de la fédération. Alors après, il faut aussi se souvenir que l'extrême droite, c'est quand même les meilleurs amis des capitalistes. C'est vrai. Il a asservi son peuple pour produire des armes. Pour les libéraux, peut-être plus Front Galactique, du coup. Ouais, alors, mais lui, je sais pas. J'ai l'impression que dans Front Galactique, il y a aussi quand même cet aspect de, voilà, on veut changer la société, alors que lui, il s'en fout. Ouais, lui, il s'en bat les couilles, ouais. Lui, il veut juste se faire du pognon. Mais est-ce qu'ils sont vraiment asservis, parce que c'est le fonctionnement de... Ouais, c'est un peu leur fonctionnement aussi, mais... Bah, c'est un peu le problème de Star Wars, voilà. C'est quand même lui le chef, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est quand même lui qui décide. J'avoue que pour le coup, Front Galactique, ça irait bien quand même. Moi, je dirais, on coupe la poire en deux, comme Anakin, et puis on fait droite. C'est eux qui ont commencé à construire l'étoile noire, quoi. Enfin... Ouais. Les gens, ouais. Où est-ce que vous voulez qu'on le mette? Tu demandes au chat ou tu demandes à nous, là? Oui, Moriat, il est vénère. Hein. Il dit, alors non. C'est un des nombreux chefs d'une des nombreuses ruches, oui, certes. Mais il est quand même au conseil, là, avec les autres libertariens. Tout le monde dit libéral. Hein. Ouais, tout le monde est à fond sur libéral. Et Moriat, s'il aime tellement Poggle le Break, il a qu'à faire un épisode de Star Wars récit dessus. Voilà, il a qu'à faire un trou dans sa carapace, sinon, je sais pas. Ouais, ça y est. Alors, on a 4 libéraux et un front, donc libéral. Moi, je l'aurais mis front, après je vous écoute. Hein, Ouais, on écoute l'avis du public. On est populiste ici. Démocratie. Général Tarpals. Tarpals, c'est compliqué. Moi, je le mets comme droite, Cody. Hein. C'est un général, c'est un moi, je le mets près de droite aussi. Hein. Ouais. Bah oui. Et après, c'est chaud, tu vois, genre libéraux, genre d'où clairement. Le chef genosien est moins de droite que lui, quoi. C'est pour ça que je disais droite, parce que... Ouais, mais libéral, faut faire attention, c'est à peu près au même niveau, c'est kiff-kiff en termes d'intensité, c'est pas les mêmes valeurs. C'est vraiment les valeurs qui changent. Je ne me souviens plus de son nom, je me souviens de Panaka, mais lui, alors jamais... Ah ouais, c'est son neveu. Tico... Non, c'est pas Tico Kelchou, un truc comme ça. Ah. C'est un flic, donc droite, hein. Tico, ouais, c'est Tico. Tico, est-ce que c'est un flic? C'est plutôt un. C'est un chef de la sécurité. Ouais. C'est un flic. Bon. Ouais. Lui et Panaka, c'est de droite dans tous les cas. Hein. Ah ben même Panaka, même plus. Panaka, c'est plus. Panaka. Qui devient mof. Galactique, je vous rappelle qu'il devient mof. Il devient mof, Panaka? Ouais. Mais le centriste, lui. Mais dans quoi il devient mof? Qu'est-ce que j'ai raté? Lui, tu veux que tu le mettes centriste. Dans un bouquin, mais je sais. C'est plus. Leia princesse d'Alderaan. Non, sans déconner. Et bah, c'était déjà là dans le Legends. Non, mais je sais pas, je l'ai pas encore lu, moi. Oui, bah c'est un mof, et en plus, il a deux doigts de balancer que Leia, c'est la fille de Padmé. Mais quel connard! Bah oui, voilà. Donc Front Galactique. Mais alors, du coup, lui, on n'a pas décidé, ouais, le chat. Moi, j'ai décidé pour parce nous. Parce qu'il est quand même garde de la gauche caviar, tu vois. Bah ouais, mais ça veut rien dire. C'est son boulot, c'est pas son chef pote de la sécurité pour une reine. Il est monarchiste. Pour une sénatrice. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Excuse-moi, c'est vrai, je suis au fond. C'est rien à voir avec Rose Moriat. Aucun rapport, je suis fils unique. C'est Kelchou, je crois, son nom de famille. Ok. Bon. Bon, là, on voit que la cloche commence un peu à pencher vers la droite, là. Ça... Ouais, alors, à la surprise générale. Est-ce que je peux faire le suivant? Parce que le suivant, j'ai fait. C'est Tarful. Et c'est clairement anarchiste. Tarful, c'est un coco. Anarchiste. Non, c'est un anarchiste. Coco ou anar. Hein. C'est anarchiste, direct. Parce que pas assez le mec. Alors, spoil pas le jeu, par contre, s'il te plaît. Mais non, non, mais en gros, dans le jeu, tu découvres que c'est en gros lui, le chef de la résistance sur Kashyyyk. C'est ça. Là, tu viens de spoiler. Bah, c'est pas un spoil, c'est au début du jeu, enfin c'est... Oui, c'est très très rapide. C'est vraiment pas un spoil, hein, pour le coup. Mais en gros, voilà, c'est lui qui reste sur Kashyyyk pour gérer et pour essayer de faire partir l'Empire, en fait. Ouais. Clairement, c'est un meneur. De gauche. De toute façon, un Wookiee. C'est même un zadiste. Hein. C'est un zadiste de ouf, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. De toute façon, on les Wookiee, ouais, c'est pas que... du tout un zadiste, c'est Watu. Libéral. Hein. Ouais, libéral. Ouais. On t'aime bien, mais il n'a pas, pas un mauvais fond, mais c'est l'argent qui prime, quoi. Voilà. Ouais. Il y a un petit côté gentil. C'est pas le même style de libéral que Newt Gunray, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais voilà, on peut pas non plus avoir un milliard. Là, c'est comme Qui-Gon, et c'est pour ça qu'ils s'entendent bien tous les deux. Ouais. Ok. Non, là, t'as bien raison. Ils parlent le même langage. Bosnas. De droite. Ouais, il est isolationniste et tout. Oui, il est isolationniste. Il vient que quand on voit que vraiment c'est bon, il y a un moyen de gagner. Et il essaie de faire buter Qui-Gon et Obi-Wan en les balançant dans le bongo. Mais et en plus, c'est un roi, putain, oui, c'est vrai, merci. Oui, il est xénophobe. Bon, après, les autres, ça a l'air d'être des colons, donc ça se comprend, mais il est très communautariste. Bosnas, c'est le. comment on dit, c'est le Native American de... Ah, c'est ouais. Chef indien, oui, oui, c'est... Mm-hmm. Ah bah, du coup, droite, est-ce que c'est droite, grossièrement, c'est... Oh bah, arrête, non, il y en a aussi, hein, des... Non, mais les conservateurs, quand même. Des mecs qui veulent préserver leur pouvoir, hein, même s'ils sont autochtones, il y en a. Les conservateurs, mais en même temps, ils s'allient avec ses anciens ennemis, mais c'est pour garder, quand même, les choses telles qu'elles sont, plus ou moins. Et puis, ils s'allient avec eux parce qu'ils voient qu'il peut y avoir un avantage politique et financier derrière, je pense. Je veux dire, ils décident de les aider quand Padmé se prosterne. Voilà. Oui, non, mais les souverainistes, oui, clairement, comme dit Charles. Ah, c'est vrai. C'est puis, Fillon, mais avec c'est Baladur, en fait. Et puis en plus, ce que j'ai compris chez les Gungans, en fait, c'est pas juste une espèce, y a un peu un système de caste, et il y a que les mecs qui lui justement qui les gros quand on le voit dans le conseil, ils ont tous un peu la même tronche. Il y a que ces Gungans là qui peuvent devenir chef. Ah ouais, c'est voilà, droite. Droite limite front galactique, mais et comme ils n'ont pas la galaxie. Les mecs en plus. Alors Keira Knightley. Gauche caméra. Mais là, comment est-ce Vous n'avez pas mis le constable Zuvio aussi, non? Mais c'est pas nous qui avons fait ah bon ça. Ah bon. Attends, s'il est dedans, ce serait trop du bien. Du coup, là, c'est censé être qui? C'est censé être la suivante ou... Non, c'est la suivante. Non, là, c'est clairement Keira Knightley. Bon, bah oui, c'est la suivante. C'est vrai que je la reconnais tout à fait. Mais tu reconnais personne, toi. T'as vu une photo avec Finn, Po et Rey qui faisait un câlin et t'étais « Oh, c'est qui le mec à la chemise blanche ?» Never forget les vieux bails. Oui, t'étais fiant. On était genre, bah c'est Po, qui tu veux qu'il fasse un câlin à trois? J'étais pas fou. Non, t'étais juste Matt. C'était peut-être une des rares fois où t'étais sobre. Bon, alors, Keira Knightley, on s'en fout un peu, mais en même temps... gauche caviar, quoi. Gauche caviar, mais en même temps, est-ce qu'elle est pas... Non, elle respecte la hiérarchie. Juste... Ouais. Ouais, mais c'est... Okay. Elle est asservie par sa patronne, quand même. Ouais. Elle est dévouée. On met gauche caviar, je pense à ça. Gauche caviar. Je suis sûr qu'elle en profite quand elle est reine pour. Alors, c'est Bulba qui, a priori, d'après Jean Euseb, est un anarchiste ou un communiste, alors que le mec, il a des esclaves sexuels et tout. Ah oui, non, il est droite. Hein. Il bute les gens pendant la course, hein, le mec. Il triche, quoi, tout le temps. Un fan de Tuning. Il serait pas plus libéral. Non, vraiment pas, parce qu'il a ce délire. C'est un libéral extrême, quoi. Si, oui, mais il a quand même des esclaves sexuels, quoi. Oui, mais parce qu'il peut se les payer. Et Trump aussi. C'est pas une valeur pour lui, je pense. Ouais, mais non, moi je dis Trump est libéral. De droite, c'est les mecs qui flambent sur. C'est Bulba, c'est le mec qui flambe sur Instagram, qui va en yacht à Abu Dhabi. Voilà, ouais, c'est de droite. Il poste des photos de son pote sur Instagram. Ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce qu'on pense de le chat? Libéral, Mariette nous dit. Ah non, de droite. Hein. Oh, moi, j'irais de droite aussi. Hein, ouais. Droite ou libéral? Droite. C'est un gros macho, ouais, c'est vrai. Ouais, droite, oui, macho, oui. Droite traditionnelle. Ouais. Mais en plus, c'est pas un pote de Jabba. Et puis il insulte Anakin quand c'est un esclave et tout. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est vrai qu'il est de droite traditionnelle, mais de la tradition de ses Bulba gagne toutes les courses, en fait. Il essaie de buter un gosse quand même, enfin, genre c'est chaud. Du coup, oui, c'est non, mais tu peux être libéral et buter des gosses, ça change rien. Mais oui, mais c'est... Ouais, c'est vrai que la remarque qu'il lui fait en début de course, ça montre bien qu'il y a un... Oui, bon, droite. Je suis d'accord pour droite. Allez. Il a une vision de la société voilà, qui correspond bien. Valorum, je dirais droite. Libéral, moi. Non, il sait rien faire. On voit tellement peu. Valorum, on nous dit quoi? On nous dit qu'il est corrompu. Ouais, donc libéral. Et qui n'intervient pas. Mais sa femme s'appelle Pénélope, hein. Moi je dis ça, je dis rien. La différence, c'est que les libéraux, ils prennent des décisions qui les arrangent. Lui, il prend aucune décision. C'est à part vrai. Qui arrange, c'est les gars qui sont. C'est vrai. Donc droite. Tu as raison, droite. Valorum, en plus, je sais pas, comme tu dis, non seulement sa femme s'appelle Pénélope, mais en plus, si on regarde bien, il a des traits qui ressemblent. Regarde ses sourcils un petit peu, là, un peu foncés. Moi, j'aurais mis centriste, mais je suis trop gentil, peut-être. Je sais pas. Ouais, moi je trouve qu'il a un peu un côté François Hollande, fin de mandat, il fout rien. Ouais, c'est vrai que c'est genre. Passe, c'est François Hollande avec Valls qui prend toutes les décisions à sa place, quoi. Mais... Ouais, il y a de ça, ouais. Mais Valls, c'est Massaméda. Oh, putain, il y est même pas. Alors, à ce moment-là, ce serait centriste droite qui s'assume pas. Il n'y a pas Massaméda alors qu'il y a Biggs, sans déconner. Ouais. Du coup, c'est. Ouais, peut-être. Couille-molle, sert à rien, centriste. J'hésite centriste quand même, le côté qui s'assume pas, je trouve que ça. Bon, alors, les gens, droite ou flambie? Non, mais droite, hein. Vraiment. D'ailleurs, je crois que je l'ai entendu dire que les pauvres, c'était descendant, mais après... Non, mais on te présente à la fin, on te présente à la fin du 1 un Palpatine qui est censé être gentil, hein, et qui dit, ouais, génial, on a réussi à niquer ce gros bâtard de comment Maintenant, il dit qu'on va pouvoir agir, mais c'est juste qu'il n'agit pas, du coup. Donc, après, pourquoi est-ce que... Excuse-moi, Tuki. Ça pourrait aller avec Centriste aussi, parce que comme il est tout mou, c'est jamais lui qui prend les décisions. Et c'est quand il se fait évincer, le mec il accepte et genre il baisse la tête, genre bah ouais. Ok, d'accord. Alors que de droite il aurait été plus genre oh non, c'est quand même moi au pouvoir. Donc, alors le chat. C'est vrai. Non, pour moi le chat dit Centriste, je crois. Ouais, Centriste. Okay. Ouais, Centriste. Moi je dirais Centriste aussi parce qu'il est, trop. Il est trop mou. il n'intervient pas. Trois il fiançailles. Rouge dehors, blanc dedans et toujours près de l'assiette au beurre. Oui. Voilà. Pourquoi tu es dans Hux, Jocasta? Jocasta directement. C'est une connasse. Jocasta, moi je la mettrais vraiment droite ou front galactique. Elle est ultra conservatrice. Il ne faut surtout pas défier l'autorité. Si ce n'est pas écrit, c'est que ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Elle est au moins droite tradie. Elle est super pédante. Et en plus, alors c'est tant mieux et tout, mais. C'est une archiviste, donc c'est un peu la meuf d'historienne. En plus, c'était pas le love interest un peu de droite, Doku. Quoi? Elle était pas le love interest de Doku. Si, elle avait un truc avec Doku. Voilà, donc front galactique. De... Voilà. D'ailleurs, elle l'admire encore, je crois. Mais normalement, alors c'est une scène qui a été coupée de l'attaque des clones, mais la première fois où t'es censé la voir, c'est elle est en train de dire oh oui, regardez sa belle statue, il est beau, j'ai trop envie de lui sucer la teub et tout. Oh la vache. Par contre, elle est assez cool dans le comics Vador. Cool dans le comics Vador, mais ça reste. Elle est un peu négationniste hein, quand même, faut dire. Si ça existe, si c'est pas dans les archives, ça existe pas. C'est il me semble aussi, dans mon revisionnage de The Clone Wars, il y a un épisode où Ahsoka fait n'importe quoi et donc ils la mettent aux archives pour bosser un peu. Elle est assez cool avec elle. Ouais, mais elle est vieille. Je crois que c'est le pire. C'est vrai que là elle a berdé, là, si elle n'avait pas été vieille. Elle n'a pas de sortie avec les enfants, ça n'empêche pas, hein, mais pas de droit. Ouais. Bon, ça me choque pas de la mettre là. Front galactique, parce qu'elle est très très conservatrice, et puis bon, bah. Ouais. C'est littéralement son boulot d'être conservatrice. Hein. Pour moi, elle est révisionniste. Allez. Anakin, attention. C'est le Anakin méchant, là. C'est le dernier de la prélogie. Hein. Ah, oui, attention. Anakin, moi je l'ai mis dans Hux. Moi je mettrais Front galactique. Ah, c'est chaud. C'est vrai qu'il s'assume pas vraiment. C'est un frustré. Ouais, mais c'est triste parce que ouais, à la base, ils mettent une photo méchante, mais à la base, c'est quand même un gars qui dit que, il trouve que les Jedi ils sont trop de droite. Les deux tiers de l'épisode, il est frustré. C'est un Hux. C'est quand même vrai, le mec qui te dit les Jedi sont trop de droite, mais après, il va full droite en massacrant tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, son chef. Enfin, t'as raison. Le Front National, il dit aussi qu'il y a certains de gauche qui sont trop de droite ou des conneries comme ça. Et de genre. c'est un incel, c'est juste qu'il a niqué, mais en fait, c'est un incel quand même. Hein. Oui, c'est le mec qui croit qu'il a tout niqué. Et en fait, il est à fond dans le système comme un gros con. C'est littéralement ça, les incels. Ouais. Du coup, je suis d'accord avec Hux. Il croit qu'il est spécial et tout. T'es d'accord avec Hux, tu veux détruire 5 planètes comme ça. Je suis d'accord avec la catégorie Hux. En plus, c'est un gamin comme Boba. C'est le mec qui s'est fait influencer comme un abruti et il croit que ça vient de son propre esprit, alors que ben non. Putain, la honte de se mettre dans les jeunes chiants. Les gros casse-couilles dans Hux. C'est un forceur de ouf avec les meufs, nous dit le chat. Il est super malsain avec sa meuf, il bat sa femme enceinte. Mais c'est ça. Anakin, c'est un des pires persos. Hein. Quand tu le vois de son côté héroïque, ça va, mais après, c'est la dégringolade et c'est complètement ouf. Bref. Non, moi, je veux juste qu'on fasse un petit point parce qu'on a a priori fini les personnages de la prélo. Ça confirme ce qu'on avait dit dans l'épisode, hein, c'est massivement de droite. Ça penche un peu à droite. On n'est pas encore dans le massif là, mais ouais. Non, mais ça, là, tu vas voir. Ça va faire mal. Ça va être les sujets encore un peu compliqués. Luke Skywalker, mm-hmm. Le jeune. Trilogie originale. Ah. Entre centriste et gauche caviar. Ouais, je pense entre les deux. Moi, j'ai pas gauche caviar. Il est quand même gentil. Moi, ouais. Je dirais que Luc, c'est en fait le problème, c'est qu'il a aucun. Et on verra plus tard. Il y a d'autres personnages comme ça, mais il a aucune motivation politique. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour son propre gain, en vrai. C'est vrai, ouais, t'as raison. Ça, c'est une attitude de centriste. Et c'est pour ça que je le mettrais centriste. Parce qu'il n'est pas aisé spécialement. Oui, c'est vrai. Il vient d'une famille de prolo quand même, hein, même s'ils ont peut-être propriétaire. Ah oui, non, c'est des petits agriculteurs. Bah, c'est quand même des agriculteurs, c'est chaud, quoi. C'est ouais, pas, agriculteur, c'est chaud. c'est Plan qui nous dit, lui, qu'il est centriste, il n'a aucune colonne vertébrale. Mais c'est ça, hein, c'est vrai. Genre, il est très bien sur un plan personnel, mais niveau politique, c'est une catastrophe. Hein. Ah, surtout qu'il voulait intégrer l'académie. Oui. C'est ce que j'allais dire. Le mec, c'est pareil, il est ultra influençable. Il voulait intégrer l'académie. Puis encore un fan de Tuning. Un peu charismatique qui lui dit non, viens du côté de la gauche. Et il fait ok, bon. D'accord. Leia, bon bah gauche caviar oui. aussi. Ouais, oui, pour bah elle carrément, elle est née avec une cuillère en argent dans le cul, donc oui. Non, le bébé, regarde. La violence. Bébé. Elle est arrivée avec un rail de coke dans le nez surtout. On mélange voilà. Pas tout, on avait dit. C'est vrai. Bah libéral. Libéral. Anne, c'est un... Il part de libéral, mais oui. il évolue. Oui, mais là, c'est le jeune. Mais attends, mais... Ouais, mais même pendant la trilogie, il évolue. Après, il y a le jeune de Solo, hein. Il y a celui de Solo aussi. Hein. On a Solo de Solo ? Ah oui. Ouais, oui, il y a Solo de Solo. Attends, un moment, j'ai mis les trois Solo à la suite. Le jeune, le vieux, le Ben. Ouais, c'est ça. Oh, regardez-le. Oh, c'est beau. Oui. Du coup, moi, je le mettrais plus libéral. Non, parce que... Est-ce que c'est pas un art ? Je pense pas... Moi, je pense que c'est un nanar parce que clairement, après, il commence à aider ses potes de gauche et tout ça. Ouais. En fait, dans le 4, oui, c'est un libéral, mais je pense qu'on pourrait mettre libéral pour le Solo de Solo, finalement. Et puis, il essaye tout le temps de la faire à l'envers. Non, au contraire, moi, je trouve que le Solo de Solo est plus idéaliste que le Solo de l'épisode 4, un peu à ça en avançant dans les épisodes, en fait. Le Solo de Solo est communiste et le Solo l'épisode 4, 5, 6 est plus anarche, je dirais. Le Solo de Solo, il est libéral, je trouve. Enfin, je suis d'accord avec... 4, là, donc c'est plutôt anarchiste, j'ai envie de dire. Celui-là de l'épisode 4, il est anarchiste. Ouais, anarchiste, j'aurais dit aussi. Peut-être gauche caviar, parce que gauche caviar, il y a un petit côté je veux bien améliorer le truc, mais je veux pas trop empirer ma situation, en fait. Ouais, mais le mec, c'est Oliver Twist quand même. Il est bourré de dettes dans la trilogie originale, il peut pas être gauche caviar. Il est anar. Il veut quand même du pognon, il veut pas aider les gens. Ouais, je suis d'accord. Pognon, mais il est prêt à foutre un sbeul pas possible pour l'obtenir. Attendez, c'est pour ça qu'il est pas gauche caviar, parce qu'il s'en fout des gens à la base. Il aide la résistance parce qu'il y a ses potes et que du coup il a quand même un grand cœur, donc il se dit je suis pas un bâtard à ce point là, mais d'ailleurs après il se fait jamais au fait d'être riche, hein. Bah ouais. C'est vrai que finalement le côté libéral en fait il disparaît assez rapidement. Crusty Philax qui lui dit il s'en sort grâce à ses contacts, c'est un genre de Jean-Yves Le Drian. J'ai pas la référence, mais anarchie ça me semble un peu poussé, en fait. Il part de libéral pour finir anar, mais plutôt parce qu'il a suivi ses potes. Oui, mais ça n'empêche pas. Hein. L'argent ne l'intéresse que pour rembourser ses dettes, donc ça ne l'intéresse pas. Bah, c'est pas faux. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est sa liberté. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est un petit peu libéral quand même, la liberté, mais c'est aussi anarchiste. On aurait dû faire une catégorie Jackie parce que on va pouvoir mettre tout. On aurait dû mettre Anakin dedans, le jeune Anakin. Non, moi, je dirais anar pour Solo. Après, je sais pas. Ouais. Anar. Communiste, parce que ça me semble poussé, anarchiste. Mais communiste, c'est pas bon non plus, donc... Anarchiste dans l'idée où vraiment, il... Bah c'est un anarchiste de droite. Jean-Claude du Rouvenant de l'espace. C'est pas le même anarchisme que Tarful, tu vois, enfin, ça me paraît... Ouais. Après, de toute façon, il aurait fallu faire tellement plus de catégories, mais ça aurait pris... Bah moi j'en avais fait plus, on m'a demandé de les supprimer. Je vais pas balancer, voilà. Oui, ça on a compris. Alors C3PO il est revenu, ça y est, on y est. C3PO on a fini la deuxième. C'était pas réglé. Hein. Ah bon. On l'a mis à nar. Ouais, c'est mieux que rien. Bon, que dit le chat ? Ah. Bah, il rejette l'autorité. Charbon nous dit qu'il rejette quand même pas mal l'autorité. C'est vrai que bah, même quand elle vient de, même quand elle vient de la rébellion, il la rejette aussi, hein, quelque part. Oui, oui, il rejette toute l'autorité. Il essaye de faire à l'envers à toutes les formes d'autorité qui essayent de un peu maîtriser ses libertés. Et... il envoie chier. Et pareil, il veut pas faire de profit, le gars. Il veut juste piloter, faire des petits trucs par-ci par-là pour avoir à manger et c'est tout. Attends, mais. Ah, ok. Bon, ça va. J'ai pas vu Chewbacca, et mais il est plus bas. Alors, notre petit droitard. On le dit centriste, je pense, il est perdu pour Moriat, mais sinon, c'est un anard individualiste, dit Seplam, ce qui est pas faux. Pour moi, anard, il est bien dans anard. On l'a mis anarchiste à gauche, mais je pense que ça peut marcher aussi pour ceux qui sont légèrement de droite. Hein. C'est vraiment anard au sens global. Ouais. C'est pas de leur faute si pour l'instant ils sont tous un peu gauchistes. Mais... le C3PO des épisodes 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'il est toujours de droite. Hein, ça programmation n'a pas changé. Ouais, finalement, en y revenant un peu, à part à la fin, qui se sacrifie pour tout le monde. C'est vrai que c'est un peu léger. C'est pas vraiment un sacrifice, il revient après. Ouais, mais il le savait pas. Ouais, il est prêt à le faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? L'intention, elle y est quand même. C'est pas de sa faute si le film revient sur tout ce qu'il fait. Dans ce cas-là. C'est la droite qui ne s'assume pas dans ce cas-là. Ouais, non, mais il est quand même. Il reste snob, il reste. Et puis il faut attendre l'épisode 9 pour que ça arrive. Il y a 5 films avant ça. Oui, voilà. Et puis bon, j'imagine que les gens de droite ont des amis pour lesquels ils sont prêts à faire des choses. Je ne sais pas. Ah non, j'imagine, on en avoir un ou deux dans le dos tout le temps. Nemesis, c'est il n'a aucun souci à bosser avec l'Empire dans Rebels. Oui, ouais. Voilà, donc. Ah oui, c'est vrai. Elle n'a pas vu Rebels. Bah, bravo. Désolé. En plus, c'est plus il est plus respect de l'autorité et tout, donc droite, ça lui va bien, je trouve. L'ordre, tout ça, quoi, donc, ouais. Vador, oui. Là, c'est compliqué. Vador, je le mettrais Front Galactique. Ouais, quand même. Hein. Non, on n'a pas encore fait Mon Mothma, Rigop, excuse-moi. Mon Mothma, elle est dans les derniers. Ouais, Front Galactique, c'est bien, hein. Front Galactique, c'est logique. Ouais, voilà, là, on est plutôt Je veux dire, c'est littéralement l'Empire, hein, Front Galactique. Obi-Wan. Obi, c'est compliqué, encore une fois. Ben. Ben qui est Obi. Ben, c'est l'anarchiste. Oui, bah ouais, oui. Je le mets à l'anarchiste. Quoi. Bah, le problème, c'est qu'il manipule un peu Luke pour lui faire ce qu'il veut. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, bah, c'est pareil, c'est un nanar individualiste, mais qui a quand même un bon cœur, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Il fait pas ça pour suivre les règles, il fait ça parce qu'il a sa propre vision du bien et du mal, et du coup, il se bat pour ça. Donc, c'était plus anar. Pour moi, c'est le vieux papy communiste, tu sais, qui a été résistant pendant la guerre et qui. Bon, il était gauche caviar avant. Hein, ouais, mais du coup, voilà, il s'est affirmé avec le temps. Pour moi, il n'est pas anarchiste. Hein. Enfin, encore une fois, c'est pas le même niveau que R2 ou Tark. Pour moi, c'est plus communiste. J'aime bien comment on crée une personnalité à R2. Ouais. Mais il a une personnalité R2. Ouais. Il raconte des blagues de cul au Faucon Millénaire. Hein, R2. Pour le chaîne, il est pas mal coco, Ben Kenobi. Voir rester gauche caviar pour certains. Parce que quand même, il dit, le maître Yoda, faut pas déconner avec ça, voilà. Ouais, il est plus gauche caviar maintenant, il vit dans... Il vit quand même tout seul, isolé, comme ouais, un mais il a pas l'air de imiter les dragons. Après, en plus, il n'hésite pas à faire chier les hommes des sables, tout ça. Est-ce qu'il cherche vraiment le bien commun? Parce qu'il découvre une station spatiale capable de détruire une planète. Tout ce qui l'intéresse, c'est de buter Vador, enfin de confronter Vador. Il fait ça justement pour donner une chance aux autres de s'enfuir et de détruire le truc, justement. Oui, il est tellement pour le bien commun, celui-là, que. Il donne sa vie pour la cause, contrairement à ce connard de ses propres de droite. Traveur nous dit, c'est tout à un communiste, le mec vit dans le passé et traîne avec des gamins. Vous êtes dur avec les communistes, putain, vous faites chier. Non, il a raison. Il a pas changé d'iota, il a juste plus les moyens pour le caviar, j'aime beaucoup. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment c'est des vieux babos qui habitent dans une cabane. Sherwood 28, j'aime beaucoup communiste qui tire les leçons de l'échec de Jedi, oui. Ouais, contrairement à Yoda qui attend jusqu'à l'épisode 8 pour tirer des leçons. Il attend d'être mort, le mec. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo là où il y a. C'est une vidéo, je crois, qui était sortie sur le site de Lina. Où en gros, il y avait genre un vieux qui un jardinier qui gérait ses fleurs. Et, ah oui. Il y a la journaliste qui lui demande, ou journaliste, je sais plus, lui demande genre, ouais, ça vous intéresse la Saint-Valentin et tout. Et il fait, oh non, je m'en fous. Après, genre, il demande genre, ouais, et il fait beau aujourd'hui, ça vous intéresse ça? Oh non, je m'en fous. Et du coup, il dit, qui vous faire qui vous intéresse? Et il répond, oh non, ça aussi, je m'en fous. Vous avez vu celle-là, ouais, non, elle est bonne. Mon Amiral Akbar. Amiral Akbar, c'est gauche caviar, parce que c'est quand même un. Ouais. Il fait la guerre, mais en même temps, il est gentil. Ouais, mais c'est un. Alors. Je sais pas, moi, c'est quand même un militaire. Oui, c'est pas un humain déjà. Non, mais il faut arrêter de se dire que. Voilà, soit centriste, soit gauche caviar, je pense. Ouais, je pense. Il peut pas être de droite, Akbar, faut pas décoller, quoi. Bah ouais. Non, il est pas de droite, Akbar. Oui, ouais, sinon, okay. Il aurait pas rejoint la résistance. Enfin, ah, oui. L'alliance, ouais. Mm-hmm. On l'a déjà dit, la rébellion se fait et ils font la guerre par nécessité, donc c'est pas par délire du militarisme. Ouais, mais Akbar, ça reste un militaire. Oui, mais Akbar, est... oui, mais c'est fait, pas, il fait c'est la pas guerre militaire par, force, par la force des choses. Ouais. C'est pas un militaire, en mode coloniste et tout ça, c'est le militaire ouais. Où, je sais pas, il reste dans l'armée après, hein. Il était déjà dans l'armée avant, c'était déjà un militaire avant. Alors, ouais, mais quand ça comptait vraiment, il est pas resté dans une situation où du bon, moi je m'implique pas là-dedans, ouais. Il a pris un risque. Ouais, mais alors, on va se mettre d'accord. Si on le met gauche caviar, Radus, on est obligé de le mettre en anarchiste. Ou en communiste, Radus. Je vois pas qui c'est, Radus. Radus, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est le bon calamari. Le meilleur. Bah, j'ai un peu oublié, pour être honnête. Akbar, je le mettrais ouais, plutôt gauche caviar. Je crois qu'il est d'une famille aisée en plus. Hein. Oui, gauche caviar. Bon, oui, ok, non, d'accord. C'est un des nobles. Hein. Ouais, c'est un des nobles de Moncala. Palpapine. Bon, bah, Front Galactique. Ouais. On prend Palpapine. Bah, oui, Front Galactique. Oui. Le bon baiser. C'est lui le chef du front. Le bon baiser. Le bon baiser Palpatine. Jean-Marie Palpatine. Le fameux. Ouais. Pourquoi ils ont mis lui là? Putain, ils ont pris ça n'importe comment. Ça c'est Wedge. Wedge. C'est Wedge Antilles. Ah oui, oh, il est moche la photo qu'ils ont choisie de lui. Bah, il est moche tout le temps, hein, Wedge. Front Galactique. Non, mais non, pas Front Galactique, Wedge. Alors, Wedge c'est... Il est dans Rebels, et dans Rebels, c'est vraiment... tu sens qu'il déteste l'autorité. C'est un gamin, ouais, dans Rebels. Ouais. Il déteste l'autorité, et je pense qu'on peut le mettre dans soit centriste, soit communiste. Oui, parce que attention, parce que après, par contre, dans... alors oui, c'est un déserteur de l'Empire, Nemesis, LB nous dit, mais... dans Riposte, c'est le mec qui dit « Ah oui, mais je peux pas mouiller, machin, on peut pas faire ce qu'on veut. » Alors qu'il est question d'aller attaquer Jakku, et le mec, il veut pas bouger son cul. Hein. Ah oui, donc... Bah, j'aurais vu centriste aussi, alors, mais... Peut-être qu'il s'est ramolli, hein, mais... ouais, ah, mais il se ramollit tellement qu'il revient pas avant la toute fin de l'épisode, ouais. 9. Ça, c'est l'acteur. Il revient 3 secondes. Quoi. Il arrive après que son beau-fils soit mort. Donc le mec, vraiment, c'est la dernière chance. Non, à mon avis, pour l'épisode 9, il faut distinguer les motivations des personnages des mauvais choix de film, en fait. Ce qui est difficile, parce que du coup, c'est pratiquement que des mauvais choix. Non, mais ça suffit maintenant. Mais... Je connais... Après, il vient pas d'Alderaan. Ah non, mais non. C'est un Corellien. C'est un Corellien, donc c'est un riche. Parce qu'à Corellia, soit t'es riche, soit t'es un prolo. Oui, mais c'est un. Ah, remarque, ses parents possédaient une station-service dans l'ancien lore. Voilà, moi, je le mettrais gauche caviar quand même. Parce que c'est un petit. Non, riche, il n'est pas caviar. Non, il n'est pas riche. Non, il est modeste parce que. Non, parce que. Oh, non, il est centriste. Allez, centriste à la rigueur. Moi, je suis désolé. Ma mère, elle est fille. Ta mère, avec Corellia, peut-être ? Non. Ma mère, elle est fille de commerçant, mais je la mettrais quand même gauche caviar. Mais c'est juste des commerçants. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est en fait, gauche caviar, c'est vraiment des personnes aisées. C'est des personnes c'est qui gauche bof, quoi. ZUSD, alors je sais pas comment on prononce, hein, ZUSD ou pas, ou ZUSD, mais ça, il nous dit centriste parce qu'il croit à la méritocratie. Bah, c'est bien la méritocratie. Hop. Allez. Quand ça marche, t'es centriste aussi. Ah, mais t'étais pas au courant, c'est pour ça que on essaye de le virer. Hein. Moi, j'aurais dit centriste. C'est pour ça que Adrien disait on est tous de gauche plus ou moins. C'est parce qu'on a un centriste parmi nous. Donc, arrêtez. C'est le plus mais ou moins. Être, tu peux être un bon centriste. Ça existe un petit peu, je suppose. Mais juste dit que la méritocratie, c'est bien quand ça marche. Calmez-vous. Ça ne marche pas. Sauf que ça ne marche pas. En fait, il faudrait une catégorie gauche molle entre la gauche caviar et le centrisme. Ouais, ouais. Mais voilà, on ne peut pas non plus en faire 15 000. Quoi. Non, mais je pense que gauche caviar, ça marche. Parce que, encore une fois, c'est le mec qui est pote avec les héros de la rébellion. Mais qui, derrière, bof, il dit bof, pour faire la guerre, la flemme, donnez-moi mon. En fait, c'est un héros de la rébellion, et du coup, le mec, clairement. Dans l'ancien canon, Wedge, il fait la guerre à l'Empire parce que ses parents, ils sont morts dans une station de service dans l'espace. Bah, c'est pas ouf, quoi. C'est pas. Ouais, bah. Le chat. Allez, qu'on en finisse. On est sur quel perso, là? Je suis. Ah, ils sont déjà partis sur Biggs, certains, mais. Ah, d'accord. Bon bah écoutez, ils disent centriste, ils nous disent. Ouais. Hein. Biggs, moi je le mettrais un peu plus à gauche parce que il a une moustache. Et c'est lui qui pousse Luke à. Enfin, dans les scènes coupées, il essaye de débaucher Luke pour la rébellion. Hein. Mais en plus, sur Tatooine. C'est très drôle le truc de la moustache parce que moi, mon grand-père, il juge aussi les gens par rapport à leur barbe. Et si t'as une certaine barbe, t'es de gauche. Et donc, le nouveau copain de ma sœur qui a, tu vois, une petite barbe, petite moustache. Et puis, il l'avait vu, il fait oh, t'as des professeurs comme ça qui sont de gauche. Après, il faut s'étonner que ça aille pas là avec sa petite barbe. Alors, Tralvert dans le chat, il dit Biggs, c'est un anar car c'est un prolo, il a une moustache digne des poseurs de bombes de fin de 1800 et il crève dans l'indifférence comme les anars. Moi, je suis d'accord. Ok. Anarchiste, d'accord. Plus que communiste. Après, Biggs. Ah non, ceci dit, Coco, parce qu'il se sacrifie pour son meilleur pote quand même. Et pour la cause en général. Enfin, pour la cause. Pour le bien commun, quoi. Biggs, on oublie quand même que le mec, en pleine guerre, il appelle Perkins. Il lui dit, vas-y, on va en vacances, frère. Porkins, il fait, allez. Et ils vont tous deux en vacances dans un comics de Star Wars où, genre, ils tombent sur une... ils disent, vas-y, on va en vacances. Ils vont sur une planète en mode, genre, Ibiza, quoi. Paye ta politique, quoi. Genre, le mec... Non, je pense qu'on peut mettre gauche caviar. Hein, Non, t'as le droit. T'as pas, c'était communiste. Self-care, hein. Le self-care, voilà, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Ça reste un comics par rapport à tout le reste. C'est pas genre lui qui a le maillot de bain, genre maillot de bain, une pièce avec les petites bretelles. Ça fait vachement coco quand même. Ah ouais, j'avoue. Le mec, il vient direct des années 70. C'est vrai. Lui, il avait une réunion du parti comme ça. Hein. Oui, c'est vrai qu'ils font n'importe quoi. Ils se font du club de vacances et tout. C'est n'importe quoi. Communiste, je pensais bien. Pour moi, il est coco. Il est plus coco que Biggs, coco. Et vous voyez quand même comme ça se re-remplit un peu à gauche. Là. C'est bien. Il est coco, mais il glisse fortement vers la nare. Communist King, voilà. Comme Vita Vador, Communist King. Baze. Attends, mais ils n'ont pas mis Chirrut ou quoi? En fait, il est plus loin, Chirrut. Si, il est là. Ah, punaise. Mais ça m'énerve, ils n'ont pas trié ça comme il fallait. Beirut et Chase. Plus un connard. Attends. Ouais, Beirut. les deux, là. On va commencer par Baze. On adore ça. C'est ben, chaud, hein. Baze, c'est le truc préféré de Palpatine. Hein. est-ce qu'il serait pas un peu anar quand même? C'est la force, mais tranquille. Alors que lui, c'est la caviar. Alors. Alors que voilà, alors, de gauche, lui, c'est de la droite, force. Mais il rejoint une cause quand même quelque part. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ils sont un peu anar, quoi. Ouais. Ils sont un peu terroristes en plus, hein. Ils sont violents quand même, les deux. Hein. Ouais, les deux, moi je mettrais les deux anar. Ouais. Moi aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes croyances à côté, mais ils ont les mêmes convictions de liberté, du peuple et tout comme ça. Ils sont pas communistes parce qu'ils suivent pas les règles et c'est comme ça. Mais... Qu'est-ce qu'il y a, Eximnut? Non, je baille. Ah, d'accord. Qu'en pense le chat? Quand est-ce que vous pensez? Dites-nous. Va le voir parce que j'ai l'impression que la personne qui devait nous faire les retours de chat ne le fait pas beaucoup. Bah, ils disent rien là pour l'instant. En fait. Ok, d'accord. Désolé, je suis en train de le voir. Chat n'est pas. Et entre celui qui baille et celui qui suit la force et la religion. Ouais. Oui, mais son propre truc à lui. Ouais, mais alors, il faut faire attention parce que dans Star Wars, la religion, elle n'est pas du tout pareille parce qu'eux, ils ont la preuve que c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Genre alors, Chabot, il suit la force, la religion, mais il ne l'impose pas aux autres. Il est vraiment... c'est mon petit délire. Écoutez, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Puis ils donnent leur vie pour la liberté de l'autrui, comme dit Kurt. Hein. C'est, ils n'y vont pas moitié, quoi. Ouais. Pour moi, bah, vraiment, c'est plus communiste. Baze et Anar et Tirout et communiste. Ils sont, c'est ils ce sont que moins... j'avais dit, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi, Tuki, parce que ils clairement. Sont... Ils sont moins individualistes que les Jedi, d'ailleurs. Ouais. Enfin, oui, en fait, oui. Baze, ouais. Il est loyal qu'à Chirout, c'est Chirout sa religion. Donc, Mais oh, oui, mais les deux, clairement, enfin, je suis désolé, mais même, ils sont dignes représentants de la communauté LGBT sur Jedi. Ah ouais, c'est rigolo parce que les trois derniers, c'était tous les trois des persos LGBT, hein, Biggs, Baze, Chirout. Chirout est trop passionné pour être un art, nous dit Romita Vador. Je suis assez d'accord. Ouais, donc, c'est pour ça que j'avais mis Coco. Donc Coco. Charouet qui nous fait un couple anarcho-communiste, exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Beckett, moi je le mets libéral. Oui. Ouais. Tralvert, est-ce que Biggs est LGBT? Pour moi, oui. Oui, pour moi, de ouf. Hein. Avec de Big, ouf. Avec Parkins, ouais. Pour Foucault Millenio, en tout cas, c'est le cas. Du coup, est-ce que ça vous va? Moi, j'ai mis Beckett en libéraux. Libéral. Oui, mm-hmm. Beckett libéral, oui, oui. Ok. Mamie. Tant que Bérou. Ouais. Ah. Ouais, Bérou communiste, je pense. Ouais, l'ancienne 68 Hard, ouais. C'est communiste, mais voilà, elle est plus active maintenant. Par contre, Owen, c'est pas pareil, parce que genre, Owen, il dit genre, ouais, et tout, faut que le petit m'aide. Et elle, c'est genre, mais attends, laisse-le tranquille, wesh. En fait, c'est le couple Coco et Front Galactique, quoi. Non. Puis Owen, quand même, il a acheté une esclave pour l'épouser. Non. Ouais, ah non. Oui, c'est vrai que ça. Non, c'était son père, ça. C'était son père, oui, je me suis mélangé, pardon. Tiens, d'ailleurs, ils l'ont même pas dit. C'est Berrurier Noir. Alors, Bib Fortuna, c'est très rigolo parce que c'est un personnage, moi, que tu mettrais de droite. Oui. Parce que il se comporte comme C3PO alors qu'il vit dans la crasse. Et ça mais il n'est pas libéral. Enfin, c'est un mec qui a pas l'argent aussi. De droite, les... L'argent pour pouvoir. Ah, de droite. Les jours. Donc ça marche. Ben, moi, je trouve qu'il est trop prout-prout pour être juste libéral. Non, oui, il est de droite. Parce qu'en plus, il ne suit pas spécialement ses intérêts personnels. Il est à la solde de l'autre. Pour moi, il est de droite. Il essaye pas de lui faire à l'envers un petit peu par moment. Non. Bah, je crois pas, non. Non, c'est un soumis. C'est sûr, mais... C'est un soumis. C'est un pouvoir autoritaire, on oublie de droite dans le chat. Je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok, bon. Alors, vieux Boba. Bobby. Ah, je vieux. Libéral. Comme son père. Libéral, on avait pensé. Ouais, je pense que ça va. Intéressant. Alors, est-ce que avoir des relations sexuelles avec des tentacules, ça a une influence? Non, il est libéral, oui. Il a mûri un petit peu, il a oublié le côté edgy. Body. Oh, Body, c'est une bonne question. Pour moi, il est communiste. Pour moi, il a dû s'engager dans l'Empire parce que sa famille l'a poussé ou un truc comme ça. Et puis quand il a vu qu'ils allaient foutre la merde, il s'est dit « Ouais, non, ça se fait pas ». Il a sacrifié tout pour sauver la cause, aller avec des gens qu'il connaissait pas. Il a trouvé une conscience politique une fois qu'il avait rejoint l'Empire. Quoi. Ouais. Ouais, pour moi, communiste. Parce qu'il est pas caviar. Il a pas l'air de... Non, il est pas riche. Il est coco. Ouais. Communiste, je pense. Mmh. Ouais, là, on sent qu'on est passé dans les personnages un peu plus... intéressant. Là, on est dans Rogue One et c'est intéressant, hein, mine de rien. T'as vu les personnages de Rogue One, on entend beaucoup plus Tuki d'un seul coup. Non, oui, il est communiste, je pense. En tout cas, beaucoup plus passionné, ça fait plaisir. J'aime bien Rogue One. Bosque. Rogue One, c'est quand même. Ouais, bon, bah, tous les chasseurs de primes sont libéraux de toute manière. Ouais, moi, oui. Bah, alors Bosque, non, sauf... attention, Bosque, non, attention. Il est Bosque, libéral, donc... mais chez les comment on appelle ça déjà? Est-ce que quelqu'un? Les Trandosiens, les Trandoshans. Les Trandosiens, ils ont un gros passif d'esclavagistes avec les Wookiees. Il y a un gros bail racial de haine des Wookiees chez eux. Alors, droite ou front galactique? Aussi, il y a une haine de l'autre. C'est vrai, je sais pas, à droite aussi. Je veux dire, il y a quand même un épisode de Rebels où ils font une chasse aux Wookiees sur une espèce d'île. Okay, front galactique. C'est un gros délire. Hein, c'est... les mecs, ils font un safari Wookiee. Ces gens-là. Oui, allez. Il a une tranche de fasciste. Je crois que oui. Et t'aimes pas trop les reptiliens, toi. Et en plus, il a mangé son père, je sais pas ce qu'il te faut. Mais ça, il faut respecter. Mais est-ce que son père, c'est un connard ou pas? C'est Marine Le Pen. Il a mangé son père, voilà. Il faut respecter les cultures, voilà, tout ça. C'est vrai. Je crois que, alors, peut-être pas dans le nouveau canon, mais je crois qu'il y avait des bails avec Bosque, hein, pour le chat qui se pose la question. On va regarder très vite sur le wiki, ça va aller très rapidement parce que je alors moi, là, tu nous mets. Tous les persos. Tu nous mets Lando en douce chez les libéraux, moi je le mettrais plutôt chez les centristes. Ouais, moi aussi. Parce qu'il est entre gauche caviar et libéral, donc il est centriste. Ouais. Ah, c'est dur. Moi c'est clair, centriste, voilà. Il est comme son pote Solo, en fait. Il fait tout pour sa poire. Mais s'il faut aider le plus grand bien et aider les autres, il va le faire. Ceci mais dit. Tant qu'il n'est pas impliqué la tête dans sa merde, ouais. Il est plus lui carrément du côté fric. Mais et ceci tout, dit, donc, c'est vrai qu'il a toute sa station et il n'hésite pas à trahir ses potes pour sauver sa communauté. Donc est-ce qu'il ne serait pas communiste? Il fait passer tous les gens qui sont sous sa responsabilité avant ses amis. Il est peut-être Anna aussi. Non, mais est-ce qu'il y a un Lando de Solo? Attends. Parce que Lando de Solo, il est libéral. Par contre, oui, Lando de celui-ci, je pense vraiment qu'il est gauche caviar. Attention, parce qu'il a trahi deux fois, hein, quand même. C'est un retour dans le passé. Hein, anarcho-égoïste, on dit dans le chat. Anarcho-égoïste. Il peut pas être anarchiste, il est chef d'une station. Non. Dirais le jeune Lando est beaucoup plus égoïste que celui-là. Ouais. Il a pris ses responsabilités. Le mec, il est baron. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il gère plutôt. Veste, c'est pour une bonne cause aussi, c'est pour la survie de la population de la cité des nuages. Il faut pas oublier qu'après, il devient général de la résistance quand même. Donc, voilà, il faut pas oublier que il fait des magouilles contre l'Empire pour le bien de sa population, alors que ça le fout lui en position merdique, mais il le fait pour sa population. Donc. En plus, il fait de la contrebande. Tu regardes dans Rebels. Il apparaît et clairement, le mec, il déteste l'Empire. Quoi. Enfin, ah ouais, la contrebande, c'est le gros violoncelle, ça. Pour la rébellion, oui. Juste pour revenir très vite sur Bosque, il se spécialise apparemment dans la chasse aux Wookiees et il décide de capturer Chewbacca à un moment donné de sa carrière. Ouais, donc lui, c'est un connard hein, qui est très bien au fond galactique. ok, donc gauche caviar. Ouais. C'est la gauche molle caviar. Un anarchiste qui réussit et tout de suite on le traite de gauche caviar. Bah en fait, oui, alors, ce podcast déteste la réussite. Oui, désolé, hein, nous on déteste ça pour de vrai. Owen, c'est vrai, parce que tu regardes vraiment communistes et anarchistes, ils sont tous morts. Hein. Sauf Dexter. Dexter, et Jar Jar, eux ils sont toujours là. Owen, c'est le paysan de droite. Owen, il est de droite. Ouais. Il vote chasse-pêche et galaxie. Moi, je le mets front galaxie. C'est vrai qu'il est vachement raciste des comment il s'appelle. Il est raciste des Tuskens, c'est vrai. Et en plus, il lâche. Oui, mais en même temps, tout le monde est raciste des Tuskens. Donc, c'est pas. Il lâchait une meuf pour la libérer, entre guillemets, mais l'épouser derrière. Non, c'est pas lui. C'est son père. Ah oui, c'est son père. Et puis, à mon avis, voilà, Owen, le truc, c'est que tout le monde est raciste des Tuskens, donc c'est pas un truc qu'il a construit de lui-même, il suit juste la norme et tout, comme voilà. Mais il n'empêche plus qu'il est à l'académie. Qui vote pour. Il est. Remarque qu'il empêche l'Empire. Mais c'est pour ça qu'il est aussi pour sa gueule, quelque part, pour lui dire. Ah, et surtout, ouais, il n'aime pas l'Empire, hein, parce que clairement, quand l'Empire vient chez lui, il préfère crever plutôt que de dénoncer son neveu, tu vois. Bah, peut-être qu'il sait même pas où il est, son neveu, en fait. Hein. Ouais, c'est triste. Ça se trouve, il lui a dit allez voir à bosser ce nez, tu sais. Alors, je suis désolé, ZUS, mais c'est pas un mec cool, il est raciste envers tout un peuple dont la principale activité est de tuer et piller. Alors non, parce que les Tusken, ils essayent de survivre sur une planète dont on essaie de les déposséder. Alors, en plus, les Tusken, c'est eux qui habitaient là à la base, et tous les autres gens, ils ont détruit. Ils ont détruit leur planète, ils les ont foutus en exil et tout, mais les Tusken, ils étaient là... En gros, c'est les natives américaines. C'est les indigènes. Oui, c'est exactement les indigènes, hein, clairement. Donc, effectivement, ils tuent et ils pillent, mais c'est pas pour rien, quoi. Et puis, c'est comme si tu disais, oh là, ils sont pas comme nous. D'ailleurs, dans le Mandalorian, on a une autre approche qui est intéressante. Un début, donc tu vois, c'est pas. Et le Mando, il est pas raciste envers eux. Donc tout le monde n'est pas raciste envers eux. Oui, mais c'est parce que. Non, mais tout le monde, je dis la société, quoi. Non, mais c'est pas parce que toute la société est raciste que c'est justifié. Mais je veux dire, c'est pas un mec qui a construit de lui-même, il dit « Ah, moi, je déteste les Tusken », c'est juste qu'il suit une norme que tout le monde suit dans sa société. Ça ne te déplante pas, en fait. Je sais, mais c'est pour ça que je dis que je le mettrais plus à droite que dans le front galactique. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je suis pas en train de le justifier, je suis en train de le classer dans la catégorie qu'il faut. Bah, droite, ouais. Tu as juste vu les films, effectivement. Bah, du coup, oui, c'est vrai qu'ils font que ça dans le film. Mais, ah oui, c'est vrai, on peut pas t'en vouloir. Ils se défendent un petit peu quelque part, je pense. Hein. Donc, regarde Mandalorian. C'est plutôt cool, même si moi, après, on ne plus après sur la danse sur les Tusken, mais il y a un petit truc. Ouais. Moi, j'aurais dit de droite. C'est un réac. C'est juste un gros réac. Oui, voilà. C'est juste un mec qui se pose pas de questions. Il suit un peu tout ça. C'est vrai qu'il va pas directement attaquer les Tusken. C'est un vieux con, en fait. Et c'est mon grand-père paternel, simplement. Quoi. C'est... Enchanté. C'est ça. Cassian, bon, bah, lui, c'est un résistant depuis ses 6 ans. Mais il a combattu la République et après l'Empire. Moi, j'aurais bien À quel moment il s'est battu contre la République? Bah, quand il avait 6 ans. Ouais, mais genre, il était avec les séparatistes. Il a grandi sur une planète séparatiste. Ouais. Ah, je savais pas. Trop passionné pour être un art, c'est vrai. Je suis d'accord avec. Ouais, c'est un communiste, oui. Oui, c'est un communiste. C'est un politicien, voilà. Les anars, ils font pas de politique. À côté, sont. Bah, si. Non, les anars, eux, ils sont là pour leur. Ils s'occupent d'eux, voilà. C'est pour ça qu'ils croient pas en l'organisation, la hiérarchie. Tarful, c'est pour ça qu'il est anarchiste, parce qu'il. Bah, à ce moment-là, elle serait peut-être mieux dans communiste. Bah non, parce que anarchiste. Non, parce que tu peux avoir l'aspect anarcho-communiste, parce que tu peux être pour le partage des biens et tout ça, mais pas avec l'autorité en place et pas avec une autorité suprême. Oui, c'est ce que je veux dire. Que ces méthodes aussi font qu'il est un peu trop extrême pour. Enfin... Non, justement. Ouais. T'as les anars individualistes, mais t'as aussi les anars plus communistes, plus. Pourquoi on débat là? Il est anarchiste, hein. Oui. Non, il est communiste, vraiment, à côté. Non. Mais il bute des gens de sa propre communauté. Oui, mais il est envoyé pour tuer Saw, qui, selon la rébellion... On parle pas de Saw, hein, on se parle du mec au tout début. Non, je sais bien, mais pour le coup, Cassian est envoyé pour tuer Saw, alors que clairement... C'est vrai qu'il est trop dédié à la cause pour être communiste, parce qu'il suit les ordres. Oui, c'est ça. En fait, il n'y a qu'à la fin où il décide de pas... Saw, pour moi, c'est le vrai anarchiste. Oui, il ne peut pas être vraiment anarchiste parce qu'il suit toujours les ordres. Et c'est ce qu'il dit, il se plaint de ça. Il fait « Moi, on m'a dit de tuer les gens depuis que j'ai 6 ans et je le fais à chaque fois parce que c'est pour la cause. » Donc c'est vrai qu'il ne peut pas être anarch parce qu'il suit les règles à fond. À côté de ça, t'as Oui, non, il est plus dans la case du dessous, effectivement. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on manque de cases rigop, mais on pouvait pas en faire 15-20 des trucs. Ouais, oui. Ouais, j'avais essayé. C'est pas un traité de science politique. Encore une fois. Bah, tiens, on peut prendre Saw maintenant, si tu veux. Comme ça, je vais pouvoir expliquer les différences. De quoi? Saw. Prends Saw. Saw d'abord. Ouais. Alors, Saw. Bah, Saw est anarch. il est anarchiste. Bah ouais. Parce qu'il se bat pour la résistance, mais de son point de vue à lui. Oui, c'est pas ça. Et surtout, le mec, il fait clairement des attentats. Enfin, il est full anarchiste. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est de la résistance qu'il met, de la résistance tellement vénère que même les communistes, ils se disent, ouais, c'est chaud quand même ce qu'il fait lui, tu vois. Bah, il est. En plus, voilà, la résistance s'est un peu désolidarisée de lui parce qu'il n'écoutait pas les directives de la résistance. Ouais, mais c'est un vrai anarchiste. Voilà, parce qu'il se dit. Mais est-ce que c'est un anarchiste ou c'est juste un mec qui aime pas trop qu'on lui dise, qui aime bien avoir le pouvoir et qui aime pas trop qu'on lui dise quoi faire? Ah, c'est une bonne question. Je pense pas que le pouvoir l'intéresse. Non, il n'est pas intéressé par le pouvoir. Clairement, il vit pas dans le luxe. Non, non, il est vraiment à fond pour la cause, mais pour lui, il y a une certaine façon de faire la cause pour que ça bouge. Et pour lui, la résistance bouge pas assez. Et c'est pour ça qu'il fait ses attentats, qu'il fait ses trucs de son côté. Mmh, ouais, non. Ok. Tu vois, c'est cet exemple d'anarchiste politique. Ok. Je suis en train de remettre un peu d'ordre là-dedans parce que ça a été foutu n'importe comment en fait. Ah, ils ont oublié. Mince, comment il s'appelle. Du coup, on retourne un peu vite fait et il y a CEO Beeble qu'on n'a pas fait, le conseiller sur Naboo. Il y a pas de droite. Gauche caviar. Ah, ouais. Ouais, gauche caviar. Ouais, je sais pas. Bah, lui, il respecte la hiérarchie, mais on sait pas trop ce qu'il pense. Bah, centriste du coup. Le mec, il prendrait le parti de que le peuple meurt de faim quand il est occupé par. Ouais, c'est vrai. Par la fédération. Alors, Rigob, c'est un des conseillers, je crois, de Nabila. La... Tout à fait. Ça se trouve, il est communiste et en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on le voit pas assez. Ouais, lui, c'est chaud, lui. Ouais, c'est... ils ont mis dans le dos centriste, comme tous les personnes de Star Wars, par défaut, ils sont centristes. C'est un collabo d'Hitra de Vert. Bah, je crois qu'il se plaint mollement, mais il ouais. Il se fait menacer par. Bon, on va le mettre centriste. Je crois, Gauchkov, que de la prélogie, il y a encore Zamoiselle aussi qui traîne dans la main. Attends, alors moi j'essaie de chercher. Ah oui, il y a Zam, oh la vache. Zam, il y a Taonui. C'est qui ça? Taonui, c'est une Kaminoan. C'est quoi, on n'est pas obligé de les faire. Ceux du bout là, on n'est pas obligé de c'est les faire. C'est des libéraux. Bah si, on les fait. Quoi. De toute façon, Taonui, on les fera libéral. Ensuite, est-ce que on fait Zam alors? Faisons Zam. Bah, Zam, c'est libéral. Tenui, c'est libéral. Non, tu veux pas faire Jin, toi hein. Tu l'as si, mais si, justement, j'en ai marre de... Okay. Naboo humain, tu peux pas être mieux gauche caviar. C'est clair, c'est tous des bourges, oui. Alors, gauche caviar ou centriste alors? Bah, gauche caviar. Allez hop. Et Kurt qui dit, purée, vous connaissez le nom de tous les persos secondaires, c'est ouf, même le réalisateur, il en sait pas autant. Oui, ça c'est vrai. Oui, je me fais peur. Ça arrive des fois. Tonoui, là, bravo. Hein. Mais ils le disent dans le film. Oui, mais tu crois que je retiens tout ce que c'est je dis ce dans le petit, film. C'est même ce petit Hux de Boba qui dit, papa, c'est Taonoui. Enfin, regardez ouais, mais les voilà, films, ils le disent une fois. Non, vous êtes balèze. Grushkov, alors, Jin Erso. C'est les films. Les non, répliques. Vous êtes, donc, non. Vous êtes juste balèze, c'est tout. Jin. Jin. Fond galactique. Anar. Non, ben non. Bah, c'est pour sa pomme. Ah, si, voici, elle a été élevée par Perso, elle est Anar. Bah oui. Bah, ouais, elle est Anar. Elle est Anar, ouais. C'est bien la fille de son père adoptif. De son deuxième papa. Vois, juste 10 minutes, pour le coup, tu vois, pour le coup. Elle est anarche, mais sans être autant politisée que ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il y a un être refus d'autorité chez elle aussi, comme dit... Ouais, c'est ça, elle est anarche parce qu'elle refuse l'autorité, et ça, il est anarche parce qu'il refuse l'autorité dans un but politique, en fait. C'est ça le truc, c'est que ça, pour lui, la résistance, ils font... Enfin, la rébellion, ils font rien, tu vois. Il y a même la danseuse Twi'lek dans l'épisode 6, là, mais les mecs, ils sont fous, quoi. Ouh, tu veux dire oula? Ah, ben, putain, vous êtes trop forts. Je continue de trier, mais pendant ce temps-là, on passe à Galen Erso. Et Kurt qui dit Hux égale les incels PPISU abonnés à Sardoche. Oui, c'est ça. Oui, c'est Galen ça. Galen Erso, c'est un peu Albert Einstein en fait. C'est le mec qui voulait juste faire la science et puis il s'est fait récupérer par les. Par moi, les militaires. Je mettrais Coco aussi. Ouais, c'est trop un héros d'avoir réussi à foutre un tout petit trou de merde, mais c'est quand même un trou qui était important. Peut-être un peu gauche caviar quand même, parce qu'il avait un rôle dans l'Empire. Il avait un certain grade. Mais il s'est barré. Oui, mais il l'a utilisé pour... Oui, mais justement, c'était un mec de gauche caviar dans un milieu de fascistes. Donc pour eux, c'est un communiste en fait. Je suis d'accord, je suis un peu d'accord avec Zimut. Surtout que le mec, il est clairement pas. D'un point de vue financier, quand tu vois des espèces de flash, que ce qui aurait pu arriver, tu vois, où en fait tu le vois lui avec Jean dans les quartiers d'Étoile Noire. Enfin, en fin de vie, il était communiste. En fait, il a commencé gauche caviar, et puis quand il a commencé à devoir faire le boulot contre son gré, après avoir perdu sa famille, il est devenu full coco. Ouais. Il a préféré faire fermier que participer au bordel, dit Rigop. Romy Cavanaugh dit qu'il a été forcé d'avoir son caviar. Pour moi, il est plus que coco que gauche caviar, parce que gauche caviar, ça implique qu'il n'ait rien foutu. Il a quand même pas mal fait c'est de choses. C'est ce que je disais aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Il a réellement agi, il n'a pas fait que dire qu'il voulait agir, quoi. Okay, okay. Voilà, c'est pour ça que je le mets coco, moi. Ouais, bah t'as raison. Ouais, vous avez raison, je pense qu'on peut mettre coco. Ok. Bail Organa, gauche coco. Caviar. Ouais, gauche caviar, ok. Ouais. Gauche caviar, Bail, ouais, oui, clairement. Oui. Mais la vraiment. Bah comme les gars, celle qui agit. la bonne gauche caviar. Oui, Rigop me dit sans prix. C'est une paye. En fait, c'est pas la gauche caviar de. De juste par rapport à Bail, c'est pas la gauche caviar. Il a quand même rejoint il aide quand même l'Alliance Rebelle. Oui, c'est ça. En fait, c'est la gauche caviar, genre. Ils font genre. Comme Leia qui bouge son cul, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. C'est un peu comme. C'est un peu comme. Comment il s'appelle Newt Gunray l'ancien maître d'Anakin, j'ai oublié son nom. Watu, voilà, qui sont dans la même catégorie, mais c'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est pas le même, tout à fait le même truc, mais c'est. Pour revenir à Galen, qui cette US nous dit, eh ben, ce compte-là, Galen, il est aussi anti-autorité. Oui, ouais. Mais il a quand même un rôle. Bah non. Mais il y a une recherche du bien commun chez lui aussi quelque part. Oui, il est plus coco que Anar parce que. Il y a des valeurs vraiment, je pense qu'il. Il fait quand même son taf. Anarchiste, s'il se serait buté. Ouais. Ou alors il aurait fait sauter le complexe de recherche, quoi. Il aurait fait Il aurait été un art, il aurait pas eu une carrière comme ça. Oui, non, c'est pas opposé au bien commun, l'anarchie, je dis pas, effectivement, mais. Ah, bien sûr. Hein. J'aurais vu un truc un peu plus. Bah, c'est plus radical, quoi, pour moi. Plus radical, plus bordel, peut-être plus. Genre, vraiment, le mec, il aurait pas hésité à tuer. Enfin, comme tu dis, à faire péter le complexe, quoi, clairement. Bah, surtout que là, il défend, il protège, entre guillemets, ses collaborateurs quand il se fait confronter par Krennic. J'espère que vous appréciez ce qui se passe sur l'écran. J'aime beaucoup. Je sais pas. Mais je pense qu'il aurait plutôt fait sauter tout le complexe. Oh, subtil, subtil. Ok. Ouais, puis toute manière, ça peut pas être parfait. Hein. Faites votre propre tier list après l'émission, hein, comme ça on peut comparer. C'est ça, Travers a bien résumé. Galen aurait tué Krennic day one s'il était Anna. C'est vrai. Donc, là, ce personnage, j'ai oublié qui c'était. Non, laisse-le, Coco. On était tous d'accord, Coco. Ok. Bon, bah, alors faut qu'on. Il y a Motma et il faut bien qu'on la défonce bien. Ah, mais c'est Motma jeune. C'est Motma, okay. Mais c'est quoi cette question? Non, mais c'est Motma en général. Ils ont mis que. C'est Motma. Alors en plus, c'est celle qui a été coupée au montage dans l'épisode 3. Donc, aucun respect, quoi. Bah, oui, c'est. Alors, Rigop nous dit. Fandrilène. C'est les riches, hein, Fandrila. C'est pareil que Alderaan. Ah, ouais, non, c'est pété de thunes. Ah, mais oui, bien sûr. Moi, j'aurais bien l'avis de Rigop qui était chaud sur Mon Mothma tout à l'heure, qui nous dit libéral. Je voudrais bien savoir pourquoi. Bah, après. Si elle était libérale, elle ne ferait pas partie de la résistance. Mon Mothma, est-ce qu'elle n'a pas un petit côté Manuel Valls dans le sens où. Elle voit qu'il y a l'opportunité d'avoir du pouvoir à un endroit et elle y va parce que c'est plus facile ici. Alors, je ne suis pas d'accord parce que justement, elle laisse tomber tous ses privilèges quand elle est à la tête de la galaxie après. Hein. Ah bon ? Et puis, ça la fait chier que les gens meurent pour la cause, hein, clairement. Après, quand il y a la Nouvelle République, c'est elle la chef, mais elle va pas jusqu'à la fin de son terme, elle laisse tomber. Et ça fout la merde d'ailleurs, mais. Ouais, gauche caviar. Gauche caviar, ouais, c'est bien. Oui. K2SO. Alors, juste rapidement pour Mon Mothma, Rigop, il nous dit que libéral, parce qu'elle a fait la Nouvelle République, ce régime tout pourrave qui a permis l'émergence du Premier Ordre. Oui, mais elle a aussi démilitarisé la Nouvelle République. Ouais, moi, justement, les problèmes sont arrivés parce qu'elle n'était plus là. Et Tralverte, pour te répondre, elle était sénatrice au début, avant l'Empire. Avant le début de l'Empire, elle était déjà sénatrice. Dans cette scène, notamment. Parce que c'est pas parce que le, c'est pas parce que la Nouvelle République a merdé plus tard que c'était une mauvaise idée de le faire à la base. Oui. Elle a essayé, en tout cas. Non, ça mais gauche caviar, ça me paraît pas trop mal. Oui. C'est ça. Un peu de la gauche molle, la gauche qui croit que ça va marcher avec le système. Oui, voilà. Voilà. Et qui finalement comprend pas vraiment ce que c'est les problèmes des gens parce que ils les ont jamais vécus en fait. Ouais, elle a même pas participé à la guerre en fait. C'était juste une fête. Bigum qui répond, c'est De Gaulle du coup. Oui, c'est un peu un De Gaulle. Ouais, ouais, ce que je suis en train de me dire. Alors, De Gaulle, c'est pas de gauche alors. Non, mais. Mais dans l'esprit. Résistance, tout ça. Ouais, non, gauche caviar, c'est bien. Gauche caviar, on sait bien. On passe à K2SO maintenant. L'anarchiste. On nous a dit, il est programmé pour être coco. Comme il insulte tout le monde, c'est un anarchiste. Non, moi je dirais que c'est un anarchiste. Il y a un refus de l'autorité chez K2SO quand même. Bah oui. Cassian. Et voilà, il a juste son pote quoi. C'est son pote, c'est pas son chef, Cassian. Non, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça qu'il écoute Cassian, mais même quand il écoute Cassian, quand ça lui arrive d'écouter Cassian, il fait quand même comprendre que c'était pas sa décision. Ouais. Je fais ça parce que Cassian m'a dit de le faire. Ouais, il est quand même anard, hein, je pense. Ouais. C'est pour ça que c'est un des meilleurs droïdes. Bah tiens, les deux meilleurs droïdes, comme par hasard. Ils sont anards, comme par hasard. Ils sont anards. Ah putain, j'ai trop hâte d'être à Dio, j'ai un truc génial sur lui. Krennic. Front. Moi je dirais ultra libéral, mais après c'est vrai, mais ça se rejoint, c'est pas de problème. Il est chef dans une organisation fasciste et tout, donc carrément t'as pas besoin d'air fasciste. Ouais, mais il y est pas pour le, alors c'est pour il ça est que là c'est pour compliqué le pouvoir, il y est pas pour le... la politique, il y est pour le pour la fame. Pour la oui, fame mais et le pouvoir, il est là pour le pouvoir, en fait. Ouais. Il est pas là pour l'argent. Il est prêt à détruire des planètes pour ça, mec. Il est fou. C'est pour ça que je le mettrais de droite traditionnelle ou libérale. Non, il est front. Il est front. Et son meilleur pote, Starkin. Bah, front. Front aussi, ouais. Ouais. En fait, je pense que c'est rigolo, qu'on peut les mettre front. Radius. Tralverk, il me dit que Krennic, c'est plus droite. C'est un peu comme... Quelle idéologie. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, mais je suis pas d'accord parce que je suis à peu près sûr que Krennic est très classiste et méprisant. Ouais, mais aussi et puis. Bah, je sais pas. Regardez ce qu'on a mis dans la droite. Je les mettrais pas dans les mêmes catégories que ceux qu'on a mis dedans dans la catégorie plus extrémiste. Ouais, quand même. Plus extrémiste que Cody, plus extrémiste que Bosnas. Plus extrémiste qu'Owen. Non, Eckert, il n'y a pas les personnes mandaloriennes, je crois, dans la liste. Hein. Non, alors il n'y a même pas Ahsoka. Mais en fait, on va prendre... J'ai un truc pour vous plus tard. Vous allez voir ça. Radius, moi, je le mets Coco. Ouais. Je ne connais pas assez Radius. Pas pareil, ouais. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais apparemment, il était maire dans le canon. Petit maire de patelin paumé. En fait, c'est littéralement le maire qui, Bonne Calamari. Qui a soulevé et radicalisé toute sa ville, quoi. Du coup, t'es gauche. Ouais. Moi, je le mettrais Coco. Ouais, parce que il a plus de conviction encore qu'Akbar. Parce que Akbar, il est considéré comme étant le penchant moins extrémiste que Radius, exactement comme So avec tout le reste. Quoi. Radius, il est encore moins extrémiste que So, mais il est très convaincu. Oui, il est coucou à fond. Voilà. Bah, c'est pas pour rien que c'est un des premiers à se pointer sur... Le premier. Oui. Sur Scarif, parce qu'il était chaud patate. Il est parti avant d'avoir l'ordre. Rien à foutre, j'y vais. Alors que l'autre, à part dire oh, it's a trap, c'est du cul, là. Non, dans la novélisation de The Last Jedi, on a le longtemps. Point de vue interne de Akbar, et c'était plutôt rigolo à lire. Et il se dit merde, mine de rien, Maradu, c'était meilleur que moi. Mais il parle de vaisseaux et de trucs navals et tout comme ça, mais c'est un gros nerd des vaisseaux. Radius, en plus, c'est en le plus. Vaisseau qui porte son nom. Qui fait la manœuvre d'Holdo. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, point en plus pour lui. C'est le Radius. C'est le Raditz. C'est le Raditz, il s'appelle le Raditz. C'est vrai, j'avais pas fait gaffe, mais c'est trop bien. Putain. Mais oui, c'est génial. Vous vous souvenez quand le canon, il était consistant et il était super cool à suivre? Mais en vrai, il est encore consistant, mais si non, mais en vrai, ça va. Bah, tant que t'oublies un des films, ça va. En vrai, c'est assez facile à faire des fois. Oui. Enfys Nest. Bon, bah, Enfys Nest. Anar. Coco. Ouais, direct, ouais. Hein, direct. Non, Coco. Coco. Bah ouais. Il... Elle est Coco, mais elle suit pas les règles. Enfin, c'est ses propres règles à elle. Mais c'est une oui, pirate, mais elle est coco. Genre, c'est le... enfin, pour moi, elle est coco. Non, mais moi, elle je suis plutôt d'accord coco, avec Adrien. Il ouais, y a le côté. C'est une petite oui, organisation. Ils sont pas non plus. Oui, c'est pas une armée, c'est pas l'Alliance Rebelle. C'est pas parce que t'es anar que tu peux pas être coco, mais elle est du penchant anar parce qu'elle suit son propre truc, elle a créé son propre truc. C'est ça. Et surtout, elle aide les peuples, en fait. Genre, c'est pas plus anar que les pirates, oui, c'est vrai. Mais... Oui, c'est vrai. Et les gens tout petits. C'est les pirates, c'est littéralement l'anarchie. Bon, allez, bah anar. Oui. Anar. Et puis en plus, elle est géniale. Donc, Oui, elle est géniale. En tous les cas, elle est géniale. Il n'y a pas de case géniale. Qu'est-ce que t'as fait? L'autre penchant. Libéral. Libéral. Bah, c'est même pas par choix, la pauvre. Hein. C'est juste pour survivre, quoi. Ah, bah ouais, c'est une self-made woman. Moi j'aurais mis droite, mais ouais. Non, parce qu'elle le fait pas par conviction. Enfin, alors, pour le coup, elle fait vraiment ses trucs pour survivre. Et ben, si elle peut survivre en étant riche, c'est mieux. Alors en plus, elle peut pas être de droite parce que je te rappelle qu'elle laisse sa place à Chewie quand elle voit qu'il est plus capable qu'elle. Alors qu'elle est blanche et que lui, c'est un animal. C'est vrai. Donc on peut pas aller ça, trop loin. C'est la difficulté d'être une femme dans la galaxie, alors que les mecs incompétents, ça leur pose pas de problème de continuer. Mais bah oui, regarde. Il y a pas que dans la galaxie. Oui. Après, elle veut soulever les esclaves sur. C'était l'idée. Kessel. Kessel, ça la dérange pas non plus. Oui, c'est ça en fait. Oui, mais ça l'aide dans son objectif. Elle le oui, fait voilà, pas. Pour moi, elle est juste libérale. Enfin, oui, elle est libérale. Ouais, là, on arrive sur deux personnages un peu moins. Bon, moi, je mettrais. Là, c'est pas gentil. On verra ça dans Solo 2, enfoiré. Après, on a mis Beckett en libéral. Hein. Ouais, mais voilà, Val, elle se tue. Ouais, est-ce qu'elle suit pas plus le groupe Beckett? Elle suit Beckett, elle suit pas le. Ouais. Clairement, il me semble que dans le film, ce qu'elle veut, c'est que Beckett et elle, ils prennent leur retraite quelque part et qu'ils fassent leur petite vie avec leur potager. Donc, elle est plus à Nard. Alors, elle, c'est Val. C'est Val. C'est nom de famille. C'est Val. C'est Val et je sais plus Skywalker. Son nom. Il n'y en a pas d'autre, je crois. Val et Val. Non, c'est juste Val et c'est un peu la meuf de Beckett dans Solo. Non, elle est anarchiste. Tu peux pas la mettre au même niveau que Beckett. Elle se sacrifie littéralement pour un groupe avec des gens qu'elle connaît pas et Beckett ouais, non, lui retourne sa veste. Pas pour le groupe parce qu'elle sait qu'elle est morte. Sacrifie pour Rio et pour son mec. Enfin, c'est. Elle sait qu'elle est morte. Beckett, hein. Elle sait mais qu'elle elle est morte. Pas de personnalité vraiment. Ouais, moi, elle est libérale. Après, elle fait partie d'un groupe de mercenaires à la base, donc on peut dire qu'elle est libérale quand même. Quoi. Ok, ouais. D'accord. Ok. Rio. Bah, Rio, pareil. Hein. Rio, pareil. Oui. Okay. Hop là. Par contre, il est joué par Jon Favreau. Alors, du coup, est-ce qu'il ne serait pas plus anar? Non. Alors, comme normalement, il y a. Comment il s'appelle Warwick Davis, mais qu'il n'y a pas son personnage là. Comment il s'appelle Wicket. Non, bah là j'ai mis Wicket justement à la place de Weasel. Donc Wicket, Zadis, anarchiste, hein. Voilà, donc on est tous d'accord. Hop. Mais que ce soit lui ou Weasel, hein, c'est les mêmes. Hein, oui, bah oui, c'est pour ça que je l'ai mis en... Ça se trouve, on ne sait pas, mais Weasel, c'est juste Wicket qui s'est rasé. Hein. Rigob qui dit il mange des gens Wicket. Oui, je pense que oui. Mais vous voyez, je pense il mange des Stormtroopers. J'aime bien qu'on aime bien Solo parce que là on arrive à L3 et c'est pareil, c'est une anar. Oui, oui. Et là dans Solo, on a déjà dit trois personnages anar sur. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'elle est anar vraiment L3? Elle veut foutre la merde, libérer les droïdes. Le pouvoir au robot et tout. Enfin, genre, mec, c'est littéralement elle qui déclenche une émeute. Elle écoute personne, elle n'écoute même pas ce qui est censé être son propriétaire. Hein. Ouais, bon, j'aurais dit Black Bloc, mais on n'a pas ça. Dans... C'est un peu anard, hein. On n'a pas une caste auto, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très drôle parce que du coup, le faucon Millennium, il a trois, en gros, intelligences artificielles. Et R2, il aime bien parler avec les trois. Et en fonction de laquelle il parle, il aime bien faire des trucs. Il y en a une avec laquelle il fait que des blagues de cul. Il y en a une avec laquelle il fait des ragots et potins sur les gens qui sont dans le faucon. Et l'autre, il lui parle pas trop parce que je sais plus quoi, parce qu'elle est trop technique et lui, ça le saoule. Il a juste envie de se marrer. C'est dans quoi ça? Ben, la novélisation de la Jedi. Oui. C'est trop bien en vrai. Mais lisez-la, il y a vraiment plein de trucs comme ça sur plein de persos. C'est très, très drôle. C'est super. Moi, quand je le lisais dans le train, je prenais en photo le livre et j'envoyais ça à Grushkov parce que je me marrais trop. Ouais, c'est vrai. Libéral, hein, clairement, on n'a pas dit. Mais... Le jeune Lando. Le jeune Calrissian. À fond, ouais. Ouais. Qu'est-ce que je dis ? Lobot. Alors là. Je pense pas, c'est hors catégorie, ça, un peu. Que le bot, on foutrait pas un peu. Ouais. Voilà, donc le bot, on le met à la fin. Hop, on va voir ailleurs. Il paraît qu'il y a un super comics qui est centré sur lui et Lando, je l'ai pas encore lu. Pour moi, je pense qu'il est à gauche, mais voilà, on s'en fout. Là. Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il a fini avec ce truc sur la tête? C'est lui qui a décidé ou on l'a forcé? Je suis pas sûr. Justement dans le comics, mais je suis pas sûr. C'est un mec qui a fait un jour un stream de Sardoche, il s'est dit je vais être plus gros cerveau que lui. Il a fait greffer un truc. Je trouve qu'il est juste sourd et c'est les appareils auditifs de leur monde. Hein. Dryden Vos. Droite ou libéral? Moi je l'aurais bien mis droite parce que c'est le. Il a commencé libéral, mais là il a pris goût au pouvoir et tout, ouais. Et à mon avis, ça l'a fait un peu virer à droite. Ouais. Non, il est droite ce mec-là. Ouais. Droite. Je suis d'accord. Attendez, mais Maul, on l'a. Ah ouais, Maul, on l'a mis libéral. Ok. Hop là. Même Maul, c'est compliqué. Alors, là, on arrive au seul personnage dont on connaît la. la politique. Ah bon, grâce au Visual Dictionary de The Rise of Skywalker. Ça va nous faire mal. Libéral ou centriste. Mais là, pourquoi? Là, c'est à cause du canon. Alors, c'est pas notre faute. C'est le canon où, en gros, il me semble, dans le Visual Dictionary de Trost, hein, c'est bien ça. Il est ni de gauche ni de droite. Voilà, il dit « Oh, moi, je prends aucun parti, je suis ni de gauche ni de droite. » Donc, voilà. Donc, ils en ont fait libéral, comme ça, il est avec les autres chasseurs de primes. Ne nous en pas, Rigop, hein, c'est pas notre faute, c'est le canon qui dit qu'il est ni de gauche ni de droite. Tu peux remercier JJ et Cristerio, c'est Cristerio. Oui, bah oui. Non, mais ça fait mal au cœur, on peut pas faire ça. Et pas vous, Hidalgo aussi, c'est lui qui a écrit ça. Bah, ils l'ont coécrit, c'est le seul qui a pas été écrit que par. Ah putain, d'accord, oui, merde. Bah, oui, vraiment... bah ça fait mal, je sais bien, les gars. Mais... Et en vrai, Chewie, alors. En vrai, pour de vrai, si on efface le dernier canon, c'est un coco. Si on est entre nous, c'est un coco, oui. Clairement. C'est un communiste, en effet. En plus, il est vegan. Il devient vegan dans le 8. C'est canon. Non, c'est même pas canon non plus. Mais c'est le mec qui mange du bacon et puis il voit plein de cochons mignons. Il fait ok, je les adopte et puis j'arrête de bouffer du bacon. C'est un coco qui s'ignore, qui se renie, qui. Oui, c'est ça. C'est qui se voile la face. Grido, les enfants. Bah, libéral. Libéral. Libéral hein, de toute façon, les chasseurs de primes. Voilà. Hop. Plutôt mort. Bébé Solo. Jeune Solo. Les gars, il dit Grido, les affaires sont les affaires. Je dirais, pour le coup, lui, c'est un vrai prolo communiste à la limite. Jeune Solo. Ouais. Ah bon, c'est vrai que surtout, il grandit dans les usines. Ouais. Son père, il était aussi c'est germinal. Son père, il bossait sur un chantier naval. Il fabriquait des YT 1300. Son fils a grandi dans le caniveau. Recueilli par une espèce d'exploiteuse voleuse mafia. Voilà. Et il essaye de s'en sortir. Je n'ai pas envie de dire qu'il soit libéral dans Solo. C'est vrai, ça ferait mal. En fait, il devient libéral. C'est peut-être le gamin qui a des envies de vivre dans un monde libéral alors que son cœur, il n'y est pas du tout. Il est communiste et puis après, il a toute la désillusion et il devient anarchiste parce qu'il se dit « bon, bah, ça sert à plus à rien, moi je suis plus aucune règle, en fait, voilà. Il aurait fallu 4 Solo parce que il est communiste, il devient libéral et puis après il devient un art. Ouais. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Et puis en plus, il file les trucs à Enfisness, donc il est gentil. Pour moi, il est plus coco Solo. Comme son meilleur pote Chewie. Sinon, j'aurais pas pu apprécier le film autant que ça, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Il est déserteur en plus. Oui, il est déserteur. Il rejoint l'Empire juste pour survivre, donc ça compte pas non plus. Et puis justement, il y a jeune Lando qui est libéral, et on voit quand même, il y a une différence, ils sont pas dans la même attitude. C'est clair. Puis il aide une fitness, donc en plus. Ouais. Vieux Solo. Vieux Solo. Anarchiste aussi. Moi, Vieux Solo, je le mettrais. En fait, Vieux Solo, c'est différent parce que il commence anar et il revient en fait. Il fait une boucle. Finit coco. Bah, remets le coco du coup. Je le remettrais coco parce que à la fin, il décide de faire le. Ouais, mais coco. Je te rappelle qu'il fait la leçon à Finn par rapport au fait que la galaxie compte sur eux et qu'ils sont pas là pour penser qu'à leur gueule. Il a eu un petit passage gauche caviar en plus. Ah oui. Ouais, mais il l'a mal vécu du coup, il est. Ouais. Mais voilà, il a. Coco chill, hein. Il a un bel arc parce que du coup, à la fin, et ben, il revient quand même du côté de ses fonds. Sherwood qui nous dit gauche caviar vieux. Il a eu une période. Mais il a jamais été riche en vrai, en plus. Il a pu être un peu gauche caviar quand il a vécu. En vrai, si tu prends dans Bloodlines, dans Lien du Sang, il est un peu gauche caviar. Le mec, il sponsorise des courses de vaisseaux. Il en a rien à foutre. Non, mais voilà, qui aurait pu deviner Han Solo meilleur perso, quoi. Et dans le fait que. Non, mais c'est vrai. Merci les nouveaux films, franchement, ils nous l'ont bien étoffé. Même Tross. Même Tross. Ouais, c'est le seul qui a à peu près réussi. C'est qu'ils n'ont pas massacré. Si j'avais su que ce serait mon personnage préféré à la fin de la saga. Non, mais c'est ouf, hein. Franchement, ils ont vraiment fait un beau truc en rajoutant en plus Solo. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais je trouve que ça. Ah, pour moi, Solo, il rajoute pas mal de trucs. Bien joué. Et moi, je trouve ça super rigolo, justement, Solo. On l'avait déjà dit quand on avait fait l'épisode dessus, mais je trouve ça très rigolo que les seuls trucs dont le mec il se vante, c'est arrivé tous dans le même moment. Ça veut dire qu'il a eu une vie tellement merdique que les seuls trucs dont il est fier, c'était ce petit truc-là quand il a commencé à gagner sa liberté, tu vois. C'est vrai. Kylo, c'est un Hux, hein, faut avouer. Ben, le problème, c'est qu'ils ont mis Kylo, ils ont pas mis Ben Solo, donc Kylo, je peux mettre Hux. On a qu'à dire Ben juste après, mais il faut quand même avouer que Kylo, c'est un Hux, quoi, c'est un frustré. Après, on rappelle, Kylo Ren, qu'est-ce qu'il fait? Il est féministe. Il tue lui-même que des vieux. Il tue que des vieux blancs, des vieux mecs blancs et de plus en plus riches. Certes, mais c'est un puceau frustré quand même. Il est fan de son grand-père fasciste. Au début, évidemment. Après, il faudrait plus. T'as raison, il faudrait plusieurs personnages en fait. Il faudrait les découper en plusieurs. Salut Disca. Hux, c'est la catégorie des incels en fait. C'est la catégorie des PP manga abonnés à Sardoche. Oui. Un peu edgy. Mais ça fait un peu chier qu'ils aient mis Il massacre l'immobilier d'Irigop, oui effectivement. Non, c'est un Hux, hein, faut reconnaître, c'est un Hux, hein. Ouais. Mais c'est juste que c'est mal foutu quand même, quoi. On peut pas éditer, on peut pas rajouter des trucs nous-mêmes manuellement, non, c'est pas possible. Je crois pas que je puisse rajouter un asset. Mais t'as qu'à dire que le mec là, avec lui là, c'est. Lobot, c'est Ben. Voilà, on a qu'à dire. Voilà, il a même pull à la fin du film. Voilà, après, alors, ceci dit, même Ben Solo, moi je le mets gauche caviar. Hein. Oui. Bah ouais, il y a de ça, ouais. C'est le gosse de riche. Et tout, mais c'est quand même un gosse de riche, prince et tout. Donc, de toute façon, ça va pas mieux que gauche caviar. Lobot, quel personnage complexe. Lo Ben Solo. Ok. Ray. Encore un personnage qui n'a pas de conviction politique, et du coup c'était con de la mettre en trio avec des personnages qui ont des convictions politiques au lieu de mettre, je sais pas moi, Rose qui elle en a. Mais Ray, un personnage qui est... Anna ou Coco. Redémerdez-vous, j'ai pas envie de réfléchir là. Moi non plus, ouais, ça me fait mal au cœur même. Ray chaud. Centre nul, nous dit Charles. Ouais, Ray, c'est une... En fait, le problème, c'est que voilà, maintenant, c'est quoi le personnage de Ray ? C'est la meuf qui devient tous les Jedi, donc totalement centriste, en fait. Ouais, en fait, elle est... le problème, c'est qu'elle est juste en quête d'identité. Au fond, la résistance, ça s'en branle. Ouais. Mais c'est justement pour ça que c'est... Mais vous voyez, c'est... Exactement, on peut parler. En fait, hein. C'est pour ça que dans Tross, il y a un problème parce que elle n'a rien en commun avec la résistance. Elle est juste pote avec Finn. Elle veut se battre pour les trucs bien, mais c'est pas sa famille parce que ils ont pas elle a pas les convictions que eux ils ont. C'est pour ça que ça fait chaud en fait à la fin de son arc. C'est pour ça que là, j'ai du mal à la mettre centriste, parce que c'est une personne qui est prête à se sacrifier pour les autres, pour ce qu'elle pense bien. Elle est bon, c'est coupé dans The Last Jedi, mais à la base, Luke, il lui fait croire que le village des... Des nonnes. Des lanais. C'est ça, hein, c'est des lanais. Oui, les lanais. Vont se faire massacrer et elle se jette toute seule à leur secours. C'est vrai qu'elle force cette BC. Elle n'a aucune énergie politique. S'il n'y avait pas de fachos qui veulent la buter, elle ne change pas son monde, elle s'intègre. C'est pour ça qu'elle est plus Anna pour moi, parce qu'elle n'a pas vraiment de conviction politique, mais elle est quand même du côté du bien. Elle est quand en fait, c'est, pas une c'est une gentille Ray, mais elle n'a pas. Elle ne fait pas ça pour des convictions politiques, voilà. Mais plus. Mais après, centriste, ça ne me choque pas dans le sens où elle est dans la même catégorie que Luke et elle se ressemble un peu, en fait. C'est vrai. Bah ouais, maintenant, oui. Monsieur Bouy dit, elle prend le nom des Skywalker pour le prestige du nom et les réseaux de la famille. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, c'est triste. Ouais, bon, mais c'est la faute du 9, là. Même si on oublie le 9, je trouve qu'il a quand même des points communs. Le 9, il faisait mal sur certains persos. Finn, c'est un personnage. Ray du 7, Anna. Ray Finn du 9, gauche caviar. Oui. Elle est dépolitisée, c'est vrai que. Oui, Charwood, oui, je suis d'accord. Finn. Alors, on essaie d'oublier deux minutes que c'est John Boyega qui le joue. Parce qu'elle est... Finn, il est intéressant parce qu'à la base, il est Anar. Mais je dirais qu'il finit plus Coco. Pour moi, Finn, il est droite. Je suis désolé. Hein. Et non, et ça, c'est parce que tu suis John Boyega. Mais non, vraiment. Tu te fais influencer. Finn, mais il prend plaisir à buter des gens. Je sais pas, il a l'air de s'éclater. Ah putain, c'est vrai qu'il a un gros problème de caractérisation dans le 7 et 9. Tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il a un super arc, mais la façon dont il l'écrive en même temps, il est étrange et il y a une petite dissonance, c'est dans le 7. Même dans le 9, il essaie de se barrer aussi. Peu dans le 8. Dans le 8 encore, il est un peu en retrait par rapport à ça, mais dans le 7 et le 9, c'est vrai qu'il est très... Il est centriste parce qu'il fuirait partout de toute façon. Ah là, voilà. C'est vrai. Et puis Finn, sans déconner. Moi, j'étais vraiment content de pouvoir le mettre dans les cocos. Non, c'est un centriste, c'est vrai. Il pourrait très bien être à droite, à fond, quand il était encore Troopers, qu'après avoir... Enfin, voilà, il suit, en fait. C'est un suiveur. En fait, le problème de Ray et Finn, c'est que c'est des personnages qui ont un super compas moral, mais pas de conviction politique. Ouais. Alors, Famous Doge, on peut monter le son des autres. Normalement, je crois qu'ils sont à fond, en fait. Ouais, nous, on est à fond. Je suis désolé. Je sais pas pourquoi on est aussi bas. Après, on peut parler plus fort comme ça, si ça aide. Hein. Nous, on peut parler moins fort. Moi, je crie depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Faut voir éventuellement si c'est que Famous Doge qui a des soucis ou s'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes. Il y en a plusieurs qui l'ont dit depuis le début. Ouais, au début, mais depuis, j'ai rien vu. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ben. Ouais, mais peut-être parce qu'ils se sont habitués. Après, ça dépend, peut-être que la musique est trop forte aussi. Mm-hmm. C'est poutou le son. Ok, en vrai, ça. Bon, bah, c'est positif, bon. Po. Bon, bref. Po. Le BG. Le BG de l'espace. Gauche caviar. Non. Bah, elle est pas caviar, non. Bah, c'est un fils un de héros, aussi. Tu déconnes ou quoi ? Si, si, complètement caviar. Il a ce petit côté flambeur. C'est pas parce qu'il a. Alors, je sais que dans Tross, ils ont dit que c'était un petit voleur à la tire et ce genre de merde, mais à la base, c'est le fils de héros, donc. Ah bah, gauche caviar. Ouais, le mec qui. Fou, hein. Il s'en vend tuer. Ceci dit, c'est des problèmes avec l'autorité, comme dit Rigop, Anar un petit peu, oui. Après, il aime pas les bah, femmes, quoi, alors non, c'est, il a pas des problèmes spécialement avec l'autorité, je pense qu'il a des problèmes de patriarcat. Oui. C'est clairement, en tout cas, c'est clairement ce qu'il y a dans le 8. Et oui, c'est vrai. En fait, Finn et Poe, tous les deux, ils reviennent en arrière, en fait, dans le 9. C'est-à-dire que dans le 8, Finn, grâce à Rose, il se lance du côté de la résistance pour de vrai, alors qu'avant il y était pour vrai. Et dans le 8, Poe, il apprend à ne plus être un machiste. Et qu'est-ce qui se passe dans le 9? Poe, une de ses répliques, c'est « Est-ce que je peux t'embrasser ?» à une meuf de manière totalement random. Et à la fin, il lui propose de niquer. Et Finn, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à son état de suivre Rey un peu partout et tout, et il a perdu ses convictions qu'il avait gagnées avec Rose. Il envoie même un peu chier Rose à un moment. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour leur caractérisation. Si leur arc avait été complet, ils auraient tous les deux été coco. Mais vu comment c'est fait, en fait, leur arc, il est revenu en arrière dans le 9, et ils n'ont pas évolué à l'intérieur du film. Ils n'ont pas du tout évolué dans le film. Et pour Rey, c'est encore pire parce que c'est revenu encore avant le 7. Parce que dans le 7, elle prend le sabre avec conviction. Elle est convaincue que, OK, c'est à moi parce qu'il m'a choisi. Et dans le 9, c'est genre, je ne sais pas si je le mérite hein, parce que bon, j'ai un vagin quand même. Ouais, mais quand même, à la fin du 9, elle a évolué parce que maintenant, elle veut bien devenir famous. Il faudrait bien les distinguer, en fait, un peu comme pour Solo. Bah, ouais. Mais voilà, c'est le problème de leurs arcs. C'est pour ça que moi, je dirais qu'il ne peut pas être trop à gauche, Poe, parce que ça reste un macho. Par contre, bah, centriste avec les deux autres. Mais je voudrais juste revenir sur... Il peut pas être plus à gauche que Finn et Rey. Non, parce que lui, il est dans la résistance depuis très... Il ne vient pas juste de débarquer comme les autres. Lui, il a été élevé par des résistants. Donc, c'est ses convictions de base. Okay, okay. Et il est caviar parce que bah, c'était quand même des riches et parce que le mec, il n'a eu aucun problème dans sa vie parce qu'il avait papa-maman derrière et puis tonton Luc. Et puis, voilà. Et puis, il a fait partie de la Nouvelle République aussi. Ouais, il était policier. Ratonski nous dit que Finn se sacrifie presque pour détruire le Star Destroyer dans le 9. Alors, oui, mais... C'est pas du fanatisme. Est-ce que c'était pas plutôt pour sauver Rey? Non, c'est non, mais moi, une glorification du combat, mais du militaire, du sacrifice. Mmh. Il y a quand même un bon reste de troopers derrière, quoi. C'est un peu puant le fait qu'il veuille se sacrifier pour ça, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien en fait qu'on mette Finn dans les communistes parce que même au-delà dans les comics, il y a dans le comics sur Finn, justement, où il te montre que Finn, toute sa vie, il a toujours été traité comme une merde, même chez les Stormtroopers, et que littéralement, la seule personne qui était cool avec lui meurt dans le set. Et en plus de ça, il aime bien les animaux et il les aide dans l'épisode, justement dans la BD. Clairement, il sauve des espèces d'animaux qui avaient du domicile, je crois que c'est sur Starkiller. En gros, il fait en sorte qu'ils bougent au lieu de les tuer. Et vraiment, je pense que Finn est fondamentalement gentil. Même s'il régresse, je ne vois pas centriste du tout. Bah, bon, alors, coco, mais militariste, on va dire. Oui, c'est ça. C'est un communiste, c'est un résistant au terme historique au sens historique du terme, encore. Ok. Ok, je suis d'accord. Et je pense que Poe, c'est pareil. Parce que clairement, même si c'est gauche caviar, derrière, le mec. Si t'oublies trop, s'il est clairement communiste. Oui, c'est ça, parce que clairement, le mec, il est prêt à même mourir. Hein, malheureusement, il y a des misogynes même chez les communistes. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est un communiste misogyne. Et en fait, le truc, c'est que le mec, il est clairement à fond dedans et il se rend compte quand c'est dans la République, il se dit putain, je suis garde à la République. clairement, la République, c'est de la merde. Faut que je le casse de là. Ils sont trop nuls, ils comprennent rien à la société. Moi, je me barre et je fais un truc de mon côté avec, les, avec la résistance et je suis prêt à tuer pour eux, quoi. Dans le chat, Ringup va de déception en déception s'il dit « Ah, vous réhabilitez le lâche. » J'ai vu ça aussi. De quoi, qu'est-ce que ah, j'ai le lâche. À propos de Finn, ouais, on... c'est juste un déserteur. En vrai, il essaie de s'échapper, mais il tombe dans la résistance ouais. au pif. Alors, au... Pause, oui, c'est Georges Brassens. Il reste par conviction. C'est pour ça, son arc du 8, c'est justement de passer du lâche au, au ouais. héros. Et c'est pour ça que c'est très frustrant. Là, par contre... Ils avaient vraiment un super potentiel et ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et ça me rend un peu triste. The ATP qui dit Po, c'est Georges Brassens. Là, je veux bien l'explication, ça m'intéresse. Bah, il chante et il a une guitare. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas de moustache. Bref. Ringo, oui, mais le 9 fout tout en l'air. Oui, je suis d'accord, mais il n'existe pas le 9, on l'avait dit. Mais... Non, mais il existe pour les gens qui l'aiment bien. Et s'ils sont pas d'accord avec nous, ils ont tout à fait le droit. Mais moi, je vais vous dire, moi je déteste, mais pour moi, il existe malheureusement. Et il faut que je me bah, c'est difficile à oublier, mais surtout qu'il y a quelques trucs bien. BB8. BB8. Anar. Anar, direct. Je veux dire, le mec qui prend le contrôle d'un ATST, ouais. Je veux dire. Pour foutre direct. La merde dans une. Dans le casino. Dans la novélisation de The Last Jedi, t'as Rose. T'as Rose qui regarde BB8 et elle se dit putain, il est complètement ouf ce droïde, je me demande comment est son proprio. Ok. BB8, Anar, est-ce que ça convient oui. à tout le monde? Oui. Oui. Bah oui. Je crois qu'on a perdu Matt, mais bon, c'est pas grave. Non, je suis là, je suis en train de manger, mais c'est bon, oui. Ah, d'accord. Bon appétit. Alors, très intéressant, Phasma. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'était pas dans le 9. J'ai donc... plongé ma bière un petit peu. Elle a été sauvée. Elle est alors. Fond. Non, elle est fond, à droite. Alors, moi, je. Ouais, mais elle a. En fait, elle a aucune conviction. Ouais, c'est et elle vient du pays de Mad Max. Alors, oui. Si tu prends le bouquin Phasma, c'est vrai que c'est tout pour ma gueule. Donc, c'est ouais, plutôt libéral, c'est pour ça que je la mettrais libérale ou droite. Du plus fort. C'est vraiment le plus fort survie. Parce que ça reste une soldat quand même. Elle est officière dans le. Ouais, dans le ouais mais c'est, ordre. Comme si, c'est comme si elle était mercenaire en fait. Elle est pas vraiment. C'est vrai qu'elle est pas politisée. Elle s'en fout elle en fait de pas l'idéologie. Elle fait pas vraiment partie du premier ordre. Elle a genre été engagée pour gérer le truc, mais à la base elle en fait pas partie. Elle est pas dedans par conviction. Alors. Elle peut se casser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle les trahit. C'est parce qu'elle est pas fidèle au premier ordre. Justement. En fait, elle pense qu'à sa gueule. Hot take. Est-ce qu'elle serait pas Anar de droite? Non. Ouais, mais vu tout ce qu'on a mis dans la section anarchiste, on peut pas le mettre ouais. dans le même dans la même section. On a mis pourquoi pas. Alors, Rigup nous dit, elle forme quand même des enfants soldats, ce qui est pas faux. C'est pas faux. Oui, oui, non, mais oui, clairement. Et surtout même, enfin, elle n'hésite pas à dire à Finn Scum, enfin, genre, elle est quand même assez vénère. Ah oui, elle oui. Est elle est clairement. Moi, je t'appelle comme ça tous les jours et ça te fait. Mais moi, j'aime bien. Ça te fait rien du tout. comme dit Seplam, elle kiffe trop l'ordre. C'est vrai que dans le 7, notamment quand elle parle à Finn, elle a quand même un gros délire autour de ses trucs. Hein. Et puis elle le traite dans le mythe aussi. En fait. Je pense qu'elle a quand même elle bien dit qu'il faut le. Hein. Ouais. Il faut le. Front Galactique, ça m'irait aussi. C'est juste qu'elle est plus pour sa gueule, mais ça lui plaît bien d'être quand même dans Front Galactique, son pouvoir. Quoi. Elle a mis un petit temps, mais elle est Front Galactique. Au début, elle était peut-être plus libérale, mais là, maintenant, elle est bien tombée dedans quand même. Ouais. J'aurais mis au milieu à droite. Ça a l'air fixe, ça lui plaît. Pourquoi il est là-bas, lui Maz. Anar. Maz, Anar ou communiste Maz, je reviens, Kylo et Hux. Bah oui, bah désolé, hein, c'est comme ça. Elle a un bar. C'est plutôt quoi, un truc de communiste d'avoir un bar. C'est vrai, il a raison. En plus, il y a des règles dans son bar. Ouais, mais elle se bat avec les syndicats. Moi, je dirais qu'elle est libérale. Ouais, mais les communistes, ça marche encore. Elle se mouille pas quand même. Ah non, elle se bat avec les syndicats, pardon, j'avais pas compris. Elle se bat contre les syndicats, pardon. Les syndicats du crime, elle. Non, elle dit qu'il y a un problème avec des syndicats, mais elle dit, oh, ça vous intéresserait pas, elle explique pas en fait. Ouais. Mais à mon avis, ça, c'est surtout pour la blague. Alors, elle est libérale, mais n'oublions pas que c'est une pirate. À la base, et on a dit que les pirates c'était super Anar. Mais moi j'ai dit qu'elle était Anar depuis le début. En plus, elle a plein de drapeaux. Ça me semble un peu bar, trop. Genre, en mode, elle accueille toutes les communautés, tu sais, genre. C'est pas faux. Alors, moi, ouais, ouais, mais c'est quand même un sacré bar, c'est pas la petite brasserie du coin. C'est un château, mais c'est une pirate. Hein. Pour moi, elle est communiste. Hein. Je suis désolé, elle est communiste pour moi. Et puis, elle. Manard. Ouais. Il y a quand même des règles hein, dans son. Puis elle fait un peu genre, voilà, pas de baston, moi je veux pas de problème ici. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que son côté libéral, c'est pas une façade justement aussi pour derrière non. Être plutôt. Bah justement, ça peut, être une, ça peut être une ancienne communiste voilà, qui s'est rangée parce que le pognon. Alors, mais en fait, elle aide quand même. Dans le bouquin avec Solo, là, comment il s'appelle déjà? Moi je dis gauche caviar. Elle était déjà un petit peu comme ça et bien longtemps avant. J'aurais tellement kiffé dans le 9 qu'elle fasse partie aussi de la flotte ou plutôt qu'elle soit dans la résistance dès le début. Plutôt que de dire des choses éminentes. Mes rêves, j'aurais tellement kiffé la voir arriver avec une flotte de pirates et tout. Putain, on me dit pas ça, je suis triste du coup. Le pire, c'est que tu vois, on a presque eu ça, mais j'aurais trop kiffé que Maz en fasse partie. Oui, mais il y avait Lando qui a pris sa place, c'est pas de sa faute. Mais Lando, il aurait pu y être aussi. Hein. Pardon. Gop nous dit c'est une travailleuse. Erzatz, lutte ouvrière pour Maz. Oui, c'est voilà, pour ça qu'on l'a mise dans communiste. Lutte ouvrière. Elle est un petit c'est peu juste. Internationaliste pour ZUS, donc oui, la communiste. Moi, j'aurais mis gauche caviar. C'est pareil, libéral. Libéral, hein. Oui. Libéral. Voilà. Gros connard, au passage, mais libéral. Oui, oui. Ouais, c'est pas le même libéral que Watteau, hein. C'est pas. Alors là, Tuki, tu vas devoir nous aider, je pense, pour le. communiste. Oldo. Ah. Est-ce qu'elle est du pognon? Elle est pas un peu riche quand même. Ah putain, c'est vrai. Ouais, mais elle va quand même plus loin qu'eux et puis Coco, quoi. Enfin. Ouais, non, ouais, pour moi, elle est plus Coco. Ouais. Ouais, mais on a quand même mis Léa qui se bouge le cul. On l'a mis dans le gauche caviar. On a quand même 4 caviars pour l'instant pour Oldo hein, dans le chat. Oui, mais Léa, c'est une princesse. Oldo, elle a les cheveux roses. Oldo, elle est bille. Par contre, la différence entre Oldo et tous les personnages qu'on a mis là-dedans, c'est qu'elle s'est sacrifiée. Elle est allée jusqu'à donner sa vie pour la cause. C'est pas votre main, faut avouer, les gars. Et elle n'est pas en politique aussi, Oldo. La différence, c'est que Léa, il y a beaucoup de moments où elle n'est pas sur le terrain, elle est engagée en politique. Alors c'est vrai, Oldo, ouais. Elle est vraiment. Ah bah quand même, dans les 3 films, elle se bouge, elle fait des trucs. J'ai pas dit qu'elle se bougeait pas. Ouais, mais elle est aussi, elle est sur le terrain, genre. Gauche caviar, c'est pas que les gens qui se bougent pas, c'est les gens qui sont de gauche, mais. Un peu riche. Ouais, mais je trouve que Oldo et Léa sont assez proches dans l'approche, et je trouve bizarre de alors, pas les mettre dans la base. Ça, Léa est spéciste, parce qu'elle, clairement, elle traite Chewie de carpette et tout. C'est vrai. Alors que Oldo, elle les pend dans le sens où même avec des aliens. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et moi, après, il y a aussi l'époque plus radicalisée que Leia dans leur jeunesse. Dans leur jeunesse, elle était complètement. Mais statut social fait qu'elle est plus aisée aussi, du coup. Et en plus, j'ai peut-être un argument, encore une fois, d'un comics, le comics sur Poe Dameron, où en gros, il rencontre Oldo sans même le savoir. Et en gros, Oldo, à la base, elle volait des trucs à la République. Pour justement la résistance. Et c'est là où en fait Poe la rencontre la première fois. En fait, elle sauve la vie de Poe avant même que Poe sache que c'est elle. Et parce qu'en gros, elle voulait voler des trucs à la résistance. Et à la Nouvelle République. Et en fait, Poe était à l'époque gardien, policier pour la République. Et du coup, il s'est rendu compte que bah, c'était finalement pas si mal la résistance. Attends, Poe, c'était un flic? Bah, c'est pas un flic, mais c'était un garde de la République, quoi. J'allais dire la même chose. À plus, ouais, Romy Salvador. Merci d'être passé, c'était cool. À plus, Romy, merci. Plus, salut. Bye bye. Bon, bah, communiste, alors. Oui, elle est coucou. Ouais. Ouais, finalement, moi, un petit peu convaincu avec le côté gauche caviar, quand même. Pas du tout, parce que vous partez de quel principe pour dire qu'elle est gauche caviar? Parce qu'elle porte des robes et qu'elle a l'air élégante? Bah, on est parti de ce principe pour tous les personnages qu'on a mis dans gauche caviar. Non, pas du tout. C'est tous des riches. Aussi quelque part, mais. Mais elle est générale de la résistance. Ça doit être c'est une position élevée. Ça doit pas venir nulle part. Elle vient de Gatalanta et c'est pas une planète de riches. D'accord. Bon. Bah, je m'incline. Hein, attention. Y a pas de souci. D'ailleurs, ils font du pinard sur Gatalanta. Bon, c'est bon, elle a gagné. Alors, Hux. Hux. Non, Hux, c'est pas un Hux. Hux, c'est il est front galactique, Hux. Ouais. Mais non, parce qu'il assume parfaitement d'être un fasciste, non? Non, mais eux, tous ceux qu'on a mis dedans, ils assument. C'est juste que c'est pas vraiment un incel. Ouais. C'est... Il est bouffi d'ambition. Ceux qu'on a mis dans Hux, au final, c'est ceux qui sont pas vraiment déterminés. Hein. Oui. C'est vraiment les incels. Il a trop d'ambition pour être un Hux, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Hux, il est vraiment convaincu, c'est oui. Toute sa vie. Et t'imagines, c'est le mec qui pourrait jamais trahir, en fait, le Premier Ordre. Mais comme disait Tuef, il assume ses crises également, il assume les échecs aussi, il assume... Oui, ouais. Et il n'est pas là parce qu'il a été manipulé, il est là parce qu'il est là à fond. Je veux dire, le mec, il est tellement là à fond qu'il a tué son père parce qu'il trouvait que son père n'était pas là assez à fond. Il n'y a pas plus père, de droit que de tuer ton père. Ouais, c'était un connard, son daron. Oui, son père était un connard de droite et lui, il s'est dit, il n'est pas assez de droite, je vais le buter. Pour moi, faudrait renommer la catégorie Hux en catégorie incel, en fait. Mais non, mais c'est plus drôle comme ça, parce qu'on n'a même pas Hux dedans. Ah, c'est ça qui est j'aime drôle. L'ironie. Bah ouais. Vieux Luc. Ok boomer Luc. Catégorie ok boomer. Centriste. Ah ouais, chef. Il était déjà centriste. Alors quand vieux, il était jeune Luc était centriste. Moi j'aurais dit un peu. Non, pas de droite, non, parce qu'il a un peu réfléchi. Non, il n'est pas. Moi, il est presque. Il est toujours centriste. Il est presque communiste ou anarchiste dans son. La formation de Ray est un peu anar, mode anar, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est carrément vrai. Moi, je dirais qu'il est anar. Alors, anar limite réac par moment, quand même. Hein, mais attendez, quand Yoda brûle les textes sacrés, il dit hey, bordel, qu'est-ce que tu fous? Il aime bien, quand même, encore un petit peu les trucs anciens. Rigop, il dit il est autosuffisant. C'est un peu. Mais vraiment, je suis en train de me dire, tu peux pas créer une catégorie OK Boomer parce que ça correspondrait parfaitement. Pas spécialement, non, parce que. Tu mets Owen dedans. À la fin, il revient et tout. Ouais, dans TNG. Il est super héroïque. Bah, pas anarchiste, plutôt communiste, je pense. Moi, je dirais communiste, justement. Okay. Il est anar sur l'île, mais après, il rejoint les cocos. Ouais. Et lui, il a jamais été riche. Lui, c'est un vrai, lui. Lui, il a jamais été. Il a été pimpé que dans le 6, mais c'est parce qu'il fréquentait sa sœur, c'est une mauvaise fréquentation. Niendum. Coco. Lui, il est là depuis le début, est là dans l'épisode 7, c'est un pilote. Il est habillé en rouge, c'est un coco. Non, il est full coco, lui. Il est full coco, on est bien d'accord. Hop là, d'ailleurs, je vais le déplacer, je vais le mettre à côté de Biggs. Parce que meilleur perso de la saga. Paige. Coucou. Paige Tico. Paige, elle est anarchiste, les copains. Alors, est-ce que ça vient des bouquins ou des comics, ça aussi? Ah oui, ça vient du comics. En gros, elle et Rose, elles ont grandi sur une espèce de planète minière, comme c'est expliqué dans le 8. Et en fait, les deux, leurs familles se sont fait tuer par le Premier Ordre qui est venu exploiter la planète. Et en fait, elle et Rose s'amusaient à faire des attentats sur la planète pour faire chier le Premier Ordre. Ouais, mais attends, les parents s'amusaient à faire des attentats. Page, c'était pas genre les proprios de la mine? Pas vraiment. C'était, ou les exploitants. Fait, ils faisaient partie de la haute, pas la bourgeoisie, mais ils faisaient partie des gens, effectivement, les haut placés. Mais par contre, clairement, elle et Rose ont dit clairement Nick Saras, la bourgeoisie, nous, on fait tout péter. Vraiment. D'accord. Parce que clairement, elles ont fini par se barrer de leur planète en mode de toute façon, on n'y arrivera pas parce que ben, cette planète, elle est clairement. Le Premier Ordre reviendra toujours, donc on se casse et voilà quoi. C'est mieux. Ok. Donc Paige, Anar. Et puis de toute façon, c'est elle qui détruit le. Oui, c'est ça. Enfin, elle a pas rien. Le Dreadnought. Le Dreadnought du Kennedy. Ah. Oh, il est même pas là, Kennedy. Mon perso préféré de la postlogie maintenant. Oh, j'adore. Kennedy ? Non. Konix. Kaiden Konix. Le lieutenant Konix, Billy Lourdes. Konix. Ouais, c'est assez logique. Mais elle s'allie quand même avec Poe face à truc. Juste alors... pour le jeu de mots, hein, Coconix. Oui, mais elle pense à l'intérêt général en faisant ça. C'est pas pour sa gueule à Poe en particulier, je pense. Oui, oui. Quand dit l'experte de la novélisation de la Jedi Il n'y a pas grand chose sur elle, mais je dirais que ouais, elle fait partie de la. Ça fait rejoindre la mutinerie de Poe, c'est pas pour les beaux yeux de Poe, de toute façon. Ouais, et puis dans le. Je me souviens plus. Dans le 9, même si ça a été coupé, elle est pote avec Rose. Oui, c'est vrai. Dans les comics, ils ont coupé ça aussi, les salauds. Ah, ils ont coupé beaucoup de trucs par rapport à Rose. D'ailleurs, je rêve, je crois que le truc que j'ai envie de plus voir dans Star Wars, c'est une série avec Rose, Kaidel, Daisy aussi, en fait, toutes les fans de la Résistance. Jana. J'aimerais trop les voir. Jana. Jana ouais, on l'oublie, mais elle existe quand même. Même Ray, pourquoi pas. Même, après, Ray, bon, elle est un peu osée. Mais... Oh, en vrai, j'en ai marre, c'est bon. Ouais. Oh, il y a Babou Frick, je l'ai pas vu. Oh, mais oui, il y a Babou Frick. mais là, c'est DJ. Alors, DJ. Bah, lui, il est ni de gauche ni de droite. Donc, lui, c'est libéral. Le centriste. Libéral. Mais il est plus pour sa gueule, ouais. Oui, il est complètement libéral. Hein. Oui. Ni de gauche ni de droite. Mais l'argent avant tout. Tu vois, il y en a qui sont faciles à faire. Snoke. Alors. Mais attends. Alors. Cornichon, comme t'avais dit. Robilo. En vert. Pickles. Mais le en vert, c'est vert, les cornichons. Cornichon. Hop là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Putain, cette on déception. Est on est bon. Est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on le déplace? Bah, ouais, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça c'est un peu sucré, un peu tendre et tout. C'est vraiment le petit cornichon de merde qui te pique la gueule. Ouais. En vrai, tu même de droite, hein, c'est un cornichon de droite, c'est tout quoi. Ok. Est-ce que le chat veut qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on le déplace? Moi, ça me va. Par contre, Régop, tu parlais de qui, du personnage qu'on a fait juste avant? C'était Kaidel, c'était la fille de Carrie Fisher qui jouait. Bon, le perso est joué par la fille de Carrie Fisher. Après, c'est un perso de la Résistance. Un lieutenant. Elle est là depuis l'épisode 7. Elle a fait 7. Il faut trop d'infos dessus, quoi, je crois. C'est elle au tout début. Je crois que c'est elle qui a les premiers mots de parole dans l'épisode 8. Ah oui, si, je me souviens, dans la novélisation, ils en parlent parce que au tout début, toute l'évacuation, c'est elle qui est en charge. Ouais. Et c'est elle qui doit prendre la décision de est-ce qu'on abandonne le fuel et on sauve les gens? Parce qu'en fait, il y a tout un truc de, par rapport aux ordinateurs, aux trucs comme ça, est-ce qu'on laisse trop d'infos? Si on laisse les infos et qu'ils viennent, ils vont savoir tout sur la Résistance. Du coup, comment on fait? Et du coup, c'est elle qui doit prendre les décisions de... Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on sauve, quoi. C'est ça. Quand les vaisseaux débarquent dans le ciel, là, c'est genre, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, c'est elle qui doit prendre la décision de est-ce qu'on charge le maximum tant qu'on peut ou est-ce qu'on sauve tout le monde? Et puis, bah, tant pis, on verra. C'est stylé, en vrai. Ouais. Est-ce que je peux prendre la parole pour Rose? Parce que je pense que je... Bah, je l'ai mise anarchiste, je veux dire... Voilà. Expliquez, parce que les gens... Elle fuck up le casino, je pense pas que les gens aient besoin d'une explication. Regarde, dans le chat, ils disent qu'elle est communiste. Alors en fait, Rose, déjà de base, elle fucked up le casino. Elle dit nique les riches, elle défonce tout. Jusque-là. Attends, on va le laisser terminer. Anarchiste, clairement, elle pète un casino de riches. Non, mais moi, je dirais, je suis d'accord avec Matt sur le communiste parce que on peut être communiste et on déteste les riches. Je veux dire, anarchiste, c'est les gens qui pensent qu'à eux, alors que elle pense à tout le monde justement. Non, c'est pas les gens qui pensent qu'à eux. Anarchiste est resté coincé dessus, mais pas du tout. Ben non, moi, non. Attendez, on a mis l'autorité en place. On a mis Solo, on a mis les droïdes. Déjà expliqué tout à l'heure. Il y a anarchiste individualiste et il y a les anarchistes coco. En gros, t'as anarchistes, c'est ceux qui remettent en question l'autorité. Tu peux remettre en question l'autorité et penser au plus grand bien et au bien de tous. Ouais, mais même, je la vois pas dans la même catégorie que Han Solo. Moi, je la verrais plus coco. Mais remets pas en question. Justement, c'est pour ça que je suis d'accord. J'ai l'argument maître. déjà, elle était clairement avec Paige, terroriste sur sa planète. Ça, c'est clairement anarchiste. Et en plus de ça, elle refuse dans l'épisode 9 les insignes de général qu'elle obtient à la fin du 8. Elle refuse l'autorité. Et elle dit non, moi, j'enlève mes insignes. Elle n'a aucune insigne sur ses fringues. C'est la seule à ne pas avoir d'insigne sur ses fringues. Elle dit, je refuse l'autorité. Je suis comme les autres. Je n'ai pas besoin d'un signe de pouvoir. D'accord, mais comme disait Thuès, elle tasse Finn parce qu'il ne respecte pas les règles. Hein. Non, elle tasse Finn parce que Finn, c'est un lâche. Parce qu'il veut se barrer. Clairement. Mais oui, parce qu'il est déserteur. C'est pas la même chose que suivre les règles. Ouais, non, là, je suis pas d'accord. Ouais. Allez, coucou. Adar, pardon, excuse-moi. Ouais. Non, mais en vrai, allez, laissons le chat voter. Rigop, je suis un peu pareil que toi. Donc, non, mais vraiment, là, vraiment, si Rose n'est pas anarchiste, je pète un câble. Hein. Ouais. C'est juste le seul truc qui m'emmerde, voilà, c'est la mettre dans la même catégorie que Anne. Anar, c'est une grosse catégorie. Non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas, Tuki. J'ai bien compris l'explication de la différence. C'est juste qu'ils ont quand même pas la même mentalité. Non. Et c'est pour ça. Mais je comprends aussi les arguments d'Adrien sur la hiérarchie et le terrorisme. Ouais. Mais c'est parce que moi, j'étais pas pour mettre Han Solo en anarchiste. Mais Han Solo, si on a mis anarchiste, c'est plutôt parce qu'il dit, nique les règles, tu vois. Tandis que Rose, elle est là, nique les règles et nique les riches, tu vois. Clairement. Non, bah, les communistes sont pas pro-riches. Non, je sais bien. Mais les communistes, c'est genre oui, on va gagner grâce aux urnes, tu vois. C'est un peu ce qu'elle dit aussi. Fighting what we love and saving what we hate. mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du temps. Tu peux pas comparer. Non. Je suis désolé, je suis obligé de la mettre en coco. Non, en fait. Mec, fais pas ça. Je t'en supplie, fais pas ça. Elle dit littéralement nique le pouvoir à la fin du 9. Elle a aucune insigne de pouvoir. Mais elle a rien dit. Elle a rien dit. Et... Elle ne dit rien, mais le truc c'est que elle dans le visual dictionary, elle a clairement c'est marqué, le seul truc qui est marqué sur elle d'ailleurs, Lucasfilm, clairement ils disent genre ouais et tout, elle a refusé les badges et tout parce que elle pense que elle vaut pas mieux que les autres. Alors je suis désolé, mais je te rappelle que si on avait suivi l'encyclopédie visuelle du 9, on serait là. Hein. Non. Pour Chewbacca. Chewbacca, il serait centriste. Ouais, mais il n'y a pas que il l'a dit, il n'y a pas que l'encyclopédie visuelle, il y a aussi les bouquins, il y a d'autres arguments. Si elle suit Paige et que Paige est Anar, elle est Anar. Bah oui, clairement. Pour moi, elles sont toutes les deux Anar. Ah oui. Elle est Anar Coco, mais elle reste Anar. Oui, mais c'est ça. En fait, c'est l'anarchisme. Il est l'anarchisme de gauche, quoi. Ouais. Est-ce que quelqu'un a lu les bouquins Riposte? Oui, je suis complètement oublié. Il y a le petit Temin Snap Wexley. Temin. Bah, gamin, il est vachement anard hein, quand même. Enfin, ok. Bon. Bah, je pense qu'il est. Il rejette l'autorité de sa mère, un petit peu comme. C'est pas être anarchiste, c'est être un petit con, ça. Non, je l'ai. Alors après, je sais pas qui c'est sa mère. Je sais pas. Ça se trouve, c'est vraiment une fasciste. C'est la seule personnage féminin de Star Wars 6 avec les Iron Man. Sa mère est super cool. Sa mère, comment s'appelle-t-elle déjà? Machin Wexley. C'est Nora, non? Nora Wexley, effectivement. Et elle s'est mariée avec Wedge. Avec Wedge, un peu plus tard, ouais. Donc, du coup, plutôt centriste, si sa mère est plutôt centriste, lui, il est forcément Coco ou Anna. Moi, je le mettrais Coco, même si au début ils s'en battent un peu les couilles, hein, mais je le mettrais Coco à force. Rigop, oui, c'est un perso qui est là juste parce qu'il est pote avec G. Alors, déjà, j'adore cet acteur, c'est pas la question, mais aussi, en fait, ouais. Le personnage a tout un super développement dans Riposte, la trilogie du bouquin. C'est Beaumont qui est là juste parce qu'il est pote avec G. Chuck Wendig, et ça vaut le détour. Vraiment, c'est cool comme bouquin. Non, mais lui aussi, il est là juste parce qu'il est pote. Mais oui, mais il prend pas la place des film. Autres. Enfin... Oui, c'est vrai. On en est. On approche de la fin. Bah, il serait temps. Coco. Bah, moi, je peux pas dire, hein, non. Alors, je suis non. plus trop ouais. d'accord. Ouais, parce qu'elle dit nique les privilèges, en fait. Ouais, surtout à partir en fait de Lien du Sang, il lui propose la royauté en fait d'une nouvelle planète et elle refuse. Elle refuse vraiment pour le coup. Et donc elle peut plus être gauche caviar. On va dire coco alors. Oui, ouais, c'est ce que je dis. Ouais. En plus, surtout qu'il me semble qu'elle met pas mal de ronds dans la résistance aussi, quoi, de sa poche. Je pense, ouais. Ah merde, mais alors ça veut dire que c'est. Comment elle s'appelle? C'est Elon Musk. Oh putain. Elle a mis des ventes d'utilisateurs partout face au premier rang. Elle achète. Non, je déconne. Non, je cherchais un exemple de quelqu'un qui achète sa rédemption avec le pognon. Non, mais là, tu l'essayes. C'est Bill Gates, ce que j'allais dire. C'est... Ouais. Le point Elon Musk, on y est, ça y est, disait ATP. sa poche, c'est l'héritage organa. Oui, certes, mais du coup, elle se sépare du côté... de son côté gauche caviar, quelque part, quoi, oui. En finançant la résistance. Donc, Elle est plus aussi blindée. Elle est plus aussi guindée qu'elle l'était dans la trilogie originale. Oui, hein. Clairement, elle est plus guindée. Dans la trilogie originale, comme je disais, elle était un peu spéciste, un peu classiste et tout, alors que là, elle est vraiment plus coco. Allez, tout le monde dans le chat, je veux que vous nous fassiez votre meilleure imitation de Babou Freak. C'est parti. Dans le chat. Je vous regarde. Hein. Ouais, Erzat, s'il l'a fait. Les autres. Caviar, yes. Allez. Super, allez. Oh, joli celui-ci. c'est clairement un prolo. Ouais. Il est bourré. Coco pour autant. Il est bourré. Il est communiste, c'est sympa. Il fait de la récup de droïde. Ouais. Puis il est tout petit, alors il est opprimé. Et moi, je suis prolo, je suis tout petit, je suis bourré et je fais de la récup. Il a une langue étrangère. Attends, en fait. C'est un haricot, donc coco. Coco, le haricot, voilà. Après, c'est vrai qu'il est full chaotique. Hein. Il est très chaotique. C'est coco chaotique. Mais c'est parce qu'il est bourré. Ça peut être un anarchiste aussi, tu vois. C'est un peu. C'est de l'autre pan de l'anarchisme, finalement. Babu. C'est vrai qu'on peut le mettre anarchiste, ça peut marcher. Si on a mis BB-8 et R2 en anarchiste, je vois pas pourquoi lui il serait pas anarchiste parce qu'il est clairement chaotique. C'est ça, c'est la trinité des tout petits anarchistes. Je le foutrais anarchiste aussi. En fait, dans Star Wars, plus t'es petit. Le mec, il a un droïde pour récupérer les trucs Sith, il s'en branle complet. Quoi. Plus t'es petit, plus t'es anarchiste. Alors, il y a K2SO et dedans, ça compte pas. Ah, Beaumont, t'en incel. Beaumont, est-ce que ce serait pas comme le pote de l'autre et on s'en bat les couilles et on le classe pas? Mais c'est qui Beaumont déjà? Mais c'est le mec qui passe son temps à mansplainer. C'est celui qui a piqué Dominique... la place de Rose avec Claude. C'est Dominique Monaghan, c'est. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le mec qui a gagné sa place dans le film sur un pari sur un match de foot. Mais ouais. Ça, c'est triste. C'est pas trop le problème, c'est ce qu'ils en ont fait après. Regarde, alors lui, Matt Dunberg, celui qui joue Snap, oui. il est dans le film parce qu'il est potes. Alors, attends, j'ai autre chose. Beaumont, c'est celui qui a une double page dans le Visual Dictionary, alors que Rose en a une demi. Alors que lui, il a que dans le 9. Voilà. C'est vrai, putain. Lui et Claude, c'est les deux qui ont été là pour remplacer Rose. Hein. Clairement, toute leur scène, ça aurait pu être Rose. Ouais, ça c'est bien vrai. Alors que Snap, quand il a une scène où il discute avec Leia, et ben Rose aussi elle lui répond. Et elle est du côté de Leia face à Snap. Donc tu vois, lui, c'est un mec qui est pote de JJ, mais il a pas piqué la place de Rose, déjà parce qu'il était là avant. Et en plus, Beaumont c'est un connard. Beaumont, tu le mets centriste. C'est l'incel, c'est le mec qui vient ramener son lore et tout. C'est le mec qui arrive, il fait ah ouais, alors ça c'est la manœuvre Holdo. Alors c'est les trucs de Sith. Je l'ai vu dans. Je l'ai vu dans Kotor et tout. En plus, bon, il faut que dans les bouquins aussi, genre le Visual Dictionary et tout, tu sais, t'as Rey qui a récupéré tous les textes Jedi qui donc les a lus et étudiés, et dans le Visual Dictionary, ils disent que non, c'est Beaumont qui apprend à Rey tout le lore sur les Jedi, tu sais, genre... Ah, c'est moche. Alors que c'était ses propres PO qui l'aidaient à la base. Lui, tu sais. Ah ouais, non. ZATP qui a des beaux mots, il rage, il rêle, il rage parce que c'est pas canon. mais c'est trop ça. Et le mec, en plus, il s'appelle Beaumont. Ouais, ok, Incel. Il a un podcast. Mais il en a au moins 4. C'est grave le fandom relou, oui, carrément. Oui, voilà, donc on est tous d'accord, même le chat, tu vois, ça c'est beau ça. Allez. Violando qui se bouge le cul après que Leia soit morte, je suis désolé, je lui je peux pas lui pardonner. C'est moche. Gauche caviar. Centriste. Tu l'as mis de droite, hein. Moi je l'avais mis de droite, ouais, mais. Non, pour moi, Allez. Il est centriste. Oh, dur. Ouais, centriste. Ouais, c'est un peu dur. Hein, il aide quand même. Bah oui, mais. Il est lent, mais. Ouais. Il aide que quand il peut prendre tous les lauriers, tu sais, genre. Ça le fait. Pareil, Rose qui fait « faudrait faire ça pour aider Finn », et le mec, il fait « laisse-moi, je sais mieux faire. Hein. » C'est vrai, il prend même la place de Poe à la fin, c'est complètement ouf. Mais c'est parce que tendance de droite. Enfin, c'était pour faire plaisir à Beaumont, comme ça il pouvait écrire. Mettez-le dans Libéral. En même temps, il disait ouais, et puis là, il y a Lando Calrissian qui a sauvé le noir. Oh non. Bah, oui, il est incel, c'est un raciste. D'ailleurs, du coup, on peut pas le laisser. Non, bah si, tu vois, ça marche parce qu'il a attaqué Finn. Donc, ça, c'est bien la catégorie incel. L'admiral bouleversant. Galactique, l'admiral bouleversant. Pride, je suis bouleversé que. Vous savez ce qui aurait été trop bien, c'est si ça avait été lui, le traître, tu sais, le vieux de la vieille qui trouve que le. Que les le jeunes. Premier ordre, c'est n'importe quoi et il préfère aider la résistance plutôt que les nouveaux les néo-nazis. Ouais, ça aurait été trop bien. Oui. Il y avait un twist, hein. Mais ouais. Front Galactique ou Vox? Ouais, Front Galactique, oui. Ouais, Front Galactique. Oui. Non, ouais. Zori Bliss. Zori. Anar, ouais. Oh, Anar ou Libéral? Ouais, si, ouais. Enfin, plutôt Libéral, hein. Parce que clairement. Ouais, plutôt, ouais. Bah, ouais, c'est ouais, un elle peu dit difficile. À Poe, reste pas dans cette merde. Parce viens, que c'est on pas faire une comme ouais, on veut. Ouais, c'est ça. Elle cherche pas à se battre, en fait. Elle cherche juste à se barrer. Ouais, elle est plus un peu comme DJ, sauf qu'elle, elle est plus gentille. Elle aidera quand même plus le côté du bien. Mais elle... Ouais, la différence, c'est qu'elle apparaît à la fin pour dire je suis vivante, quoi. Ouais, alors que je suis sûr que c'est Babou Frick. Ah, d'ailleurs, je crois que Babou Frick lui dit d'y aller, mais. C'est trop génial ce détail d'ailleurs dans l'épisode 9 quand ils arrivent sur la planète de Jana, là il y a Jana qui va les voir et qui fait vous faites partie de la résistance et ils vont comment tu sais et elle dit c'est Babou Frick qui nous l'a dit, c'est même pas elle, c'est Babou Frick. Babou Frick il m'a appelé, il a dit que vous étiez le nouvel espoir ou je sais plus quoi. Babou Frick il est allé sur Snapchat, il a posé plein de snaps j'ai des mecs de la résistance chez moi. c'est génial, je vous jure que c'est dans le film ça. Si qu'un droïde ça tourne mal. Je suis en train de hacker des textes aussi, Tim. Putain, en vrai, Babou Frick, c'est vraiment un super personnage. Oui, j'adore, il me fait trop marrer. Jana, alors eux, ils sont révoltés contre. Full coco, ouais, non coco, ouais, full coco. Ils vivent dans une espèce de plaine autogérée. C'est, en fait, eux aussi, ils sont partis dans une ZAD. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, bah, Jana, c'est. Et pourquoi pas anarchiste? Parce que c'est toute sa communauté qui a fait la révolte. C'est un peu comme Radus, en fait. C'est un peu la leader des nouveaux cocos. Et puis, elle n'est pas aussi impliquée dans le truc. Ils sont rebellés parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le truc. Puis ensuite, ils ont créé leur Après, petite communauté leur... de partage. Et puis, elle reste militariste, un peu comme Finn aussi, quoi. Et elle exploite des animaux. Ah. Aussi. Est-ce que ça va, Jana communiste, le oui. chat ou pas? C'est vrai que les personnages du 9, le problème c'est qu'on les voit pas beaucoup. Le chat s'est endormi, il en peut plus. Je pense, ouais. On arrive au bout, il y a les trucs. Il y a quand même encore 22 personnes. Eh ben. Merci d'être là, merci de nous écouter, même si vous nous entendez mal. Allez sur Discord, d'ailleurs, il y a le lien en dessous si vous voulez. Juste pour savoir, on s'arrête où en fait? Parce qu'on a dit que les derniers on les faisait pas, mais on s'arrête où? On s'arrête à IG11, non? Non, on fait tout. Ah non, il y a le mec du tapas, on s'arrête où? On fait tout. Okay. Bon, on verra. Bon, on verra. J'ai un twist. Ah, Dio, on peut pas le mettre de gauche. Parce qu'il passe son temps à mansplainer, en fait. Il arrête pas d'expliquer aux gens comment ils doivent se sentir et tout. Il est doublé par Gigi déjà, je sais pas ce qu'il te faut. Oh la difficile. Oh, la lampe de Pixar. Moi je dirais qu'il est centriste parce qu'il a pas vraiment de parti. Il existe. C'est pas un peu un incel finalement, Dio. Oui, comme dit Herbat, c'est un Hux. Hein. Okay. Ouais, c'est un Hux. Le chat dit Hux. Ok. Ah, c'est twist. Il est en feu là. Le chat, il a décidé. Ça va. Non, en vrai, j'aime beaucoup ce personnage. Mais il est mignon. Voilà. Jabba. Bah, libéral à fond. Enfin. Libéral. Oh, oui. Libéral ou droite. Et droite, il y a des esclaves et tout. Il y a des esclaves. Enfin, ouais. C'est chaud, quoi. Bah, les libéraux aussi. Hein, faux, ouais, pouvaient, ouais. Ils auraient des esclaves. Hein. Il fait du harcèlement sexuel en plus. Ouais, non, pour moi, c'est droite. Bon. Hein, parce que clairement, harcèlement sexuel. Bah, c'est très libéral aussi, le harcèlement sexuel. Bah donc, oui. Oui, libéral et droite, on a dit que c'était la même chose, à part que les libéraux, ils veulent encore plus de fric pour leurs pommes. C'est ouais, vrai. Mais ouais, alors, qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Droite, il y a les valeurs. Il y a les valeurs et la perversion, je dirais. Bah, libéraux aussi. Alors, hein, Trump, il est censé être libéral et harcèlement sexuel. Pour moi, Trump, tout c'est ça, plus galactique. Hein. Je vous rappelle le film d'animation Clone Wars. Dans lequel Jabba, il dépense sans compter pour que des gens aillent sauver la vie de son fils. Donc, il est plus attaché aux valeurs familiales qu'à l'argent. Donc, il est plus de droite. Ok. C'est peut-être un peu le même délire que le chef des Crimson Truc, là, j'ai oublié son nom. Crimson Dawn. Il est arrivé en haut et il perpétue le système parce que c'est lui le chef. Il pourrait l'arrêter s'il voulait, mais il change rien. Ouais, ok. Peut-être. Starlax, c'est complètement con parce que c'est un animal en fait. Donc il a pas mais c'est pour ça qu'il les ait mis à la fin, il n'y a que des animaux. Ah ouais, d'accord. Anarchiste, le Starlax. Ouais, allez, anar à fond, lui, il veut juste bouffer. Anarchiste. Les trois là, tu peux les foutre à anar. Hein. Anar. Ah bah le Wampa, oui, clairement anar, lui, il veut juste bouffer. et le Wampa aussi. Anar, oui. Le rencor, le Wampa. Du centrisme en plus. Alors par contre, ça laisse Scrum, il faudra m'expliquer. Scrum, il est droite. Ouais, lui, il suit le pouvoir. Il fait. Ouais, là, il est libéral, alors plutôt. Il veut préserver sa position, il est bien content d'être là au lieu. Il est crevard. Ouais, c'est un crevard. Ouais, en fait, ouais, peut-être. Qu'en dit le chat, droite ou libéral pour ce Scrum? Ah, le Wampa, il accumule de la bouffe, on nous dit. Wampa, copie. Alors, le Wampa, pas anarchiste finalement. Ouais, je suis d'accord. Ouais, il a un côté. Il a économie planifiée du Wampa. Wampa, coco, du coup. Le Wampa, il a un plan. Puis en plus, il vient en Sibérie et tout, donc voilà, oui, il a la Russie, tout ça. Communiste alors ? Le Wampa communiste. L'esclave, je ne sais pas pourquoi. Non, attendez, vous savez quoi ? On ne va pas la faire. Oula, alors. Moi, j'aime pas quand il y a savoir qu'il y a des trucs en dessous qu'on n'a pas fait. Ouais, mais on va pas. On la fera en dernier alors. IG. Bon. Alors, on va dire. C'est censé être IG88, mais on va dire que c'est IG11 du Mandalorien. Oh, allez. Parce que on sait beaucoup plus de lui. Bah, libéral ou communiste ? Parce qu'il y a deux pans. Il y a deux IG11. Il y a le avant reprog et après reprog. Ouais. Bah, moi, je pense qu'il est tout le temps un art. Ouais. Avant ah bon. Bah, il est prêt à se faire exploser tout le temps. Il peut juste mourir en fait, c'est un droïde dépressif. Et surtout, il peut pas être libéral parce que c'est un droïde et qu'il en a rien à foutre. Ouais, lui il veut juste faire sa mission. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il veut se faire exploser? Parce que c'est son constructeur qui veut pas qu'on pique les secrets de fabrication. Mais pourquoi il est chasseur de primes? Pourquoi il a besoin de l'argent d'ailleurs? Pour son constructeur, je pense que c'est un droïde. Je pense que les droïdes chasseurs de primes, c'est pour des gens qui ont la flemme de se mouiller et qui veulent quand même se faire du fric à blinde. En fait, il appartient à quelqu'un de droite. Régob dit il est aliéné. C'est un droïde aliéné, j'aime bien. Du coup, il est coco parce que le travail, c'est l'animation du peuple. Non, mais en vrai, IG-11 dans le Mandalorian, qu'est-ce qu'on... Je veux dire, on se souvient tous du meilleur moment du Mandalorian, c'est quand il fait de la moto avec le bébé devant et il tire sur tout le monde. il a un art quand même. Enfin, dans ce moment-là, ouais. il a pas de conscience politique. Oui, enfin, c'est vrai. Ouais, ouais. Je ne veux pas dire que les anarchistes n'ont pas de conscience politique, mais. Mais celui-là, c'est un anarchiste non politisé, quoi. C'est, ouais. Oui, voilà. Lui, il est là pour le chaos, c'est le Joker. mais non, parce que Joker, il est, pour moi, il est Hux. Oui. Qui ça? Joker. Joker, oui. Alors, vous connaissez tous ce personnage-là de Togruta. C'est quoi déjà son nom? Ahsoka. Shakti. Shakti. Et ben pour nous, ce sera Ahsoka. Ah. Yeah. On va mettre en communiste. Ahsoka. Anna. Parce que c'est la seule. Oh. Non, c'est la seule Jedi qui se dit putain, c'est vraiment des gros cons, je me casse. Bah justement, ouais. Bah, elle dit fuck l'ordre rétabli et tout, et puis elle se casse. Et puis c'est un peu bien. Putain, elle devient agent secrète pour la rébellion aussi, quoi. Enfin. Bah à mon avis, Ahsoka, le problème c'est qu'il en faudrait deux en fait. Déjà, ils en ont mis zéro, on est obligé de faire semblant. Donc, ouais, si on parle, ça dépend, voilà, si on parle de fin de Clone Wars ou début. Ahsoka qu'on a, et Ahsoka jeune, Ahsoka plus jeune, Ahsoka adulte, Ahsoka. On a pas fini. Ahsoka vieille, Ahsoka dieu, Ahsoka. Ahsoka fantôme de force. Ahsoka qui est la force en fait depuis le début. Bon, bah, communiste. Ouais. Ahsoka bébé. Ahsoka bébé, c'est vrai. Qui a été trouvé par notre ami. Elle est pas forcément contre l'autorité, mais elle se barre quand ça commence à être la merde. Pas qu'il fisse, oui, c'est pour ça. Je pense qu'elle est pas anarchiste. Hein. Ouais, donc communiste. Bon. Alors Coco. Ouais. De toute façon, elle a le visage rouge, donc forcément. Bon, ah, et les quatre derniers, là, est-ce qu'on les met vraiment? Mais oui, parce que j'aime pas dire qu'on a rien, on n'a pas tout fait, tu vois. Bah vas-y, fais tout seul. Ok. Ben. J'ai pas dans mes spades, mais il est. Centriste, ouais, je pense. Hein. Centriste ou gauche caviar. Peut-être mis de droite, moi. Je sais pas parce que. Il y a des lui à ce cas qui a en fait des filonniers avec un masque. Lui, c'est un chef, lui. Voilà, c'est le chef de sa communauté. Mais ils ont pas l'air d'être un chef, ça a l'air d'être trois chefs, un truc comme ça. Et lui, il dit. Il sait qu'ils sont surveillés, mais il prévient quand même Obi-Wan et tout. Hein. Je veux dire, il peut pas être centriste parce qu'il agit quand même. Oui, il veut que son peuple aille bien. Ouais, je dirais plutôt gauche caviar. Tao Nui. Libéral. Complètement libéral. Ouais, hein, libéral complet. Ils se font une tonne de fric. Puis même, voilà, ils sont toutes blanches, donc pas d'engagement. L'esclave qui se fait bouffer. Pourquoi ils ont mis elle? C'est mal foutu. Pickles. Mais surtout qu'il y a c'est le. Il y a pas d'AC. C'est le cornichon du rancor. Elle est toute verte. Non, c'est spéciste. Mais non, mais pas parce qu'elle est verte, mais parce qu'il la bouffe. T'es sérieux? Non, moi je dis qu'elle a une tête de coco. Ouais. Je suis sûr qu'elle aurait été super gentille. Elle est aliénée et tout, la pauvre. En plus, elle est aliénée deux fois. Elle est aliénée par Jabba et par George Lucas qui aimait bien voir des personnes racisées danser. Et en plus, l'actrice qui la jouait quand elle est revenue, c'était, je sais plus, pour l'édition spéciale. Pour l'édition spéciale, elle est revenue donc des années plus tard et elle a demandé si elle pouvait reprendre son rôle et ils lui ont dit oui si tu rentres dans le même costume. Oh, elle rentrait dans le même costume. Donc je comprends pas pourquoi ils avaient besoin de reshooter. Parce qu'ils ont refilmé la séquence en fait au palais de Jabba. Ouais, Jedi Rocks, tout ça. Et du coup, ils auraient casté une autre meuf, tu vois, jeune et tout, mais elle voulait reprendre son rôle et ils lui ont dit ok, mais alors tu rentres dans le même costume. Et elle rentrait dans son costume même 10 ans plus tard. Voilà. Classe. Moi, j'en ai gauche caviar lui, parce que du coup. Ouais, gauche caviar. Bon, allez, ok. Mais vraiment, les derniers là, c'était pas. Eh bien, voilà. Pas brillant. On a fini. On a réussi tout le monde. Et on a mis que 3 heures. Hein. Et je veux pas dire, mais c'est les communistes qui gagnent. Hein. Et grâce à la post-lo. Ouais, grandement, ouais. Regarde, à partir de la post-lo, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, il y a Chirrut, il y a Cassian. Oui, mais ils font pas partie de la post-logie, c'est prélogie. Oui, mais on va dire l'ère Disney. Alors, si on compte l'ère Disney, alors ça fait 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 personnages communistes dans l'ère Disney, ce qui est très rigolo vu qu'eux, ils sont ultra capitalistes. Ouais. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils nous endorment, les salauds. C'est, bah, c'est vrai. C'est comme ça qu'ils nous ont fait croire que ça se finirait bien. Mais voilà. Mais magnifique. Je pense que ça sera très important de partager ça avec le monde entier. Ah ouais, 15, parce que... En fait, 14. De prendre le PNG. Ou même 13. De quoi? Les trois derniers personnages ne sont pas de la post-logie. Oui, je ne les ai pas comptés. Ah, pardon. Ah. Là, je me suis fait avoir par le chat. Grushkov. Comment? Sauvegarde en bas. T'as genre save. Bah, je ne vais pas faire ça maintenant. Oui. Pourquoi pas? Ah, bah parce okay, que. Non, c'est bon. Ouais! Ce qui est marrant, c'est qu'il y a le truc Tear Maker en plein sur la gueule de certains personnages. Ah, tu vois quand même qui c'est? Tu vois que c'est Elfie's Nest, Wicket et K2S. Voilà! Actuellement, les protagonistes de Mandalorian, je pense pas. Alors. Et il manque les persos de Clone Wars et Rebels, c'est dommage. Ouais. Oui, je suis d'accord. Ouais, ouais, dommage, je suis d'accord mais, aussi, mais... on irait passer la vie, en vrai. On refera peut-être ça, si on peut en rajouter nous-mêmes. Oui, c'est pas nous qui avons choisi les persos qui étaient là. Hein. Et pour toutes les plaintes, c'est Adrien qui nous a sorti ce lien-là. Hein. S'il y en avait un qui complet, c'est mieux foutu... Je l'ai des personnages c'est lui, c'est lui. Hein. C'est et n'hésitez pas à m'insulter sur Twitter, me la me laisser des pouces rouges. Il n'y a aucun problème, moi, j'assume. Désabonnez-vous de sa chaîne. Ah oui, Eker, veut qu'on ajoute le personnage du Mandalorian comme ça, juste en parlant. Alors, le personnage du Mandalorian, c'est très libéral, hein, on va pas se mentir. Djarin, il commence libéral, mais libéral qui apprend à être de gauche. Djarin, il est de gauche, de toute façon, il a été recueilli, il a été élevé dans une communauté. Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est un coco. Ah, ouais. c'est un coco qui vit dans un monde libéral. Ouais, c'est vrai. Baby ouais, Yoda, mais alors, il a un iPhone et pourtant il critique la société sur son iPhone. Tu es très intelligent. Ah bah tiens, mince, le Kiss, comment il s'appelle le Chiss Le Chiss, oh bah c'est complètement un Hux. C'est un gros cerveau. Ah ok, ok. Je pensais qu'il aurait été Front Galactique, mais je n'ai pas regardé Rebels. Je l'aime beaucoup, mais c'est un gros cerveau. De qui? D'accord. Throne. Ah oui. On peut mettre le lien pour la tier list. Est-ce que quelqu'un peut balancer le lien dans le chat? Je vais le faire. Normalement, okay. Allez le chercher et donner. Juste Baby Yoda, on est d'accord qu'il est anarchiste. Oui, Baby Yoda, c'est un nanar. Cara Dune, anarchiste aussi, parce qu'elle dit clairement... Ouais, à la fin de la rébellion, on m'a engagé dans les forces armées de la République et clairement, je me suis barré parce que je voulais pas contrôler les foules, ça me saoulait. Okay. Alors, et Werner Herzog, alors, c'est quoi son... Werner Herzog, c'est un pickle. Hein. C'est plusieurs pickles, même. Voilà. Cara Dune, ouais, communiste. Y a qui d'autre? Quill. Non, Quill. C'est compliqué parce que il est isolé et tout. Il dit justement oui dans cette vallée. On aime bien la tranquillité. On n'aime pas quand il y a des méchants qui viennent nous embêter tout ça. Mais il est c'est un coco. Oui, c'est un coco. Si on peut rajouter des persos, on pourra faire ça. Quill. En fait, il est mort. C'est sombre. Mais il y en a qui n'ont peut-être pas vu, tu sais. Merde. John Scarlett, c'est pas vrai. Esposito, bah, c'est extrême droite. Hein, ouais, lui, il est Front Galactique. Hein. Clairement. Les meufs, de toute façon, c'est d'emblée. Ouais. Regardez. Qui d'autre? La nana qui sur Tatooine là, qui fait babysitter pendant. Elle s'aime bien, donc je sais pas. Coco. Coco, ouais, ouais, je pense. C'est ta tante Coco un peu alcoolique. Quand même un peu. C'est ça. Ok, est-ce qu'on arrête là? Oui, on arrête là, évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter aux liens qui sont pas là, évidemment, mais vous pouvez les trouver là sur Twitch. Vous les avez, ils sont juste en dessous. Rigop, le Lando de Solo, hein, de Donald Glover, on l'a dit, c'était libéral. Hein, il est là. Tu le vois, il bouge. On l'avait mis dedans ? Il était là ? Oui, il est là. Je le bouge, là. Tu le vois pas ? Non, je ne le vois pas. J'ai un... Ah si, je le vois. Je le vois. Pardon. Ok. Super. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde d'être venu, parce que c'était beaucoup merci plus drôle de faire ça avec vous. Ouais, c'était toujours aussi long, comme d'habitude. Hein. Faut pas se leurrer. On va essayer de faire des lives plus courts les prochaines fois, mais on va en faire d'autres. Ça compte pas. Et on va faire des lives de jeux. Ouais, on va faire des lives de jeux. On va faire des lives... Tous ensemble. Je vais tenter de streamer un petit peu la prochaine fois qu'on jouera ensemble à The Old Republic, le MMO. Et puis, si ça marche, peut-être qu'on en fera un peu plus. Et puis, on verra. Et puis, on va faire plein de trucs. La chaîne Twitch, on va commencer à la faire vivre un petit peu. Avoir la fibre, c'est de droite. Ben, désolé. Non, mais c'est aussi de gauche caviar. Hein, et moi, je suis de gauche caviar maintenant. Bravo. Désolé, j'ai pas fait exprès. Ça t'applique comme ça. Et voilà. Donc, nous, on est comme le Mandalorien, tu vois. On est complètement de gauche, mais on a des boulots de droite parce que bon, bah, on a pas trop le choix. Pas de chance. Jouer à KOTOR. On a essayé de jouer à KOTOR, mais ça plante chez tout le monde. Donc, c'est un peu chaud. Moi, ça ne plante pas, mais je m'endors, pareil. Ouais, ouais. Non, pareil. Ouais. Bah, si ça vous intéresse, il y a 4 épisodes sur la chaîne YouTube de Faut qu'on y joue. Voilà. Vous pouvez regarder les 4 premiers épisodes, mais il n'y aura pas de suite parce qu'on s'ennuie, en fait. Ouais, Xenith avait fait des lives. Ok, est-ce que vous avez un dernier truc à dire, tous les gens de la... Bah, de l'équipe. Où est-ce qu'on place le Faucon Millenial dans cette liste ? On nous avait demandé au début du chat, pendant le tout début de l'émission, où est-ce qu'on se place dans cette grille ? À nous ? Oh la vache ! Anarcho-coucou ? Moi, j'ai fait des tests et je suis anarcho-communiste. Pareil, ouais. Oui, dans le genre aussi. Hein. Comment ? Et toi, et donc, Ximnut, il est ni de gauche ni de droite. Voilà, arrêtez ! Triste. Gauche caviar, Ximnut. Non, mais Ximnut, c'est exactement comme Chewbacca. Il fait genre, il n'est pas, alors qu'en fait, il est clairement de gauche. Voilà. Oui, c'est il ne l'avoue pas encore. Hein. Rendez-vous dans Chewbacca. C'est notre Chewbacca, Ximnut. Bah, vous m'enverrez le test. Peut-être que l'an prochain, on arrivera à le faire basculer. Il l'admettra. Ouais. Tant qu'il habite au Canada, c'est compliqué de l'avouer. C'est comme quand t'as admis que t'étais rélo, Matt. Ça a pris du temps, mais tu l'as fait. Voilà. Ouais. Et tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a amusé et que c'était pas trop chiant. C'était très long. On s'est amusé, c'était marrant, je pense. C'était rigolo. Ouais, on termine avec des imitations de Babou Frick. Non. Attends, toi d'abord tu nous fais l'imitation de Qui-Gon et de Yoda, s'il te plaît. Que Qui-Gon. J'ai trop mal à la gorge pour faire Yoda, mais passez une bonne nuit, mes petits Gungan. Que ma force soit avec vous. Au revoir. Bye.